Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode avant les vacances pour Podcast Science. Pour clôturer en beauté cette saison 5, et pour que vous puissiez tenir tout l'été, on ne s'est pas moqué de vous ces dernières semaines. D'abord, un dossier fleuve et passionnant d'Adrien sur CRISPR, puis une émission radio dessinée de 3 heures, autant d'émotions et avec plus de 15 intervenants. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un gros morceau aussi, dont nous n'avions jamais encore parlé sur Podcast Science, la relativité générale. Car nous fêtons cette année le centenaire de la publication de cette théorie par Albert Einstein. Et comme c'est Robin qui invite, on va aussi un peu parler de maths, bien sûr. Pour nous en parler, nous recevons ce soir donc Jean-Philippe Usan, cosmologiste à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Alors, donc au sommaire de cette édition, donc tout d'abord autour de la table physique à Paris, donc il y a Nico. Salut. Robin. Salut. Et bien sûr donc notre invité Jean-Philippe Usan. Bonjour. Et autour de la table moins physique, bah, cette semaine il n'y a que moi-même à Baltimore. Ça sent les vacances à Podcast Science. Et donc je pense que donc cette émission aujourd'hui c'est une émission interview. Ensuite quelques questions d'auditeurs. Bien sûr, la quote. Pas de pitch cette semaine, parce qu'on ne sait pas encore à quoi ressemblera la première émission de l'année prochaine. Quelques plugs et la conclusion. Et donc, on commence tout de suite alors avec l'interview de Jean-Philippe Usan. Alors, j'ai préparé une petite introduction sur toi, Jean-Philippe. Je pense que le mieux, c'est qu'à la fin, tu me dises s'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter sur ce que j'ai dit sur toi. Ou alors, on commence par le laisser se présenter et t'en rajoutes s'il en oublie. On peut commencer aussi. J'ai vu que tu t'étais énormément renseigné, j'ai énormément appris sur Jean-Philippe. Bon. D'accord, donc je suis Jean-Philippe Usan, je suis directeur de recherche au CNRS. Ça fait, ça doit faire une quinzaine d'années que je travaille au CNRS. Et je travaille à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Je suis spécialiste de cosmologie, surtout les aspects théoriques de la cosmologie, et de gravitation, donc en particulier de la théorie de la relativité générale. Alors à côté de ça, je suis aussi le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, c'est-à-dire en gros le bras droit ou le bras gauche, je ne sais pas quel est le plus utile, de notre ami Cédric Villani que tout le monde connaît plus que moi. Il faudra quand même que tu nous racontes ce que ça fait d'ailleurs de vivre à l'ombre d'une star. Oui. C'est bien, ça évite de prendre des coups de soleil, c'est pas mal. Ça c'est une activité dans laquelle on met en place des moyens pour permettre à des gens de monter des activités scientifiques de recherche, mais aussi pour diffuser la connaissance. On a beaucoup d'activités autour des maths et de la physique théorique, et en particulier donc cette année autour de la relativité générale, puisque nous allons fêter le 100e anniversaire de la sortie de la théorie au mois de novembre. Donc je vous parlerai peut-être un petit peu de ce qu'on a prévu, puisqu'il y avait pas mal d'événements sur Paris, la région parisienne. Et puis, sinon, je m'intéresse à d'autres choses. J'aime bien essayer de parler aux gens de ce que je fais. Donc ça veut dire être impliqué un peu dans la diffusion des connaissances. Je participe par exemple à l'organisation du Festival de Florence, donc une petite page de pub, hein, Florence dans le Gers, pas Florence en Italie. Cette année, du 8 au 15 août, 25e festival d'astronomie et maintenant plus large en fait de science en général, avec une cinquantaine de conférences et des invités comme les plus célèbres, Hubert Reeves, Cédric Villani, Roland Lehoucq, Jérôme Pérez et plein d'autres, avec des ateliers, des conférences, des rencontres, des cafés des sciences, des observations le soir. Et donc, c'est une semaine, on va dire, d'orgasme astronomique. Donc, voilà. Et si en plus vous aimez le foie gras et le melon, je pense que vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de venir nous rejoindre. Pour la région, il y a l'orgasme culinaire plus l'orgasme astronomique. Je prends mes billets. Voilà. Donc ça, c'est l'activité vraiment très récente. Et puis donc, dans ces activités de vulgarisation, diffusion des connaissances, j'ai écrit quelques livres, des livres pour enfants, développé des activités avec les scolaires. Et en fait, j'aime bien les enfants. En fait, j'aime bien travailler avec les enfants parce que je pense qu'ils ont une activité plus saine par rapport à ce qu'on leur raconte. C'est-à-dire qu'ils sont moins dans une recherche de sens, et donc ils sont beaucoup plus ouverts et finalement, ils s'adaptent beaucoup plus rapidement, et je trouve qu'ils absorbent plus rapidement. Donc, il y a plus de plaisir, et en fait, ils ne sont pas non plus bluffés par le fait que quelqu'un est une personnalité. En fait, ils ne savent pas qui sont les gens. Et donc, on a moins cette barrière de devoir dire « Ah oui, c'est monsieur un tel qui a dit ». Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, ils ont toujours des questions qui peuvent sembler des questions naïves et qu'on y réfléchit profondément, qui nous poussent dans nos derniers retranchements. Donc voilà, ça, j'aime bien faire ça. Voilà, ça suffit, je pense. Très bien. C'était une introduction parfaite. On a ouais, bien Johan m'a appris dans ses recherches que tu avais gagné un prix, tout ça en plus. Ouais, pareil, mais on s'en fout, ça. Ouais, mais si, ça fait bien. Ça fait ça bien fait pour bien, Podcast ouais. Science. Vas-y, vas-y. Alors, ouais, j'ai eu quelques prix. J'en ai eu un, ils m'ont donné parce que la Société française de physique m'avait donné le prix Paul Langevin, qui est, c'est sympa, Langevin, c'est un type bien. Et là, cette année, je viens de recevoir le prix Georges Lemaître pour mes contributions, paraît-il, à la compréhension du Big Bang et de l'univers. Donc Georges Lemaître étant le père du Big Bang, ça fait vachement bien, quoi. C'est, ah oui. Et c'était bien. Un type bien aussi. Voilà, ouais. C'était, puis c'était un type bien. Je pourrais peut-être, je vous dirai quelques mots sur Georges Lemaître. Il est rentré pas mal en discussion et en controverse avec Einstein lui-même sur les implications que la relativité générale avait pour la cosmologie. Et c'est vraiment un type qui avait une pensée très très profonde, aussi bien du point de vue de la science que ce qui va au-dessus de la science. Parce que je pense que dans ces histoires, on parlait de vulgarisation, mais peut-être une chose qui est importante pour moi, c'est l'implication du chercheur aussi en tant que citoyen dans un débat un peu plus politique. Et il est clair que des gens qui pensent... disons qui ont une dimension humaine et humaniste, des scientifiques qui ont voilà, cette dimension-là, c'est quand même des gens qui m'attirent beaucoup. Donc Lemaître avait cette dimension-là. Et j'ai eu la chance de collaborer là depuis 15 ans avec quelqu'un en Afrique du Sud qui s'appelle George Ellis, qui est aussi dans la même veine. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup, parce que surtout quand on travaille dans des sujets comme la cosmologie, il y a toujours un moment des questions un peu limites en termes de questions d'origine. Et on rentre dans des débats avec finalement des réflexions qui sont plus d'ordre métaphysique, philosophique, voire des fois religieuse. Et souvent, nous, on est mal à l'aise par rapport à ça. Et je pense que d'arriver à expliquer aux gens de façon simple comment les implications de la science mettent des contraintes sur des croyances que l'on peut avoir et quelle est la différence entre des explications scientifiques et d'autres types d'explications, ça fait aussi partie de notre rôle, parce qu'il y a beaucoup de débats de sociétés qui impliquent des connaissances scientifiques et souvent les gens n'ont pas la possibilité ou les connaissances suffisantes pour faire la part des choses entre ce qui est le savoir scientifique et ce qui est un savoir périphérique. Et ça, je crois que ça manque. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait de la vulgarisation des sciences. C'est pour donner des clés, parce qu'on ne veut pas que les gens deviennent tous des scientifiques. Ça serait barbant. Donc, il faut aussi autre chose. Mais surtout que les gens en connaissent suffisamment de sciences pour décrypter ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils entendent à la radio, pour ne pas se laisser bluffer par des arguments qui ne valent rien. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans un monde où science et technologie sont partout, on est beaucoup dépassé en tant que citoyen, et même nous, c'est-à-dire quand c'est des domaines, si on parle de biologie, ben, je peux me faire avoir. Donc voilà. Voilà, exactement. Donc montrer sur des exemples concrets qu'utiliser son sens critique et dire est-ce que ça fait sens. À chaque fois qu'on me dit un truc, est-ce que ça fait sens, eh ben, j'en serai un meilleur citoyen, et je pense que ça peut nous aider tous aussi dans notre société. Donc on note, dans notre société. Quand on sera sur des choses un peu improbables de la relativité, se rappeler du bon sens. On verra, ouais, on verra. Très bien. Et bah donc je pense qu'on peut commencer alors. Oui, je pense qu'on peut y aller sur la relativité. Donc oui, donc ce relativité. Soir on va parler de la relativité générale. Et en fait, moi il y a un truc que j'avais dans l'esprit. Oui, pourquoi est-ce qu'on dit pour moi c'était 1905. Et puis après j'ai vérifié. Donc première question, de quoi exactement célèbre-t-on les 100 ans cette année? Alors on célèbre les 100 ans. Donc de la relativité générale. Donc la relativité générale, c'est une théorie qui est venue 10 ans après cette théorie de la relativité restreinte, qui elle a été publiée en 1905. Et ça se place, en fait, la théorie de la relativité générale se place dans la continuité de la théorie de la relativité restreinte. Et en fait, elle se place dans la continuité d'une grande réflexion qu'on peut finalement faire remonter jusqu'à Galilée et même en fait avant, qui est de savoir quelle est la nature des mouvements et comment est-ce qu'on décrit les mouvements. Et déjà, une des grandes révolutions, on parle de principe de relativité. Le premier principe de relativité qu'on rencontre quand on fait des études, c'est le principe qu'on appelle de relativité galiléenne, c'est-à-dire que si on décrit un mouvement par rapport, il faut dire par rapport à quoi on décrit un mouvement. Donc l'exemple de Galilée, c'était sur le bateau, Einstein préférait le train, c'était les temps modernes. Si vous marchez dans votre train à une certaine vitesse, eh bien vous pouvez dire quelle est la vitesse par rapport au train, mais si vous essayez de dire quelle est la vitesse par rapport à quelqu'un qui serait immobile sur un quai, il faut connaître la vitesse du train par rapport au quai. Donc on se rend compte qu'on ne peut pas décrire des mouvements de façon absolue, il faut décrire des mouvements de façon relative. Donc ça, c'est quelque chose d'une prise de conscience. Et donc la question s'est posée de savoir par rapport à quoi je décris les mouvements des corps. Donc ça, c'est la première réflexion. Et le premier à avoir fait un pas dans cette réflexion, c'est Newton. Et Newton va dès le début des Principia, va nous définir ce que c'est que l'espace et le temps. Donc déjà, quand on lit cette page, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, parce que souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps. Et en général, moi, je dis, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est que l'espace et le temps. Ce que je sais, c'est que je vais décider, après réflexion et avec beaucoup d'arguments, d'associer une structure mathématique à l'espace et au temps. Et je vais dire, c'est ça, l'espace et le temps. Et je vais continuer avec cette structure tant que je ne trouve pas de problème dans cette construction. Donc, il faut postuler cette structure. Et à partir du moment où on l'a postulée, elle nous permet de travailler avec l'espace et le temps. Elle nous permet de calculer des durées, des temps, des voyages, des trajectoires, tout ce qu'on veut, de faire de la dynamique. Et si un jour, dans un calcul, on trouve une contradiction, alors la première chose, c'est de se dire que peut-être l'expérience est mauvaise. Mais si on arrive à trouver des contradictions qui se répètent, eh bien, il y a un moment où on va se dire, il faut que je change de représentation. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'en physique et en science en général, on ne parle pas directement de la réalité, mais on parle des représentations de la réalité, de la représentation des phénomènes. Donc ça veut dire aussi que ces représentations-là, elles ont une certaine durée de vie. Et si on trouve des incohérences théoriques entre deux théories ou avec une expérience, eh bien le scientifique, lui, est capable de remettre en cause ces postulats parce qu'il n'avait qu'une portée limitée. Donc ça, c'est la notion de domaine de validité d'une théorie. Donc Newton va postuler que l'espace a trois dimensions, parce que c'est l'impression que l'on a. Et il va supposer que le temps n'a qu'une dimension. On n'a besoin que d'une seule montre pour mesurer le temps. Et donc, il va modéliser l'espace-temps par un espace-temps à trois dimensions, qui est un espace euclidien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un espace dans lequel, si je veux calculer la distance entre deux points, je calcule avec le théorème de Pythagore. D'accord ? Donc, le Pythagore, à trois dimensions, c'est la distance entre deux points, c'est la distance selon trois directions perpendiculaires. On fait la somme des carrés et on prend la racine carrée de tout ça et ça nous donne la distance. Donc, ça, c'est un espace euclidien. Et des mathématiciens vous diraient aussi que c'est un espace plat, c'est un espace sans courbure. Bref, c'est l'espace le plus simple auquel on puisse penser à trois dimensions. Donc Newton va postuler ça, et donc il existerait d'après lui un espace absolu, un espace de référence et une notion de temps absolu. Et donc on va décrire les mouvements par rapport à cet espace absolu. À partir du moment où on a décrété cela, se pose la question de savoir finalement quel est cet espace absolu, par rapport à quoi est-ce que je décris mes mouvements. Et c'est là que ça rentre en résonance avec la réflexion de Galilée, donc ce principe d'équivalence. Si je suis dans un train et que je ferme les volets du train, le train roule, le mouvement est lisse, c'est-à-dire que ça n'accélère pas, ça ne tourne pas, il n'y a pas de vibration. La question est de savoir, est-ce que quand je suis dans ce train qui va à une vitesse constante par rapport au quai, est-ce que je suis capable de mettre en évidence le mouvement de mon train ? Et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Si vous laissez tomber un objet, il va tomber à votre pied. Si vous jouez avec un pendule, le pendule va osciller dans le train comme il oscillerait dehors. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a aucune expérience de physique qui permet de mettre en évidence ce mouvement de translation rectiligne et uniforme. Alors là, ça pose un problème, parce que ça veut dire que vous n'allez pas être capable de matérialiser l'espace-temps absolu. Au mieux, vous allez être capable de matérialiser une classe d'équivalences de référentiels qui sont tous ceux qui sont en translation uniforme par rapport à ce référentiel absolu. Donc là, on sent que l'espace-temps, déjà, on va avoir du mal à prendre prise dessus. Juste, je t'arrête sur classe d'équivalente. Mais... Ah, classe d'équivalente. Ouais. On essaie de s'adresser au plus grand nombre, donc sans aucun gros mot. Mais en gros, ça veut dire que oui, on est capable de décrire un espace, sans préciser si c'est un truc immobile ou qui bouge et à quelle vitesse, du moment que c'est... C'est ça. Donc si cet espace-temps absolu existe, tous les référentiels qui sont en translation rectiligne et uniforme par rapport à lui sont des espaces-temps absolus aussi légitimes que lui. C'est ça. C'est voilà. Tout cela, on va avoir exactement la même physique, on va les décrire exactement de la même façon. Quand on et décrit l'un, on décrit tous les autres. Il n'y a aucune façon expérimentale de les distinguer. Et donc, on ne peut pas savoir. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on réalise ça. Et puis ensuite, on se rend compte que dans la description de la nature, il existe d'autres types de forces. Si votre train accélère, eh bien, vous êtes un petit peu projeté en arrière. S'il freine, vous êtes un peu projeté en avant. S'il tourne, vous êtes projeté sur les côtés. Et ça, c'est des forces qu'on appelle des forces d'inertie. C'est-à-dire que c'est des forces qui viennent dues au fait que ce référentiel, que ce train accélère par rapport à ces référentiels qui sont supposés, donc ces référentiels qui sont tous aussi légitimes que l'espace-temps absolu. On les appelle les référentiels galiléens, en honneur à Galilée. Et donc, il apparaît des forces d'inertie. Et pendant longtemps, on s'est dit, mais c'est bizarre, d'où elles viennent ces forces ? On les appelait même des forces fictives, c'est des forces qui n'existent pas, mais c'est quand on a des mouvements accélérés. Et donc, il y a eu toute une réflexion de savoir d'où viennent les forces fictives. Et si, quand je ne suis pas en translation uniforme par rapport au référentiel absolu, il apparaît des forces fictives, dans quel cas est-ce qu'il faut prendre ces forces fictives en compte. Donc ça, vous voyez, c'est bien le problème. Si je suis ici dans mon laboratoire sur Terre, je peux décréter que les forces fictives sont nulles. Mais si maintenant je réalise que la Terre tourne, eh bien, il va y avoir une force centrifuge qu'il va falloir prendre en compte, en supposant que c'est le référentiel du système solaire qui est le référentiel, un bon représentant du référentiel absolu. Et puis, en fait, si je réalise que la Terre tourne dans le système solaire, et on a l'impression qu'on a tout construit sur du sable. Donc, bien sûr, d'un point de vue pratique, la rotation de la Terre, elle donne une force centrifuge, mais qui va être petite par rapport à d'autres effets. Donc, suivant le phénomène que je veux prendre en compte, c'est une bonne approximation de considérer mon laboratoire comme un référentiel, quoi, représentant de ce référentiel absolu. Mais là, on a l'impression déjà qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et donc, l'existence de ces référentiels absolus a posé des grandes questions. Et Newton lui-même, en fait, n'était pas tout à fait content avec ce fait que l'espace-temps absolu qu'il fallait postuler pour commencer la création, en fait, semblait se dérober sous les tentatives du physicien à le construire. Donc, lui-même, il avait conscience, il n'avait pas du tout dans la tête un espace-temps absolu centré, je ne sais pas, sur le Soleil ou... Non. Donc, après, il discute de savoir quel est un bon représentant. Donc, ça va être une création concrète, parce qu'il va falloir dire par rapport à quoi on décrit. Parce que c'est ça qu'on dit, on donne souvent que de Newton l'image du justement celui qui a donné cet espace à trois dimensions fixe, et qu'on est très content. Mais en fait, il n'en était pas forcément très content. Non, parce qu'il avait, Newton a très bien compris le fait que c'était une chose de décréter l'existence de quelque chose, et c'était une autre chose de le mettre en relation avec les concepts réels, et en particulier ce que l'on mesure. Et c'est ça la grande difficulté de la physique. En physique, on veut dire que telle construction mathématique est une bonne description de tel phénomène, et donc il va falloir relier quelque chose que l'on mesure à quelque chose que l'on a décrit par un objet mathématique. Et c'est là la grande difficulté qui est liée finalement à cette identification. Parce qu'il n'y a pas, on peut pas démontrer mathématiquement que cette identification est une bonne identification. C'est pas que de la logique pure. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si on en est avec Newton, c'est la notion de la gravitation. Newton sort sa loi de la gravitation universelle. Il dit que deux masses s'attirent de façon... subissent son interaction gravitationnelle. Et donc, il va y avoir une force qui va être proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance qui sépare ces masses. Donc ça, c'est la fameuse loi de Newton. Mais dans cette loi, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette force agit à distance, dans le vide. Et puis surtout, elle agit de façon instantanée entre les deux corps. Donc si vous bougez un corps même très très loin, un autre corps réagit instantanément au changement de la force de gravitation. Et ça ne plaît pas à Newton, parce qu'ils se rendent compte que si vous mettez des objets même à l'infini dans l'univers, si l'univers était infini, on peut mettre des objets aussi loin que l'on veut, ils vont avoir certes des influences de plus en plus petites, mais comme il y a de plus en plus de matière, eh bien, il y a un moment où on a l'impression que pour dire la nature des choses qui sont ici, il faudrait connaître l'état de l'univers dans son ensemble. Donc ça ne lui plaît pas, cette force qui est à portée infinie, et puis surtout qui se propage dans le vide, parce qu'à l'époque, eh bien, on connaissait des forces qui sont ce qu'on appelle des forces de contact, je pousse, je frotte, mais on ne connaissait pas de forces qui agissent à distance. Donc voilà un peu le paysage, c'est l'étude des mouvements et c'est la force de gravitation telle qu'elle a été formulée par Newton. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'évolution du principe de relativité, ça va être une évolution sur la notion de savoir finalement de quoi est fait la réalité. C'est-à-dire que si on part de cet état de Newton nous dit la réalité, c'est entre guillemets assez simple, c'est un espace, c'est un temps avec des structures mathématiques bien décrites, c'est des particules qui sont dans cet espace-temps, donc on a des petites masses qui sont les particules qui décrivent la matière, et puis c'est des forces qui agissent entre ces particules, et il y a deux types de forces, il y a les forces de contact qui vont pouvoir inclure les frottements et tout ce qu'on veut, et il y a la force de gravitation qui est la seule force qu'on connaît qui se propage dans le vide, une force à distance. Donc voilà un petit peu le paysage, et c'est à partir de ça que les choses vont évoluer. Alors, elles vont évoluer de façon dans deux directions. La première, elle va évoluer avec une découverte... j'ai même la citation de Newton. Vous voulez la citation de Newton? Oui, vas-y. C'est bon. C'est pas une citation d'Einstein? Non, pas à toi, on n'est pas là. J'espère pour les gens qui écoutent en direct que vous n'avez rien prévu d'ici demain matin. Donc voilà, ça c'est Newton, c'est au début des principes. Regardez comment il définit le temps et l'espace. Il dit « Les termes de temps, d'espace, de lieu et de mouvement sont connus de tout le monde. Mais s'il faut remarquer que pour n'avoir considéré ces quantités que par leur relation à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu et le mouvement en absolu et relatif, vrai et apparent, mathématique et vulgaire. » Donc il vous dit « Attention, ne confondez jamais l'objet et la description de l'objet. D'accord ? Et ça, c'est vraiment, si on peut donner un conseil à tous les étudiants, même tous les journalistes, par exemple, c'est ne jamais confondre l'objet et la description de l'objet. Donc ça, c'est très important. Et puis, il nous dit après, par exemple, le temps absolu, vrai et mathématique, donc ça, c'est vraiment l'idéalisation, qui est sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, est lui-même, en lui-même, et de sa nature, coule uniformément, on l'appelle aussi durée. Donc, vous voyez, il prend son temps pour définir ces concepts et expliquer comment il va les mettre en relation avec les objets que nous, on appelle naturellement le temps qu'on va mesurer avec notre montre, on a l'impression de vieillir, on a l'impression que le temps passe, mais il va falloir un petit peu les mettre en relation avec ces objets physiques. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'était, oui, donc ce que tu disais, c'était que tu avais d'un côté un objet réel qu'on a du mal à définir et une description mathématique. Et il dit que c'est ça dont on parle, c'est la description mathématique, pas l'objet réel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et il dit que si la théorie est bonne, on décrète que la description mathématique est une bonne représentation de la réalité. D'accord ? On ne fait pas comme des philosophes qui vont discuter c'est quoi le temps, il est comme ci, il pourrait être comme ça. Non, là, on a une description et tant que la description marche, on dit c'est ça la réalité. D'accord ? Le physicien, il dit c'est ça la réalité. Et puis ensuite, cette notion de réalité peut évoluer avec le temps. Quand on parle souvent de travaux de chercheurs, et en fait, le boulot du physicien est de flinguer cette théorie, en fait. Voilà, donc nous, on cherche les limites. Donc on sait qu'une description de la réalité vient avec ses limites. Et donc tout l'art, ça va être d'aller chercher ses limites et comprendre, trouver les moments où il va y avoir des incohérences pour pouvoir nous donner des représentations qui sont d'autant meilleures. Mmh. Non, voilà. La remarque que je faisais, c'est que tout ce que tu racontes, ça fait d'une certaine manière vachement penser à tout ce qui est recherche d'axiomes, de théories en maths, quoi, toute la recherche de l'axiomatique parfaite, de la théorie parfaite. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. J'avais fait un épisode sur le théorème de Gödel. Ça fait un peu. Enfin, je trouve que ça fait un lien avec ça, quoi. Le côté tout référentiel est relatif à un autre référentiel. On sait pas, etc. Tout. Qu'est-ce qu'on prend comme base? Enfin, on se retrouve avec vraiment le même genre de problème, quoi. Exactement. Mais en fait, on fait de la physique théorique. Donc, ouais. C'est aussi. L'expérience va jouer un rôle. Hein, mais pour l'instant, on est vraiment dans une démarche de physicien-théoricien. Donc, quelque part, très proche d'une démarche de mathématicien. Et quand je vous disais que Newton n'était pas content, là, j'ai une autre citation. C'est une lettre de Newton à Bentley là, en 1692. Il lui écrit la chose suivante. Il lui dit que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par quoi et à travers quoi leur action et force puissent être communiquées de l'un à l'autre, est pour moi une absurdité dont je crois qu'aucun homme ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques puisse jamais se rendre coupable. Une absurdité qui a tenu un sacré bout de temps. Donc autant dire que le père Newton, premièrement, il est super génial et deuxièmement, il est super lucide. D'accord ? Donc si on pouvait tous être pareil, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, on est dans cette situation. Donc lui, il a fait une construction qui est considérée par tout le monde comme un monument de la physique. Il est encensé pendant presque deux siècles et même jusqu'à aujourd'hui. Mais il est tout à fait lucide. Il se rend bien compte que là, il y a des problèmes, il y a quelque chose de pas satisfaisant. Et en fait, ça va passer assez inaperçu. Les gens ne vont pas travailler là-dessus. On va travailler sur la théorie Newton pour faire des prédictions dans le système solaire. Il va y avoir des œuvres magistrales. On avait parlé... Si on revient à l'IHP, on avait fêté le bicentenaire de Lagrange et donc cette reformulation de la mécanique. Juste, je redis, l'IHP, c'est l'Institut Henri Poincaré, oui, dont tu as parlé au début, mais on a l'habitude d'appeler ça l'IHP, mais tout le monde n'a pas l'habitude. Donc voilà la situation dans laquelle on va partir, c'est notre point de départ. Oui, on remonte un petit peu loin, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre la ligne qui se dessine parce qu'il y a quelques jalons à partir de ça. Et moi, j'ai une question aussi, oui. Oui, désolé de t'interrompre encore, sur le niveau, parce que la façon dont on apprend maintenant la théorie de Newton, c'est quelque chose qui est assez bien mathématisé maintenant, donc des dérivés, des intégrales, des trucs, mais j'imagine que c'est pas exactement comme ça non plus qu'il voyait sa théorie. Et en fait, quelle est l'utilisation des maths en fait au moment où lui fait sa théorie, Newton? Alors là, c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je suis pas spécialiste en histoire des sciences. Il est clair que, alors j'ai lu des trucs, mais c'est vrai que lui en particulier avec, je crois que c'est sa compétition avec Leibniz, ils étaient dans la définition de l'invention du calcul différentiel. Mais je crois qu'une partie de ses travaux, il les a exprimés aussi en termes purement géométriques, simplement pour qu'ils soient compris de ses contemporains. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a un nouveau langage, quoi, qui est celui des équations différentielles. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez... on va le voir aussi pour la relativité générale. C'est qu'il y a un moment, ce qui crée la théorie physique, c'est une intuition de ce qu'est la nature et de ce que sont les bons concepts. Et ensuite, il va falloir trouver les bonnes mathématiques pour décrire simplement ces bons concepts. Et en fait, ces notions-là vont pouvoir évoluer au cours du temps. Et c'est aussi pour ça que les théories sont mieux comprises quand elles sont digérées par des générations de gens qui les enseignent, parce qu'en fait, on arrive à débroussailler en fait de pesanteurs de mathématiques qui sont finalement pas nécessaires et à trouver le bon langage. Le bon formalisme. Alors sur Newton, au niveau historique, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc on va dire que je dis Joker. Mais ouais, Newton et Leibniz, oui, ils sont à la base de ça. S'il a formulé ça sous forme géométrique, c'est qu'à l'époque, c'était la rigueur. Ce qui était considéré comme rigoureux, c'était tout ce qui était géométrique, et ce qui était considéré comme la reine des sciences, enfin bon, il y a les mathématiques, et dans les mathématiques, c'était la géométrie qui tenait vraiment la corde. Et c'était vraiment là-dedans que si c'était démontré géométriquement, c'était démontré. Sinon, c'était un peu... Et il est justement à l'origine du calcul différentiel avec Leibniz. Et il a fallu quand même 100 ans pour justifier ce qu'ils ont fait, quoi. Tout à fait. Parce que du coup, je t'ai posé la question, mais je vais te reposer la question pour Einstein un peu plus tard. Ah oui, ouais, mais ça, on va en parler. Mais ça, j'imagine que t'es plus... Ouais. Donc, c'est le point de départ. Et en fait, les choses vont commencer à changer parce qu'on va découvrir en fait l'existence de nouvelles forces dans la nature. C'est les forces électriques et magnétiques. Et en fait, une observation qu'on peut tous faire, si on a joué avec une boussole, eh bien, vous prenez une boussole et la boussole tourne. Et donc, il y a une action qui se crée sur la boussole et qui est aussi une interaction à distance. Et c'est, on va comprendre que c'est l'action du champ, ce qu'on va appeler un champ électromagnétique sur la boussole. Et le type assez génial qui va comprendre ça, hein, c'est Michael Faraday. Et Michael Faraday va invoquer l'existence de champs. Donc, il va dire qu'il n'y a pas simplement des particules, il existe quelque chose qui sont des champs, le champ électromagnétique. Et en fait, la boussole réagit à la valeur locale du champ. Donc ça, c'est la première chose. Ce champ, vous pouvez le matérialiser. Par exemple, si vous prenez, j'ai un exemple, c'est un aimant. Vous balancez de la limaille de fer et vous allez voir les petites bouts de limaille se matérialiser le long des lignes de champ. Et ça matérialise le champ électromagnétique. Et ce champ, il a des propriétés. Il a lui-même une énergie et il a la possibilité de faire bouger des objets. Et ça, ça va être une grande découverte parce que le champ électromagnétique est là. Et c'est ce champ qui est responsable du fait que les forces électromagnétiques sont aussi des forces à distance. Et c'est quelque chose de pas palpable, quoi. Alors, pas directement. C'est-à-dire, on ne réagit pas comme quand on pousse sur une table ou sur le sol, mais le champ électromagnétique lui-même peut agir sur la matière. Mais c'est ça qui est troublant, quoi. C'est comme la gravité, c'est un truc à distance, c'est un truc abstrait. C'est quoi la différence entre un champ et une force à distance comme la gravité ? Ben, c'est-à-dire que là, la force, en fait, ce qui manquait dans la force, c'était finalement la continuité entre ce qui crée cette force et l'endroit où elle agit. Tandis que le champ, c'est une configuration d'une certaine quantité qui est partout dans l'espace et dont la valeur locale va te donner comment un objet réagit à cet endroit de l'espace. Mais sauf qu'en fait, c'est une façon de raconter les choses. Parce oui, c'est une façon force, de raconter les choses. Mais à partir du moment où on a fait ce pas-là, on se rend compte que dans l'univers, il y a deux choses. Il n'y a pas que des particules. Il faut accepter qu'il y a des particules et des champs. Et que ces deux donc les champs existent au même titre que les particules. Alors les particules, c'est vrai qu'on les voit, donc on a l'impression que c'est bien. Les champs, on les voit pas, donc on a dit « Ah, c'est compliqué », mais c'est juste parce qu'on les voit pas. Mais n'empêche que, comme on sait qualifier leur action, eh bien, ça les définit exactement. On sait dire qu'est-ce qui crée un champ magnétique. Si je vous dis il y a un aimant, je peux calculer son champ électromagnétique, je peux vérifier que l'action qu'il a sur une boussole va être exactement ce que je vois. Donc, il existe au même titre que l'aimant de la boussole. Et est-ce que c'est cette notion de champ par rapport à la notion de force qui amène l'idée que c'est pas en temps immédiat, instantané ? Alors ça va venir après. Mais là, déjà, pour l'instant, on est juste en train de rajouter un élément dans ce qui doit exister dans la nature. Donc on a l'espace, on a le temps, ça c'est pour l'espace-temps, et on a du côté de la matière, on a les champs et les particules. Donc on a enrichi notre contenu, et ça va être un point très très important. Donc cette idée qui a été de champ, c'est vraiment Faraday qui l'a amené, et c'est Maxwell qui va partir sur cette base-là pour écrire sa théorie de l'électromagnétisme. Donc il va écrire des équations, il va se baser sur les travaux plus phénoménologiques de Faraday, de comment il s'appelle, j'ai plus tous les noms en tête, vous voyez, il est un peu tard. Bref, il va se passer sur les travaux phénoménaux, sur les expériences qui existaient, et il va écrire un ensemble d'équations qui vous disent comment ce champ électromagnétique est créé. Donc il va montrer que si vous avez des courants, ça crée des champs magnétiques, si vous avez des charges, ça crée des champs électriques, qu'il y a des relations entre les champs électriques et les champs magnétiques, s'il y en a un qui varie, ça peut engendrer l'autre. Il va écrire un ensemble d'équations qu'on appelle les équations de Maxwell. Ça, c'est la première étape. Et il va se dire, mais en fait, là, j'ai ce champ, et ce champ, il peut évoluer au cours du temps, parce qu'il y avait dans ces équations des parties de variation dans le temps et de variation dans l'espace. Il va montrer qu'il existe des types de solutions qui sont des ondes. D'accord ? Donc, il va regarder, il va montrer que même dans le vide, alors quand on dit dans le vide, c'est dans le vide de matière, parce qu'il y a quand même le champ électromagnétique qui est là, eh bien, il existe des fluctuations du champ électromagnétique, et il va montrer que ces fluctuations, elles se propagent à une vitesse qui est une sorte de vitesse universelle, parce que quand on la calcule, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de faire référence à cet espace absolu, puisqu'on n'est pas en train d'utiliser la mécanique de Newton. Elles sont données à partir de deux quantités, qu'on appelle la perméabilité et la permittivité du vide, et que l'on peut mesurer dans des expériences de statique, donc là où il n'y a pas de mouvement. Donc il va donner une relation entre quelque chose qui est dynamique et des quantités qu'on peut mesurer dans une expérience de statique. Donc cette vitesse de la lumière apparaît comme une vitesse universelle. Et si vous prenez le dictionnaire et que souvent on vous dit c'est quoi la vitesse de la lumière et tout le monde nous répond c'est 299 000 je sais plus combien kilomètres par seconde, eh bien il faut déjà se rendre compte que si on dit ça, on fait déjà de la relativité restreinte sans le savoir. Parce que si on se rappelle ce qu'on a dit sur Galilée, on ne peut pas dire qu'une valeur a une vitesse a une valeur absolue, il faudrait dire par rapport à quoi. Alors qu'en électromagnétisme, cette valeur elle a l'impression d'être pas toujours la même chose. Et donc, on se rend compte que là, il va y avoir une sorte de paradoxe. Donc, on a une théorie qui est celle de la cinématique galiléenne, donc qui décrit les mouvements des objets massiques à des vitesses de l'ordre du kilomètre, centaines de kilomètres, milliers de kilomètres par seconde. Et puis, on a l'électromagnétisme qui nous dit qu'il y a autre chose, mais ça se place à des vitesses de 300 000 kilomètres par seconde. Et donc, si on se dit, ces deux théories, on va essayer de les... elles vont se développer, il y a un moment, elles vont rentrer en collision. Il y a un moment, il va y avoir un problème de compatibilité. Donc, on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir une vitesse qui bouge pas, en fait. Et tu dis que c'est pas compatible avec la mécanique classique. Mais en fait, non seulement c'est pas compatible, mais on voit pas très bien comment on peut avoir une vitesse qui varie pas. C'est-à-dire, imaginer qu'on va à une certaine vitesse et qu'on lance un rayon lumineux et qu'il a la même vitesse, ça paraît bizarre. Voilà, exactement. Donc ça, si vous êtes dans votre train... Vous avez un laser, vous appuyez sur le bouton du laser, on vous dit que c'est 300 000 kilomètres, quoi, 200, bon, 300 000, on a rendu. Oui, disons 300 000. Je n'irai pas me chercher les pouilles sur les... De toute façon, elle est posée comme conseil. Ouais, on pourra discuter après ça. L'émission va déjà être trop longue, donc je pense qu'on peut dire 3. Ouais, c'est ça. Voilà. 1. En unité. En prenant comme unité la vitesse de la lumière. Voilà, redéfinissons le maître. On ne demande à personne, mais c'est ça les radios libres. Prenons le pouvoir, redéfinissons le maître. Et donc, la vitesse de la lumière est donc bien 300 000 km par seconde avec le nouveau maître. Voilà. On a fait une émission spécialement sur l'horreur que ça a été pour définir le maître. Alan avait fait ça. C'était drôle. En fait, en deux épisodes. D'abord sur en quoi avant le maître c'était un enfer, et puis après sur la grande révolution de comment on a fait pour sortir de l'enfer. Je vous ai dit, le problème c'est mesurer, parce que c'est là que c'est au moment où les choses. Et le truc qui est troublant, juste, enfin j'en profite, hein, je fais le naïf jusqu'au bout, j'essaie de me réconcilier avec la physique comme t'es là, j'ai tout ça. C'est le fait de dire qu'il y a un truc qui se passe dans le vide, ça n'a pas perturbé plus que. Enfin, moi ça me perturbe énormément, mais ça perturbe pas plus que ça les gens quand ils disent. Il y a des ondes qui passent dans du vide. Qu'est-ce que ça veut dire le vide ? Enfin, oui, non, s'il y a quelque chose qui passe, c'est que c'est pas complètement vide. Alors, il a fallu définir. Alors, ça aussi, hein, c'est une autre histoire. C'est l'évolution de la notion de vide. Ouais. Parce que tant qu'on est chez Newton, il y a que des particules. Donc, le vide, c'est là où on a enlevé toute la matière. D'accord ? Donc, vous allez vous rendre compte que, il suffit de prendre une pompe à vide et puis on a le vide à l'intérieur. Et puis, alors après, on va se rendre compte. Alors, ça, c'est un peu plus tard, mais qu'il y a le rayonnement. Donc, en fait, même si vous allez enlever toute la matière, il peut y avoir encore des photons de tout ce que vous voulez. Donc, il faudrait peut-être se mettre au zéro absolu, mais que même au zéro absolu, la mécanique, quand il va reste toujours quelque chose. Donc, en fait, le vide, aujourd'hui, les physiciens définissent pas le vide comme l'absence de tout. Ils définissent le vide comme l'état d'énergie minimale d'un système Voilà, et donc c'est son état fondamental. Mais il faudrait me dire ça, moi, ça me réconcilierait avec la physique, sinon je comprends rien. Donc en fait, c'est ça aussi, hein. L'histoire de la difficulté de la physique, c'est la pesanteur historique de l'évolution de ces concepts. C'est-à-dire que souvent les mots sont choisis pour décrire quelque chose qui nous semble intuitif, et ce que les physiciens mettent derrière ces mots après un siècle ou deux siècles d'études a un petit peu évolué, et parfois ça crée ce genre de choses. Et donc en fait, chaque concept en fait, mériterait qu'on lui dédie une histoire complète pour comprendre pourquoi... Bah, écoute, tu fais quelque chose l'année prochaine ? Eh bien, je ne sais pas. Tu viens une fois par mois nous faire des émissions sur un concept physique ? Peut-être. Je ne vais pas dire oui tout de suite. Voyons jusqu'où on arrive ce soir. C'est ça. Donc, reprenons notre train. Et donc, vous voyez que si j'en crois Galilée, il faudrait que la vitesse de la lumière par rapport au quai, ça soit la vitesse du train plus la vitesse de la lumière. Mais d'après Maxwell, il nous dit que c'est aussi la vitesse de la lumière. Donc en fait, la vitesse de composition des lumières doit être telle que V plus C, donc la vitesse plus, on appelle C la vitesse de la lumière, V plus C égale C. Alors ça, est-ce que c'est possible ? V plus C, donc toi qui es un grand mathématicien... Avec l'infini, ça marche. Alors avec si C est égal à l'infini, ça marche. Ouais. Mais alors ça, on peut se poser la question en termes de mathématiques. Donc une addition, finalement, ça définit une notion de groupe. Dans un groupe, il y a l'élément nul, donc V plus 0, c'est égal à V, d'accord ? On dit que c'est associatif, on dit... Mais est-ce que je pourrais avoir un élément qu'on pourrait appeler un élément absorbant, c'est-à-dire que V plus C est égal à C ? Est-ce qu'on peut définir des notions d'additivité, de choses qui s'additionnent, telles que V plus C est égal à C ? Et en fait, on peut montrer mathématiquement que c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a des groupes avec un élément absorbant. Et on peut trouver une loi d'addition des vitesses qui vérifie ce genre de propriété. Alors, élément absorbant, hein, c'est quand on fait cette loi-là, on obtient cet élément-là. Il y a un élément absorbant très simple à décrire, c'est 0 pour la multiplication. Vous multipliez n'importe quoi par 0, ça vaut 0. Ouais. C'est ce qu'on appelle un élément absorbant. Mais avec 0 et la multiplication, c'est trop facile. J'imagine que c'est un tout petit peu plus compliqué, ouais. Le truc auquel tu fais référence. Mais, voilà, mais c'est un petit peu... Avec l'infini, évidemment, additionné à l'infini, on trouve l'infini, donc c'est d'une certaine manière absorbant aussi. Maintenant, j'imagine que là, on est sur des trucs un poil plus subtils sur ce que raconte. On va pas pouvoir le faire sur la radio. Je vois ce que tu viens de m'écrire, on va pas en parler à la radio. Je suis vraiment désolé. Mais on peut les écrire. Il y a des donc on peut les écrire dans le Math Express qui a été publié au Salon des Jeux Mathématiques. On m'avait demandé d'écrire un petit article sur ces aspects-là. Et donc il y a un encadré où j'écris la loi de. Je vous montre un petit peu comment on peut faire ces lois de composition avec des vitesses comme ça. Bon, quoi qu'il en soit. Ça veut dire qu'il va y avoir cet élément absorbant et comme tu le disais, si la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, en fait, c'est comme si elle était repoussée à l'infini et donc, pour des petites vitesses, cet effet-là ne se fait pas sentir. On ne sent l'effet absorbant que si on est dans des référentiels qui sont à des vitesses qui commencent à devenir non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Et ça, cette nouvelle cinématique, c'est ce qu'on va appeler la cinématique relativiste, mais au sens relativité restreinte. D'accord. Et c'est à ça que s'attelle Einstein en 1905. Les gens s'étaient déjà rendu compte qu'il y avait cette incohérence avant. Poincaré avait travaillé dessus, Lorentz avait travaillé dessus. Mais le premier qui finalement va trouver plus que les formules, parce que les formules de ces compositions de vitesse étaient connues de Poincaré, de Lorentz, mais celui qui va comprendre ce qui fait l'affaire, en fait, le fond de ce que ça veut dire, ça va être Einstein. Et il va se dire, si V plus C, c'est C. Et il va se dire quels sont les bons principes à garder. Et donc lui, il va postuler, qu'il va dire, je vais garder cette idée que tous les référentiels inertiels sont équivalents, donc je vais généraliser Galilée. Et puis je vais aussi dire que la vitesse de la lumière est indépendante de l'état de mouvement dans un référentiel inertiel. Donc il dit, ça va être mes deux principes. Et est-ce que je peux partir de ces deux principes ? Eh bien oui, il va écrire toute une cinématique qui est la cinématique relativiste à partir de ces deux principes. Et cette cinématique va avoir des conséquences assez fabuleuses par rapport à ce que l'on sait de la physique de Newton. Cinématique, c'est étude de la vitesse, c'est étude, ça de la, étude du mouvement, en général. Études du mouvement. Donc comment les vitesses s'additionnent, comment les corps bougent, hein, c'est ça la cinématique. Et donc ce qu'il va se rendre compte, c'est que premièrement, il va y avoir la notion de temps absolu n'existe plus. Donc le temps absolu de Newton ne fait pas sens, en fait. Et ça, ça peut être mis en évidence par ce qu'on appelle la dilatation du temps. C'est-à-dire que si vous prenez une horloge, eh bien, vous comparez cette horloge à l'horloge de quelqu'un qui est en mouvement par rapport à vous, Alors que pour chacun des gens qui voyagent avec leur horloge, le temps mesuré est le même, c'est le même atome de césium qui oscille, et bien vu par quelqu'un qui est en mouvement ou quelqu'un qui est au repos par rapport à cette horloge, et bien on a l'impression que le temps passe plus ou moins vite. Donc ça, c'est, il va y avoir un effet de, voilà, de dilatation des temps. Donc ça, ça va être des effets qui vont être mis, en évidence. Et ensuite, c'est principalement sous l'impulsion de Hermann Minkowski, qui avait été un des profs d'Einstein à Zurich, qui va se rendre compte que ça veut dire de changer complètement la représentation mathématique de ce qu'on appelle l'espace-temps. Et ouais, alors du coup, pour reformuler ce que tu dis, ça veut dire qu'on troque le fait que maintenant on a une relation des vitesses, au moins avec la vitesse de la lumière qui est particulière, contre le fait que le temps est plus absolu et peut être variable. Voilà, donc on a érigé autre chose en principe et puis on va perdre d'un autre côté. D'accord. Et ça veut dire que, imaginons que j'ai deux voyageurs, ils partent ensemble, ils vont chacun suivre leur trajet, ils vont se rencontrer après un certain temps, disons après une certaine durée, et chacun aura emprunté un chemin différent, et bien ils pourront vérifier expérimentalement à leur montre que leur temps de parcours n'a pas été le même, même s'ils sont partis, ils se sont rencontrés et ils se sont retrouvés. Donc avec deux points de rencontre coïncidente, le temps mesuré entre ces deux points... Pour peu qu'ils aient pas suivi un truc de la même, un trajet de la même distance. S'il y en a un qui allait tout droit avec et un qui a fait un avec le détour. Même état de vitesse, c'est-à-dire que s'il y en avait un qui accélérait plus, qui ralentissait, ça va faire des différences. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu tester, on montre que c'est vrai. Et donc bien sûr, si vous vérifiez ça, Newton est complètement incompatible avec ça, c'est-à-dire que le temps passé entre deux événements, c'est comme le temps, il y a cette notion de temps absolu, ça ne dépend pas de votre état de mouvement, donc du chemin que vous suivez. Et ça va être une première révolution, et donc on revoit complètement cette notion d'espace et du temps, et donc on évolue finalement, c'est quoi notre réalité ? On avait dit c'était l'espace, le temps d'un côté, et puis les champs et les particules, eh bien l'espace et le temps, ils ne peuvent pas être pensés indépendamment, ils doivent être pensés dans la même structure mathématique, c'est ce qu'on va appeler l'espace-temps, et puis il reste les champs et les particules. Donc vous voyez, simplement dans cette première étape, on a quand même avancé, c'est-à-dire qu'on a réconcilié d'une certaine façon l'électromagnétisme, par là où étaient apparus les champs de Maxwell, puisque la vitesse de la lumière, maintenant, il n'y a plus de contradiction qu'elle soit la même dans tous les référentiels galiléens. Et puis, on a une nouvelle cinématique. Le problème, c'est que ça ne parle pas de gravitation, ça ne parle que des classes de référentiels qui sont en translation les uns par rapport aux autres. Donc là, juste pour t'arrêter, ce que tu décris, là, cette nouvelle cinématique, c'est la relativité restreinte. Ça, c'est la relativité restreinte. Donc et ça, c'est 1905. Donc les premiers problèmes que se posait Newton dans sa fameuse lettre à Bentley, donc le fait que la gravitation soit à distance n'est toujours pas résolu. Et puis, la notion dont je vous ai parlé, de ces forces fictives par rapport à quel référentiel, n'est toujours pas résolue. Et j'ai en fait, une autre question aussi rapport aux champs dont tu parlais. Est-ce que ces champs-là sont aussi à... Donc les champs découverts par Faraday, est-ce que ces champs-là se transmettent à vitesse infinie? Alors ça dépend, c'est-à-dire que les perturbations de ces champs-là, ce sont des ondes électromagnétiques, elles se propagent à la vitesse de la lumière, qu'on est dans le vide, d'accord, mais il existe aussi des solutions de ces champs électromagnétiques qui sont des solutions statiques à l'intérieur d'un condensateur, tu as un champ électrique statique, autour de la Terre tu as un dipôle qui tourne parce qu'à cause de la rotation, correct. Tu as un dipôle magnétique, donc tu as des solutions statiques et tu as des solutions de type ondulatoire, donc tu peux avoir les deux. D'accord, et ce que tu appelles solution de type statique, c'est la même chose que pour la gravité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se propage à vitesse infinie aussi? Oui, c'est-à-dire que, alors dans ce cas-là, c'est quasi statique, c'est-à-dire que bien sûr, si j'ai une charge électrique, elle fait un champ électrique qui est statique, si je l'éloigne lentement, eh bien je vais mesurer que la force électrique qui agit sur moi diminue lentement en fonction du temps. Donc voilà, ça c'est l'état des choses, et en fait Einstein va se dire, mais ça fait pas sens, et il va attaquer ce problème qu'avait Newton, il va essayer de se dire, c'est quand même bizarre qu'il existe une classe de référentiels privilégiés qui sont tous ces référentiels galiléens, moi j'aimerais écrire les lois de la nature sans avoir de faire de référence, que dans n'importe quel laboratoire, quel que soit son état de mouvement, je puisse écrire les lois de la nature de la même façon. Et il va réfléchir comment faire ça. Donc que ça bouge, que ça bouge pas, que ça bouge en ligne droite ou pas, que ça soit accéléré ou pas, voilà. Que ça tourne. C'est ça. Donc si tu fais ça, ça veut dire que les forces d'inertie, quelque part, elles doivent être réabsorbées dans quelque chose d'autre, d'accord, pour n'apparaître que comme une illusion du calcul fait à la façon de Newton. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Et il va réfléchir à ça pendant pas mal de temps. Et c'est, dit-on, en 1907 qu'il aurait trouvé la façon d'attaquer le problème. Mais vous voyez, en fait, déjà avant de même savoir comment il va résoudre le problème, donc c'est ce qui va donner à la relativité générale. Mais quelque part, le principe qu'il veut avoir, c'est une sorte de principe d'indifférence. C'est-à-dire, j'ai le droit de faire la physique dans n'importe quel laboratoire, quel que soit son état de mouvement. Il n'y a plus rien de privilégié. Donc finalement, il n'y a plus de prise sur l'espace-temps. Il va falloir travailler qu'avec des descriptions locales des lois de la nature, valides dans n'importe quel état de mouvement, parce que je ne connais pas, je ne peux pas matérialiser un système de référentiel, de référence absolue. Et donc, il va falloir qu'il trouve une idée pour aller pour accomplir ce programme. Et là, bah, alors, je vous lis la citation, hein, c'est du Einstein lui-même. Attention, du vrai Einstein. Pour de vrai. Du vrai Einstein. Alors, on serait en 1907 à Berne. Donc, Einstein nous dit... Donc, ça, c'est tiré du bouquin d'Abraham Pais, qui est Subtle is the Lord, qui est une des très bonnes biographies d'Einstein. Et donc, voilà. Donc, c'est Albert Einstein cité par Abraham Pais. Donc, si vous avez quelqu'un engueulé, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je fais que lire. Donc, il dit « J'étais assis à mon bureau de l'Office des brevets à Berne. Soudain, je pensais que si quelqu'un tombait en chute libre, il ne sentirait pas son propre poids. Je fus surpris. Cette simple pensée fit une sorte d'impression sur moi. Car pour un observateur tombant d'un toit, il n'existe pas de champ de gravitation. S'il laisse tomber des objets, ils resteront au repos par rapport à lui ou en mouvement uniforme. Il est donc en droit de se trouver au repos. » Voilà une belle pensée d'Einstein. Donc ça, on va essayer de voir ce qu'Einstein veut dire là. Mais ça va être vraiment le point de départ de sa construction de la théorie. Ça, c'est 1907. Il va comprendre dès 1907 que ça va lui donner la façon de résoudre le problème. Et là, il va se rendre compte qu'il n'a pas les mathématiques pour. Et il va se mettre à collaborer avec son vieil ami Marcel Grossmann, avec qui il a fait ses études à l'université de Zurich. Et il va travailler de façon très, très proche avec Grossmann. Et Grossmann était un des spécialistes de géométrie différentielle, qui était une discipline qui commençait, en fait, qui était assez, assez jeune. Et c'est grâce à Grossmann qu'il va trouver la bonne formulation mathématique pour exprimer en fait ce principe. Donc ce principe, je pense qu'il va falloir en parler un tout petit peu plus, parce que c'est un principe qui a un nom, qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre. C'est le fait que tous les objets tombent dans le vide, tombent de la même façon indépendamment de leur masse, indépendamment de leur composition chimique. Et ça encore, c'est un principe qui a une longue histoire. Elle remonte à la célèbre expérience qu'il a peut-être réalisée, mais peut-être pas, de Galilée, d'accord, de la tour de Pise. Et donc, vous savez qu'on raconte cette histoire de Galilée qui se pose la question de savoir comment les objets tombent. Et il se dit, si je monte avec deux boulets en haut de la tour de Pise et que je les laisse tomber et que je suis capable de supprimer les frottements, alors je devrais être alors les boulets devraient arriver en même temps au sol. Donc ça, c'est une expérience de pensée. On ne sait pas s'il a fait l'expérience. Ce que l'on sait, c'est que Galilée, lui, il a fait des expériences sur des plans inclinés. Il a fait rouler des billes sur des tables en bois, sur des tables en marbre. Et donc, il a vu que plus on diminuait le frottement, plus finalement, les billes avaient tendance à rouler et à tomber de la même façon. Donc, il a extrapolé ça à le cas du vide dans lequel il n'y aurait plus de frottement du tout. Et il s'est dit, dans cet état de mouvement, eh bien, les objets doivent tomber exactement de la même façon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre. Et Newton, qui était tout à fait au fait des choses, va postuler ça. Il va dire, ben, en fait, il y a deux façons de penser à la masse. Il y a la source du champ gravitationnel, mais c'est aussi la notion d'inertie. En fait, par masse, on a deux concepts qui se confondent, la notion d'inertie et la notion de masse pesante. Il va dire, en fait, il ne se différencie que par la façon de les concevoir. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont exactement les mêmes. Donc, il n'y a pas deux types de masse. L'inertie et la masse sont deux choses identiques. Et donc, Newton va supposer aussi la validité de ce principe. Oui, je vais revenir sur ces mots-là. L'inertie, parce que on en parle, c'est un truc limite de vocabulaire de tous les jours et tout, mais l'inertie, en fait, même moi, je m'en sers sans trop être complètement sûr de savoir ce que ça veut dire. Tu te sers de l'inertie ? Bah, du mot. Ah, donc j'ai une vague idée, si tu veux. J'ai suffisamment une bonne idée pour pouvoir en parler comme ça, genre dire que ça doit être là, que ça vient bien, mais. D'accord. Donc l'inertie, c'est de savoir comment un objet réagit quand on essaye de lui changer son état de mouvement. Donc pour changer l'état de mouvement d'un objet, il faut faire agir une force sur cet objet. Par exemple, je te pousse. Et si j'agis avec la même force sur un sumo de 150 kilos ou sur un gringalet de, quand même, sur mon fils de 25 kilos, eh bien, je vais voir qu'avec la même force, je vais changer l'état de mouvement de mon fils beaucoup plus que celle du sumo. D'accord ? Donc, la résistance du sumo à ce changement, à cette force que je lui applique, eh bien, ça va être son inertie et c'est caractérisé par sa masse. Donc, le changement de vitesse va être d'autant plus faible que sa masse est grande. D'accord ? Donc, ça, c'est la masse. Cette résistance au mouvement, c'est ce qu'on appellerait la masse inerte, la masse qui, celle qui s'oppose aux au mouvement. Mais chez Newton, comme il s'intéresse à la gravitation, la force qui rentre dans la force de gravitation, celle qui crée le champ de gravitation, a priori pourrait être une autre masse. D'accord ? A priori, il n'y a aucune raison. Ces deux quantités qu'on appelle masse, mais on devrait a priori les distinguer. Est-ce que, en fait, on ne les distingue pas parce que Galilée, dans son expérience de pensée, se rend compte qu'elles doivent être égales. Newton postule qu'elle est égale et la question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont égales et avec quelle précision elles sont égales. Parce que c'est une égalité qui est une égalité complètement fortuite. Elle est expérimentale, elle est vue par c'est phénoménologique d'une certaine façon. Empirique, peut-être pas phénoménologique, empirique, on va dire ça. Et donc les gens se sont attelés depuis Galilée à vérifier à quel point c'était vrai. Est-ce que deux objets tombent de la même façon dans un champ gravitationnel ? Newton fait des expériences avec des pendules pesants, il arrive à une précision d'un millième, je crois. Je crois que si je reprends, mais voilà, c'est Bessel, Friedrich Bessel. Le bien connu des fonctions de Bessel pour tous ceux qui adorent l'optique et nos amis de classe préparatoire, eh bien, nous aurons une pensée particulière. Bessel, en 1830, fait des expériences. Il arrive à 10-5 à peu près de précision. Et ensuite, il va y avoir un développement de nouvelles technologies avec ce qu'on appelle des balances de torsion qui permettent, donc avec finalement, on fait basculer la force gravitationnelle sur un fil de torsion et ça permet de mesurer des angles de façon assez précise. Et il y a ce chercheur hongrois qui s'appelle le baron von Eötvös qui va faire quelque chose à 10-7 et là, on est fin du 19e, début du 20e. Et puis, l'expérience va être reprise par Robert Dickey aux États-Unis et on va arriver à des précisions de 10-9. Donc, on voit que ce principe, il est vérifié à 1 millionième. On va même se rendre compte, grâce aux expériences de télémétrie laser lunaire, donc on a déposé des rétroréflecteurs sur la Lune. On est capable de les viser avec des lasers qui sont distribués sur des stations laser. Donc, par exemple, à l'observatoire dans le sud de la France, à Grasse, où il y a une station, il y en a une en Autriche, il y en a une aux États-Unis. Et donc, en calculant le temps aller-retour entre la Lune et la Terre et la Lune, par 4 points de visée sur la Terre, il doit y avoir 4 ou 5 miroirs sur la Lune. Je suis sûr que j'ai même les plans ici. Donc, pour ceux qui veulent les détails, donc c'est des miroirs qui ont été déposés par les missions Apollo 11, Apollo 14 et Apollo 15. Donc, voilà, vous savez. Voilà une image de la Lune avec des points là où sont les miroirs. Et on a les miroirs, ça s'appelle des rétroréflecteurs. Et donc, en calculant le temps aller-retour de la lumière, vous faites de la triangulation et vous êtes capable de mesurer la distance Terre-Lune avec une précision qui va être de l'ordre du centimètre, et ceci depuis 30 ans. Et donc, on peut vérifier que la Terre et la Lune tombent bien de la même façon dans le champ de gravitation du Soleil. D'accord ? Donc la Lune tourne autour de la Terre, mais ça, elle tombe sur la Terre, et puis les deux tombent en même temps, donc tout ça tourne autour de la Terre. Donc on peut vérifier qu'il n'y a pas d'effet qui sont liés à une différence de violation de ce principe, et on est à une précision de l'ordre de 10-13. Donc voilà, donc ça, on voit que ce principe, il a l'air de tenir avec une précision infime et on ne sait pas d'où il vient. Donc ça, c'est une grande question de la physique. C'est tellement une grande question de la physique qu'aujourd'hui, on s'attelle à tester ce principe avec encore une plus grande précision. Et donc, pour l'actualité, il va y avoir en 2016, donc au printemps 2016, si tout va bien, le lancement d'un satellite qui s'appelle le satellite Microscope et dont le but va être de tester ce principe d'équivalence à une précision de 10⁻⁵. Alors ça, peut-être qu'on en reviendra à la fin parce que quand on cherche à étendre la théorie de la relativité générale, toutes les constructions qu'on fait aujourd'hui violent ce principe de façon infime. Par exemple, la théorie des cordes et tout ça, dont on ne parlera sûrement pas, mais pour ceux qui ont entendu parler, eh bien voilà. Et donc, dans cette théorie-là, il y a une petite violation de ce principe d'équivalence. Et donc, si on arrive à la révéler, peut-être que cette violation nous donnera une petite voie expérimentale vers la formulation de ces théories, entre guillemets, quantiques de la gravitation, des théories de la gravitation au-delà de la relativité générale. Alors, ce qu'il faut se rappeler pour l'instant, c'est que Einstein savait ça et il va faire l'expérience de pensée qu'il a décrite et que je vais reprendre. de cette personne qui tombe, et il s'est rendu compte que ça révélait quelque chose de très profond sur la nature de la gravitation, de l'espace et du temps. D'accord ? Est-ce qu'on peut faire juste une pause de 30 secondes pour que vous digériez ça ? Robin, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ? Il était très fort sur les expériences de pensée, quand même. C'est le maître de l'expérience de pensée. D'accord. Non, moi j'ai... Oui, non, c'est bien que tu fasses une pause. En fait, non, c'est vraiment redoutable parce que j'arrive pas... J'arrive à m'intéresser à la physique maintenant, ce qui est quand même vraiment bien. Pour l'instant, je trouve ça vraiment très intéressant, mais j'ai encore l'impression que des fois, il y a mon ancien moi qui arrive et qui décroche au mauvais moment. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler les deux trucs qui coïncident et qui sont pas censés être naturels? C'est pas censé être naturel que ça coïncide. Et il est bon de faire une bonne psychanalyse bientôt, tu vois. Bon, alors, ça fait longtemps qu'on me le dit. Donc les deux choses qui se trouvent être égales sont les deux notions de masse que l'on doit définir a priori, qui sont la masse qu'on appelle inerte, donc qui est liée à la notion d'inertie. Donc le fait que la résistance au changement, au mouvement, qu'on applique une force, et l'autre, la masse qui est la source du champ gravitationnel. Donc ces deux notions de masse qui a priori sont différentes et qui se trouvent être identiques, numériquement identiques, à une précision de 10⁻⁷ près, et ça simplement pour des raisons empiriques, on ne comprend pas pourquoi. Donc imaginons que ça soit le cas, eh bien Einstein va réaliser que si c'est ça, ça a des applications très très fortes. Donc il va imaginer cette expérience de pensée qu'on appelle l'expérience de l'ascenseur d'Einstein. Vous allez voir, si vous regardez The Big Bang Theory ou des trucs comme ça, les gens, ils sont des Einstein Live, des ascenseurs d'Einstein. Ils se mettent toujours dans les ascenseurs d'Einstein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une généralisation de la notion du train de Galilée. Tout à l'heure, j'avais dit, Galilée se met dans un train sans fenêtre. Il essaie de dire, est-ce que je peux mettre en évidence le mouvement du train par rapport à l'extérieur? Et on s'était rendu compte que s'il est à vitesse constante, il ne peut pas. Donc Einstein, il fait la même chose. Au lieu de prendre un train, il prend un train vertical. Ça s'appelle un ascenseur, une fusée. Donc il prend l'ascenseur ou le fusée. Donc on va commencer par l'ascenseur. Donc l'ascenseur, vous êtes dans vos ascenseurs et vous coupez le fil de l'ascenseur. Donc l'ascenseur est en chute libre. D'accord ? Vous êtes dans l'ascenseur, vous tombez. Mais par exemple, vous avez un chapeau sur vous, vous avez votre parapluie, vous lâchez le parapluie, le chapeau, vous le lâchez aussi. Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, en fait, comme tous les objets tombent exactement de la même façon, vous voyez votre parapluie qui tombe à la même vitesse que vous, votre chapeau qui tombe à la même vitesse que vous. Et donc, eh bien, par rapport aux objets que vous avez, il n'y a rien qui tombe. Vous ne pouvez pas mettre en évidence votre mouvement de chute. Quoi, ce mouvement de chute. Bah, si ce n'est que sinon, ça tomberait pour de vrai. Oui, mais ce qui tombe, c'est en fait, ce que tu es en train de décrire par tomber, c'est l'arrêt de la chute. C'est ce qu'on appelle s'écraser. Ouais. D'accord ? Il ne faut pas confondre s'écraser et tomber. Tu vois, c'est... Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal avec la physique. Mais non, je veux dire, dans un ascenseur normal, tu lâches un objet et il tombe. Oui, parce que dans l'ascenseur normal, l'ascenseur n'est pas en chute libre. Il est retenu par... En fait, c'est ça le truc dans l'ascenseur. Ça évite aux gens de sauter par la fenêtre parce que sinon, on n'a pas besoin d'ascenseur. Tu vois, voilà. Mais si on est dans un ascenseur qui est en chute libre, eh bien, dans cet ascenseur-là, on ne peut pas mettre en évidence... le fait qu'on est en chute libre. Il n'y a pas d'expérience qui peut nous permettre. En fait, pour nous, la gravitation n'existe pas. Une autre façon de penser à ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'une balance ? Donc, vous avez une balance de cuisine, par exemple. Sur votre balance de cuisine, il y a une petite... alors, les vieilles balances de trucs, hein, avec une aiguille, d'accord ? Donc, c'est quoi une balance avec une aiguille ? C'est vous avez un plateau, vous mettez une masse sur un plateau, le plateau pousse un ressort qui le comprime et ça fait tourner l'aiguille, d'accord ? Bon, maintenant, vous mesurez 1 kilo. Bon, c'est très bien. Et maintenant, vous vous mettez dans l'ascenseur qui tombe en chute libre. Alors, la balance tombe, mais la masse tombe exactement comme la balance. Donc, la masse qui était sur la balance n'appuie plus sur la balance. Donc, qu'est-ce que l'aiguille va montrer ? Zéro. Donc, dans un ascenseur en chute libre, les objets sont... On ne peut pas mesurer leur masse. D'accord ? Donc, ils ne sont... On ne peut pas mesurer leur poids. Donc, ils sont comme le disait Einstein lui-même, d'accord, en chute libre, ils ne sentiraient pas son propre poids. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me mets dans un référentiel accéléré, puisque là, quand l'ascenseur qui tombe en chute libre, il est accéléré, mais tout le monde est accéléré pareil. Donc, pour ce qui est les gens, un expérimentateur à l'intérieur de l'ascenseur, eh bien, la gravitation a disparu. Donc, on voit que les forces d'inertie qui étaient liées à ces mouvements accélérés, en fait, quelque part, on va pouvoir les cacher, les utiliser pour effacer la gravitation. Bon, ça, c'est le premier point. Alors, on peut faire l'inverse, on peut prendre la fusée. On se dit, je monte dans la fusée. Et puis, imaginons qu'il n'y ait pas de gravitation. Et maintenant, j'accélère. si j'accélère vers le haut, bah, je suis plaqué vers le bas de la fusée, et donc j'ai l'impression que localement, il y a de la gravitation. Si je lasse un objet, bah, moi, je suis bloqué par le bas de la fusée qui monte, et l'objet que j'ai lâché, il va aller s'écraser sur le sol. En fait, il ne bouge pas, mais c'est le sol qui va venir s'écraser. Donc pour moi, cet état d'accélération simule un état de gravité. Hein, pour ceux qui ont vu le film, 2001 Odyssée de l'espace, un des meilleurs films de science-fiction que, si vous n'avez pas vu, il faut absolument le voir, il y a ce vaisseau qui tourne, et donc c'est là la force centrifuge de ce vaisseau qui est censée créer une gravitation artificielle. Sinon, il faut lire Tintin aussi. Et qui, par contre, Tintin, dans le vrai monde, donnerait un sacré vomi, a priori. Oui, oui, oui. Donc, donc là, nous, on est dans les expériences de pensée, comme ça... Voilà, mais il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui vont faire des vols 0G. Hein, si vous allez faire un vol 0G, c'est la sensation qu'on a, vous êtes en vol parabolique, et donc il y a toute une période de chute libre, et on voit, il y a des films, les gens qui sont comme ça, on dit entre guillemets, on dit ils flottent, mais en fait, c'est pas qu'ils flottent, c'est juste qu'ils sont en chute libre, et tous les objets autour d'eux sont en chute libre, et donc, en fait, ils sont complètement libérés de leur poids. Donc, vous voyez, donc, plutôt que de faire du régime, faites de la chute libre. Hein, si quelqu'un vous emmerde sur la plage, vous savez quoi lui répondre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'Einstein va comprendre. Et donc, il va se dire, eh bien, si je pars de cette idée-là, et si je veux généraliser Galilée, probablement à cause de cette coïncidence-là, le fait que je puisse effacer un champ de gravitation ou créer un champ de gravitation avec un mouvement accéléré, et que le mouvement accéléré était lié aux forces d'inertie, peut-être que ce que je peux faire, c'est oublier tout système de référence, écrire des lois de la nature qui sont valides quel que soit l'état de mon mouvement, mais dans ce cas-là, il va falloir que j'incorpore toujours la gravitation, et dans ce cas-là, les forces d'inertie vont s'incorporer en fait dans ces descriptions, il n'y aura plus de forces d'inertie. Et ça, c'est le... Donc, il n'y a plus d'espace-temps absolu, et s'il y a plus d'espace-temps absolu, il y a plus de forces d'inertie. Donc, vous voyez, tous les emmerdes, on les balance. La question maintenant, c'est qu'il faut faire une formulation mathématique de ça, il va falloir trouver le bon concept. Et la question qu'on devrait poser, si on se dit, mais on est en train de dire qu'on a l'impression qu'on peut supprimer la gravitation comme ça. Donc, est-ce qu'elle existe vraiment si on peut la supprimer? Qu'est-ce que c'est que la gravitation si je peux l'effacer comme je veux? Est-ce que la gravitation existe? Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Et alors, c'est là où il va falloir un petit peu encore faire une autre expérience de pensée. Il va falloir pousser un peu plus loin notre expérience de pensée. Quand j'ai dit que la gravitation, on a l'impression que tous les objets tombent de la même façon, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, c'est là où il va falloir un petit peu... Alors, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Ce n'est pas une chose facile, parce qu'il faudrait plutôt la dessiner. Mais bon, on va essayer. Donc, je suis dans mon ascenseur en chute libre, et ce que je vais mettre dedans, c'est une bulle d'eau. D'accord? Donc, la bulle d'eau, elle est sphérique, et puis elle tombe en chute libre. Et elle tombe vers la Terre. D'accord? Donc, la bulle d'eau est attirée vers la Terre, et la question, c'est de savoir quelle est la forme de la bulle d'eau. Alors, vous avez vu les bulles d'eau des astronautes qui jouent. Elles sont sphériques parce qu'à cause de la tension superficielle, ça les rend sphériques. Et imaginons qu'on néglige cette force. On se pose la question de, finalement, comment les différentes particules d'eau réagissent à la gravitation. Newton nous avait appris que plus l'objet est loin, plus la force de gravitation est faible. Donc, en fait, même si la goutte d'eau est petite, la force de gravitation de la Terre sur la goutte d'eau est un peu plus forte en bas de la goutte d'eau qu'en haut de la goutte d'eau. Alors, c'est infime. Donc, si l'ascenseur tombe pendant un petit temps, on ne va pas le rendre compte. Mais si on avait la possibilité de faire tomber l'ascenseur pendant très, très longtemps, et il y a un moment, on verrait un petit décalage parce que le point du bas accélère un peu plus que le point du haut. Et puis, cette accélération, elle est dirigée vers le centre de la Terre. Donc, si j'ai ma bille, le point qui est un peu sur le côté ici va être attiré vers le centre de la Terre, et quoi, si je prends les côtés diamétralement opposés de la goutte, alors comment je dis ça en mots, avec un dessin c'est tellement beau quoi. Donc on a la direction, oh putain là c'est nul ça, on a le bas de la goutte est attiré plus, le bas, voilà, donc vous avez le bas et vous avez le bas est accéléré un peu plus que le haut, et puis quand vous coupez perpendiculairement au plan au bas, vous avez l'équateur, d'accord, et les points de l'équateur ne sont pas tous accélérés parallèlement, ils sont accélérés vers le centre de la Terre, donc en fait, il y a une sorte de petit angle. Donc l'équateur se réduit, a tendance à se réduire. Voilà, l'équateur se réduit. Donc votre goutte, elle a tendance à se transformer en ellipse. En œuf. C'est ça, elle devient en ellipsoïde. En œuf avec le pointu en bas. Voilà, c'est ça. C'est pas un ellipsoïde, un ellipsoïde c'est symétrique. Mais là c'est symétrique, non? C'est pas symétrique entre là et là, entre le haut et le bas. En œuf ? Ça va être une sorte d'œuf, mais ça va être un ellipsoïde en fait. Il faudrait montrer dans le référentiel du centre de masse ici, ça sera un ellipsoïde, et donc c'est toujours un ellipsoïde, mais ça je ne vais pas faire la démonstration. Donc c'est un ellipsoïde. Donc cette déformation peut même se montrer que c'est à volume constant, pour ceux que ça intéresse. On ne sait jamais si ça tombe dans les sujets de concours, mais bon bref. Mais c'est valable que si la loi de gravitation est en R sur R2, hein, je vous le précise, parce que sinon c'est plus vrai. Donc ça va se transformer comme ça, et donc ça veut dire que ça, cette déformation-là, je ne peux pas l'effacer dans mon ascenseur. D'accord ? Mais cette déformation, qu'est-ce qu'elle met en relief et qu'est-ce qu'elle met en évidence ? Ce sont les inhomogénéités du champ de gravitation. C'est parce que le champ de gravitation n'est pas exactement le même à droite, à gauche, un peu plus en haut ou un peu plus en bas. Donc on se rend compte que ces effets des inhomogénéités du champ de gravitation ne peuvent pas s'effacer. En gros, tu es en train de dire, si on tombait... C'est peut-être une connerie. Si c'était pas la Terre, mais si c'était, je sais pas, un plan infini qui... Ah bah non, parce que de toute Alors, façon, un plan sur infini, les côtés... tu verrais rien parce que le champ de gravitation serait uniforme dans ce cas-là. C'est ça, tu verrais rien. Tu verrais rien. J'avais peur de dire une connerie. Ouais. Il y a quand même le haut qui est moins attiré que le bas. Alors ça dépend, si le plan est vraiment infini, je pense que non, ça doit être un champ uniforme, non ? Bon, enfin bon, un plan infini, ça va être compliqué. Ouais, bon, si tout est infini, on fait plus de la physique, on fait des maths, d'accord ? C'est ça. Pardon, j'arrête. Quoi qu'il en soit... Le champ de gravitation, il doit avoir des inhomogénéités, sinon il n'y a aucun intérêt. D'accord ? Dans la vraie vie, il est inhomogène. Et ces inhomogénéités, c'est ça qui est l'essence de la gravitation. Et c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on sait sur la Terre, l'effet des inhomogénéités du champ de gravitation ? C'est ce qu'on appelle les. Allez, bientôt les vacances, les enfants, attention. Les forces de marée, eh bien oui, bravo. Donc les marées, donc la déformation d'un corps comme ça sous l'effet des inhomogénéités du champ de gravitation, ce sont les forces de marée. Et donc les forces de marée, c'est ça l'essence de la gravitation. Et le tour de force, ça va être de prouver que ces forces de marée, ça révèle le fait que l'espace-temps a une géométrie courbe. Alors maintenant, vous voyez, il va y avoir une deuxième étape parce qu'il va falloir faire de la géométrie. Donc j'espère que Robin va m'aider parce que... Mais c'est, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Hein. Mais après, il n'y a que des maths à faire. Alors, on va essayer. J'aime bien, il n'y a plus que des maths, quoi. C'est fini. Là, on va. Si je suis à peu près le fil, on va bientôt passer à la cosmologie, là. Je ne me trompe pas. Ouais, mais d'abord, après, on va faire la cosmologie, bien sûr. D'accord. Pardon. Hein. Donc, déjà, on est en train de dire, là, pour l'instant, on n'a même pas l'objet qu'on veut. Avant de résoudre des équations, il faut savoir quel est l'objet pour lequel on veut résoudre une équation. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de définir. D'accord ? Cet objet, ça va être ce qu'on va appeler le champ gravitationnel. D'accord ? Est-ce que, alors pour finir l'histoire qu'on avait avec Newton, ce que Einstein va comprendre, si on pose la question chez Einstein, qu'est-ce que c'est que la gravitation ? Il va répondre lui-même, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps maintenant va avoir une géométrie, et cette géométrie, c'est aussi la gravitation. Donc espace-temps et gravitation, structure de l'espace-temps et gravitation, c'est la même chose. Donc gravitation, le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel. Putain, j'ai suivi un truc, c'est dingue. Le champ gravitationnel. Donc maintenant, comme on a un champ, que ce champ peut prendre, alors on ne va pas dire changer dans l'espace et dans le temps, mais il n'est pas homogène, comme il a une structure, c'est cette structure qui décrit la gravitation, mais c'est l'espace-temps lui-même. Donc les structures de l'espace-temps, ce sont la gravitation. Mais est-ce qu'on est vraiment en train de se simplifier la vie, là ? Oui, on simplifie la vie. On simplifie la vie parce que toutes les incohérences qu'on avait, des forces d'inertie, de par rapport à quoi, ça n'existe plus. Donc là, d'accord. Les structures mathématiques nous semblent plus compliquées. Mais une fois qu'elles sont bien mises en place, en fait, il n'y a plus tous ces paradoxes. Il y a plus. Et puis, comme ça va être un champ, il va avoir une équation pour ce champ qui va être une équation de propagation. Donc, il n'y aura pas d'influence instantanée à distance. Là, elle ne sera jamais instantanée. Il y aura toujours un délai. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, tous les problèmes que Newton se posait, ils sont tous résolus. Donc là, pour l'instant, on n'a même pas besoin de regarder, faire des expériences. Cette construction est déjà... Si elle reproduit Newton dans les bons régimes où on utilisait avant la mécanique de Newton, c'est déjà mieux parce que conceptuellement, elle est plus unifiée, elle est plus parfaite, on va dire. Parce qu'en gros, si je résume, on décrit la forme de la géométrie de l'espace-temps et c'est fini. On décrit l'inhomogénéité du champ gravitationnel, là. Voilà. Le fait que... Enfin, pourquoi la goutte, elle n'a pas une forme de sphère, tout ça. On décrit ça... Et c'est fini, tout ce qui est gravité, c'est espace-temps, structure dans laquelle on se pose, c'est bon quoi. Alors c'est moyennement bon, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux problèmes à résoudre. Donc là, on va arriver, si on arrive à expliquer ça, si vous n'arrivez pas à le comprendre, vous l'admettez, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, mais c'est que ces effets de marée, ça révèle l'existence d'une géométrie pour l'espace-temps. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a fait ça, la question c'est, quelle est l'équation qui régit cette géométrie ? Donc il va falloir qu'Einstein écrive une équation, d'accord ? Et puis ensuite, dans la vie de tous les jours, il faut résoudre cette équation. D'accord. Donc ça, c'est deux étapes. La première étape, c'est ça qui va résoudre en 1915, c'est proposer cette équation, ce qu'on va appeler les équations d'Einstein. Je ne sais pas pourquoi, ils ont appelé ça comme ça, mais les équations d'Einstein, qui disent qu'est-ce qui crée la source de cette géométrie et comment, si je vous dis comment est distribuée la matière, je suis capable de les résoudre en principe. Et puis après, ça va être l'exploration de ces solutions pour savoir autour de la Terre, c'est quoi la géométrie. Donc chaque solution des équations d'Einstein, c'est un espace-temps. Donc c'est un univers, et donc on peut se poser la question de savoir c'est quoi la géométrie de notre univers à nous, c'est quoi la géométrie autour du système solaire, quel type de géométrie existe. Et c'est ça, ça va être l'exploration qui va prendre un siècle. On va trouver des solutions qui d'abord vont nous paraître aberrantes, comme des solutions de trous noirs, comme des espaces qui se dilatent, des choses que les gens vont refuser. Et en fait, il va falloir un siècle pour en fait se rendre compte que ce que les équations disaient était conforme à ce qui est dans la nature. Donc s'il faut un siècle, ça veut dire que c'est que maintenant que ça y est, c'est bon ? Oui, je dis un siècle, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de débat. On va dire 50 ans, c'est-à-dire que les choses se sont vraiment, jusque dans les années 60, il a fallu en fait attendre les années 60 pour que la théorie d'Einstein soit vraiment comprise. Peut-être que dans ça, on va essayer de revenir. Je me permets juste aussi une intervention, parce que je trouve que c'est un truc important à dire. C'est, tu dis, on a l'équation, et après, en fait... les galères démarrent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que souvent, les gens qui sont un peu extérieurs aux sciences ont l'impression qu'une fois qu'on a l'équation, bah, c'est bon, il n'y a plus qu'à la résoudre. Et en fait, c'est souvent un énorme problème. Ah oui, mais c'est plus les mêmes... Donc, il y avait deux types de galères. C'est plus le même type de problème, mais voilà. C'est... La première galère, c'était de trouver les bons principes pour construire ma théorie, de trouver les bons objets qui vont me permettre de généraliser les anciens concepts et de les... finalement, avec des concepts plus efficaces. Et ensuite, ça va être de mathématiser ça. Donc, Einstein, c'est en 1908, il a compris ça. Il va lui falloir 7 ans pour mathématiser cette idée. D'accord ? Et il a travaillé que sur ça pendant 7 ans. Donc, il faut se rendre compte du tour de force. Et il est seul à travailler avec Grossman. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne. D'accord ? Ça n'intéresse personne. Et on va revenir, parce que c'est une des raisons importantes. Pourtant, il était déjà connu. 1905, mais, ça avait déjà fait du bruit. Oui, il était connu. Mais il est parmi ces personnes qui résolvent des questions que peu de gens... il résout des problèmes là où peu de gens avaient vu qu'il y avait un problème. On dit ça de quelques personnes comme lui, comme von Neumann, quoi. Ces gens assez géniaux. Et je pense qu'il n'y avait que quelques grands physiciens qui avaient la même intuition, qui avaient une incohérence à ce niveau-là. C'était très rare. Et puis surtout, il faut pas diminuer les autres. On est quand même... dans les années 1908, 1910, 1915, c'est l'essor de la mécanique quantique. Et tous les plus grands esprits chez les physiciens vont travailler sur la mécanique quantique. Et la raison, c'est qu'il y a des expériences, il y a des nouveautés tous les jours, il y a des débats, il y a plein de jeunes qui travaillent là-dessus. Et donc, en termes de domaine productif, c'est ça. Si vous êtes un jeune à cette époque-là, vous allez faire de la mécanique quantique. Hein, parce qu'il faut voir que... Alors que là, ce n'est pas gratifiant, quoi. C'est un truc purement théorique, spéculatif. Alors, c'est purement théorique. Il y a aussi un problème quand même, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout simplement. C'est qu'ils cherchent à trouver des solutions à un endroit où on pense qu'il n'y a pas de problème, parce qu'à part l'avance du périhélie de Mercure, on a peu de problèmes avec la gravité de Newton non plus. Bah c'est que tu n'as pas suivi tout ce que je raconte depuis le début. Oui, on a des problèmes théoriques, mais on n'a pas de problèmes expérimentaux, on n'a pas d'expérience qui ne marche pas. Mais la cohérence mathématique d'une théorie et de la compatibilité de ses principes les uns avec les autres est aussi importante que d'être conforme aux observations et aux expériences. Mais peut-être que ce que dit Joanne, c'est que même si c'est aussi important, c'est peut-être pas aussi important que ça pour la plupart des physiciens. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc c'est important pour des physiciens théoriciens, pour des hommes de concept qui font des expériences de pensée. Mais pour quelqu'un qui va travailler de façon pratique, pour un astrophysicien, les effets qu'on va mettre en évidence, donc une fois qu'on sera capable de les quantifier, les effets relativistes dans le système solaire sont négligeables. On peut les rajouter par des petits termes correctifs à droite à gauche. On va en parler un peu de ces effets le plus après. Célèbre, l'effet sur le GPS. Quoi. Ouais, le GPS, la tarte à la crème du GPS. Mais en fait, non, on va pas dire ça maintenant. Ça va être méchant des gens qui font du GPS. Mais bon, c'est pas grave. Mais à l'époque, il y avait Mercure. On va parler de la déflexion de la lumière, c'est d'Eddington. Mais à part ces effets-là, il y a rien d'autre. Donc il y a que des effets qui sont tout petits et on peut vivre sans avoir à faire la révolution de tous ces concepts d'espace-temps de façon concrète. On peut continuer à faire de l'astronomie, donc pourquoi s'embêter ? Et en plus, enfin tu me contrediras si j'ai tort parce que je suis pas du tout spécialiste, mais encore aujourd'hui des gens utilisent la mécanique classique parce que c'est plus simple tout bêtement quoi. Et donc à l'époque c'était se compliquer la vie pour finalement très peu de problèmes. Non mais la question n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ne se pose pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais elle se pose pas comme ça. C'est-à-dire que dans le régime de champ faible, la relativité générale. est compatible avec Newton. C'est-à-dire, c'est Newton plus une petite correction. Donc, quand tu fais un calcul, il faut que tu te poses la question de savoir de l'amplitude des effets que tu vas avoir à prendre en compte. Si ces effets relativistes, tu sais qu'ils vont toujours être négligeables, tu fais de la physique newtonienne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, c'est que on n'utilise pas la meilleure théorie. On utilise la théorie qui est la plus apte à te donner la bonne réponse dans le domaine dans le domaine dans lequel tu travailles. Et ça, c'est ça aussi l'art de la physique. C'est-à-dire que là, je peux utiliser Newton. Si je veux expliquer un stylo qui tombe à la surface de la Terre, ben, je ne vais pas faire de la relativité générale parce que je peux utiliser la chute des corps de Galilée. Je n'ai même pas besoin de Newton. Donc ça, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que chaque théorie vient avec un domaine de validité et que quelque part, on a plutôt une sorte de d'ensemble de poupées russes, de théories qui, quelque part, ne sont pas en continuité parce que les concepts ne sont pas en continuité. Il n'y a pas de continuité entre l'espace-temps de Newton et l'espace-temps d'Einstein, mais dont les calculs, eux, sont en continuité. C'est ça, je sais pas si c'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que si on faisait le calcul dans les deux cas et qu'on se mettait dans le régime newtonien, eh bien, les corrections relativistes seraient très, très petites. Donc, il n'y a pas continuité, je veux dire, entre guillemets, des concepts métaphysiques et tout ça, de ce que c'est la nature, mais il y a une continuité du résultat des calculs. Et ça, c'est important parce que ça prouve que, d'un point de vue pratique, les gens n'ont pas besoin de faire une révolution philosophique sur leur façon de penser l'espace et le temps. Mais c'est ça, ce que tu dis quand même, c'est qu'effectivement, souvent, on raconte la science en disant il y a un jour une expérience qui nous emmerde, un truc qui déconne, etc. Et c'est pour ça qu'on fait une révolution. Un changement de cadre de pensée, etc. Et ce que tu dis avec Einstein pour 1915, c'est qu'en fait, là, c'est, 1908, en fait, le début de sa réflexion, là, c'était un problème théorique. Oui. Et sans matière expérimentale, en fait. Mais alors ça sur les révolutions scientifiques... Je sais pas s'il y a d'autres exemples. Non, mais il y a d'autres exemples. Je pense, en fait, dans les révolutions scientifiques, au sens large, scientifique, il y a deux types de révolutions. Il y a des révolutions qui vont être plutôt des révolutions techniques, c'est-à-dire qu'on a amélioré des technologies, et parce qu'on fait des nouvelles expériences, on va trouver des résultats expérimentaux qui sont en contradiction avec la théorie. On va observer des objets qui ne doivent pas exister, on va voir que la matière elle n'est pas comme ci ou pas comme ça. Et donc là, l'expérience te pousse à revoir ta théorie parce qu'elle doit incorporer des nouveaux phénomènes. Ça, c'est un type de révolution. L'autre révolution qui est plus puissante et qui est celle qu'on décrit là, c'est la révolution conceptuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux phénomènes. On va décrire des nouveaux phénomènes avec un nouveau langage. Mais parce qu'on a introduit un nouveau langage, une nouvelle théorie, cette théorie va parler toute seule et elle va nous dire qu'il doit exister des choses sur lesquelles on n'a fait aucune expérience et ensuite on va aller les chercher. Et donc, il y a ces deux types de révolutions qui sont en fait qui existent dans la nature. J'avais essayé de dénombrer, alors là, je ne les ai pas à la tête, mais je crois que j'avais dénombré 6 ou 7 révolutions conceptuelles dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est assez rare, en fait. C'est surtout très rare qu'on en parle, quoi. Généralement, la belle histoire qu'on te raconte toujours sur l'histoire des sciences, c'est une expérience qui foire, qui donne pas ce qu'on attend, et donc on est obligé de changer de cadre. Mais... Voilà. Donc, mais alors que, donc, ce qui se passe, c'est que on travaille dans des cadres, on fait parler ces cadres, et on doit prendre les prédictions de ces cadres pour vrai tant qu'il n'y a pas de preuves du contraire. Et ces preuves sont de nature, c'est l'expérience. Et ça, c'est vrai que c'est la terre agréable, l'expérience par rapport à la théorie. Mais quand deux constructions théoriques différentes ne sont pas compatibles entre elles, donc on a un problème de cohérence entre deux théories, c'est aussi important qu'une contradiction expérimentale. Et donc là... Pardon, c'est aussi quelque chose, une grande confiance aussi en sa théorie, de dire qu'elle va être valide en dehors de son cadre de preuve expérimentale. Et donc que du coup, en dehors de ce cadre-là, elle va toujours être valide, et que du coup, elle peut se contredire une autre, mais on sort finalement de notre espace observable. Oui, mais bien sûr, mais en fait, tant que tu n'as pas de preuve du contraire... Il faut donc tes théories, elles sont validées avec un certain domaine de validité. Et tant que tu n'as pas de preuve du contraire, la seule chose raisonnable à faire, c'est de les extrapoler jusqu'à ce que tu aies une contradiction, soit avec une expérience, soit avec une autre théorie. Et tant que tu n'as pas de contradiction, eh bien, il est légitime d'extrapoler. D'accord ? Et c'est ça l'œil du physicien, l'œil du théoricien pour aller chercher quelque chose de nouveau. Ça a été un peu formalisé par John Archibald Wheeler. Il appelait ça, je me rappelle plus comment il appelait ça. Il appelait ça le principe. Oui, là, ça c'est de l'inférence, mais de conservatisme radical. C'est-à-dire que je crois dans mes lois jusqu'à la preuve du contraire. D'accord. Et ça c'est parce que, contrairement à une idée qui est quand même assez répandue pour les gens qui ne font pas de science, les physiciens n'inventent pas des lois juste pour le plaisir, elles voient s'ils marchent ou s'ils ne marchent pas. C'est-à-dire qu'on va construire des lois avec une sorte de continuité historique et on va toujours ensuite être très conservateur avec les lois qui fonctionnent. On ne rajoute pas des termes pour se faire plaisir. Et là, je vais en profiter pour donner l'avis d'Einstein, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir pour parler directement, mais dans son livre « Comment je vois le monde », il dit la chose suivante, parce qu'on lui a dit « Est-ce que c'est révolutionnaire ou pas ?» Et lui, il dit ça. Il dit « Entre-temps, l'objet particulier de la théorie de la relativité, je tiens à préciser que cette théorie n'a pas de fondement spéculatif, mais que sa découverte se fonde entièrement sur la volonté persévérante d'adapter le mieux possible la théorie physique aux faits observés. Point n'est besoin de parler d'acte ou d'action révolutionnaire, puisqu'elle marque l'évolution naturelle d'une ligne suivie depuis des siècles. » Donc on veut comprendre la même chose, c'est qu'est-ce que c'est le mouvement ? Qu'est-ce que c'est l'espace et le temps ? Parce que sans l'espace-temps, on ne peut pas décrire le mouvement. Et qu'est-ce que c'est que les actions, donc les forces, et en particulier, qu'est-ce que c'est que la gravitation ? Il dit « Je n'ai rien fait d'autre. » Et j'ai voulu être le plus logique par rapport à tout ce qu'on savait jusqu'à là pour en avoir une vision cohérente. Donc lui, il est dans une recherche de cohérence. Et je crois que c'est ça qui rend Einstein révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il a sa conviction intime qu'on ne peut pas vivre avec des théories scientifiques, des théories physiques qui ne sont pas cohérentes entre elles. Parce que c'est aussi, pour lui, c'est aussi grave que d'être contrarié par l'expérience. Et il va faire le mieux qu'il peut pour créer une théorie qui va unifier et rendre cohérent tous ces différents morceaux. Et ensuite, bien sûr, il dit pas c'est la vérité. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que c'est une proposition de théorie physique. Et bien sûr, il va falloir la mettre à l'épreuve de l'expérience. Et c'est ça qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Et si on veut dire en deux mots, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de mettre en cause cette théorie par aucune observation que nous ayons faite jusqu'à présent. Donc ça, il faut voir, c'est sa démarche, mais il y a un moment, on va pas mesurer des choses et en trouver des lois physiques, ça ne se fait pas. On va créer des lois physiques en se basant sur des principes et des concepts, et ensuite on va les mettre à l'épreuve de l'expérience, et au mieux, on pourra exclure un certain nombre de théories, exclure un certain nombre d'idées, ou dire à quel point certaines hypothèses, comme ce principe d'équivalence, est une bonne hypothèse. Voilà, est-ce que c'est bon ? Je sais plus où on en était là, on est parti. Ouais, c'est ça. On va te donner le droit de reprendre le fil. Parce que ce que les auditeurs ne voient pas, c'est qu'en fait, tu suis un diaporama parce que tu as déjà fait des conférences notes, là-dessus. Donc pour t'essayes ceux qui veulent venir au festival de Florence, mais sauf qu'on t'empêche de le suivre depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. C'est pas très important. C'est le séminaire que je donnerai donc au festival de Florence. Donc séminaire que j'ai appelé juste pour vous dire parce que j'étais content de moi. Parfois il faut savoir être content de soi. J'ai appelé ça le mécano de la générale. Donc c'est parce qu'il y a Buster Keaton sur un train et j'ai une affiche avec Buster Keaton qui est remplacé par la tête d'Albert Einstein. Et il se trouve, et ça je dis pour les gens qui sont intéressés, qu'avec Jean Eisenstedt qui est historien des sciences au CNRS et qui travaille à l'Observatoire de Paris, il est spécialiste de la théorie de la relativité générale. Il a écrit deux très bons livres d'histoire en fait qui racontent l'émergence de la théorie de la relativité générale. Donc avec Jean, on organise à la BNF une série de 6 conférences entre mi-octobre et début janvier. Donc BNF, c'est Bibliothèque Nationale de France. Bibliothèque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Paris. De France, excusez-moi. Une station de métro, tout ça. Merci beaucoup pour me désacronymiser. Et donc ça sera le mardi soir, c'est ouvert au public, c'est libre, et donc il y a une série de 6 conférences sur l'histoire de la relativité générale et la relativité même, et je peux vous dire les orateurs. Donc il y aura Jean Eisenstedt sur la genèse de la relativité générale, Jürgen Rehn qui est un historien allemand en fait sur l'origine des équations d'Einstein, et il y aura Dominique Lambert qui est le biographe de Georges Lemaître, donc pour parler du rôle de la cosmologie par Lemaître dans la compréhension de la relativité, et puis trois talks qui sont plus sur la relativité aujourd'hui. Donc il y aura Thibaut Damour sur de l'IHES, Institut des hautes études scientifiques, qui parlera des limites de la relativité générale, le lien à la gravité quantique et puis les expériences. Clifford Will des États-Unis mais qui est francophone, qui parlera de la relativité et l'expérience. Et je ferai un séminaire sur la cosmologie moderne et ce que la relativité générale a apporté dans la construction des modèles cosmologiques. Donc si vous êtes intéressé, c'est 6 conférences d'une heure et demie, et là chaque sujet sera grand public. Oui, grand public, ouais. Hein, puisque c'est à la Bibliothèque Nationale de France et qu'ils ont peur des gens qui parlent de science. Donc, et c'est quand ? Ça commence le 15. À peu près. Non, on se renseignera après, mais juste la période vague. C'est au mois d'octobre, d'accord. C'est le 6 octobre, le 13 octobre, le 10 novembre, le 17 novembre, 1er décembre et 8 décembre. Donc ça fait une activité de plus si vous êtes à Paris et que vous ennuyez le mardi soir. Donc voilà, donc on a vu un peu ce... Je ne sais plus où on en est, mais en fait, on a expliqué Galilée-Newton, le principe... On obtient la géométrie. Hein. Voilà, on obtient la géométrie. Qu'il faut décrire la géométrie pour avoir fait l'essentiel. Alors, pour vous faire comprendre, juste, je ne vais pas expliquer, parce que c'est... En fait, il faudrait voir des dessins. Mais juste pour vous faire comprendre Pourquoi c'est possible ? Si vous faites rouler une bille sur une table plane, la bille va en ligne droite. S'il n'y a pas de frottement, elle ne s'arrête jamais, elle va en ligne droite. Si je voulais que cette bille sur la table tourne, il faudrait qu'il y ait une force qui agisse sur cette bille. D'accord ? Donc une façon de faire, par exemple, bah, vous mettez une bille au bout d'une ficelle, vous faites tourner la ficelle, la bille va tourner en rond. Pourquoi ? Parce que la ficelle qui est tendue, en fait, agit sur la bille et va lui faire une force vers le centre, là où vous tenez la ficelle, et donc la bille va tourner en rond. Ça, c'est un peu la force de Newton. C'est cette action, même s'il n'est pas matérialisé par un fil, qui fait tourner les planètes autour du Soleil. Si maintenant, au lieu de dire que je suis sur que la bille se roule sur une table ronde, elle roule sur une table qui est gondolée, par exemple, elle roule dans un évier, eh bien, elle peut tourner autour de l'évier, d'accord ? Sans qu'il y ait de force qui agisse sur cette bille. Pourquoi ? Parce que la courbure de l'évier, en fait, fait que la ligne de mouvement, est ce qu'on va appeler en termes, je veux dire, jargonneux de mathématicien, une géodésique, mais c'est la généralisation de ce que c'est une ligne droite. Et en fait, ce que va comprendre Einstein, c'est que les lignes droites, donc les lignes de mouvement libre sur lesquelles on n'agit pas de force dans cet espace-temps courbe, en fait, c'est le mouvement que vous avez sous l'effet de la gravitation. Donc être en chute libre, c'est ne plus sentir la gravitation, mais c'est aussi suivre les mouvements de plus grande pente, en fait, de la géométrie de votre espace-temps. Voilà, donc si on a compris ça, on a tous les éléments, maintenant il faut le mathématiser. Donc on a besoin de quoi ? On a besoin d'une géométrie, mais surtout on a besoin de dire, qu'est-ce qui crée la géométrie ? Qu'est-ce qui courbe l'espace-temps ? Et c'est là où Einstein va écrire ses équations de la relativité générale. Et ça va nous donner ces fameuses équations d'Einstein qui relient quoi ? La géométrie de l'espace-temps au contenu matériel de l'espace-temps. Donc, je suis super déçu, moi. Je croyais que c'était E égale MC2 et c'est un truc ignoble. Non, hein. C'est G menu égale 8 pigé sur C. menu. Bon. Mais ça va lui prendre... Voilà, ce qui est important, c'est de dire que ça va lui prendre 8 ans de travail avec Marcel Grossman pour définir les bons mathématiques. Et là aussi, ça montre quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui, un travail de cette ampleur, par exemple, ça serait difficile à faire parce que aller voir une agence de financement et dites que vous avez un truc, ça va prendre 8 ans. Peut-être ça va pas aboutir d'ailleurs. Si vous appelez Einstein, vous serez peut-être financé, mais ça montre aussi que là, il n'y a pas de recherche d'application, il n'y a rien. Et on est vraiment dans une recherche purement théorique, de l'ordre d'une recherche en mathématiques, d'accord, à ce niveau-là. Et que justifier une telle recherche aujourd'hui, peut-être serait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était à l'époque. Alors, il faut aussi dire que les gens étaient avant tout des professeurs d'université, ils étaient payés pour leur enseignement et donc ils avaient ensuite la liberté de travailler sur ce qu'ils voulaient. Mais il faut se rendre compte qu'Einstein n'est pas avec une communauté de gens qui travaillent sur le même sujet, c'est quelqu'un d'isolé qui suit son chemin. Et alors je sais pas, j'ai pas de citation là-dessus, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'il était sur une route qui ne mènerait nulle part. Et lui, il avait la foi quand même qu'il était sur la bonne route parce que ses principes, ses expériences de pensée lui ont donné l'intuition que ça allait aboutir. Donc il faut se rendre compte quand même du monument que c'est d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue humain, de se dire je vais arriver à le faire ce truc-là et d'avoir de confiance que ça mérite, et probablement des moments de doute qu'il a dû avoir parce qu'il a dû jeter des pages et des pages de calculs, et surtout cette géométrie différentielle que lui ne connaissait pas. Il a fallu que Grossman lui enseigne, et je crois que ça n'a pas été quelque chose de sans douleur pour lui. Donc il a des mots là-dessus. Ouais, t'as des citations, je sais plus. Il avait un rapport aux mathématiques un peu pas. Oui. Donc, j'en ai pas là de citation d'Einstein par rapport aux mathématiques, mais il a plusieurs citations par rapport. Où il dit que ça, c'est un peu de la douleur quand même. Oui. Il en a besoin malheureusement, mais. Voilà, non, mais c'est quelqu'un qui il est réaliste là-dessus. Il se rend compte qu'il a besoin d'un outil, il apprend l'outil. Je ne sais pas s'il ferait des maths pour le plaisir, donc c'est pas le genre de. Il ne se serait pas inscrit au kangourou, par exemple. Voilà. D'accord. Mais il se rend compte qu'il en a besoin pour résoudre son problème. Et comme je dis, son but, c'est quand même d'arriver à dormir tranquille pour résoudre tous ses problèmes. Eh bien, il va se mettre la tâche qui. Voilà, il ne va pas reculer devant l'obstacle. Donc voilà, donc on arrive en 1915, et en 1915, il a des équations qui sont capables de dire, au moins de façon, en principe, si on est capable de les résoudre, de dire quelle est la géométrie de l'espace-temps. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette géométrie, on sait comment la matière se déplace dans cet espace-temps, puisqu'elle subisse l'effet de cette géométrie. Donc il y a quelque chose, il y a deux équations, qui sont les équations du mouvement et les équations d'Einstein, elles sont couplées, et on est capable de les écrire et de montrer, alors ça va prendre des années quand même, de montrer que si on se donne des conditions initiales d'une certaine façon et tout ça, les équations sont des équations bien posées, en termes d'équations différentielles, il y a un problème de Cauchy bien posé, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez prédire la structure dans le futur si vous la connaissez à un moment donné, ainsi de suite. Donc plein de choses qu'il faut pour que finalement la théorie soit dite prédictive. Dire qu'on puisse, oui, qu'on peut en faire quelque chose, quoi. En gros, c'est-à-dire les équations, on a une chance de les résoudre, il y a une solution et une seule, il n'y a pas, à partir d'un état physique de la chose, genre un emplacement d'objet, etc., il ne peut pas y avoir plusieurs choses qui s'en suivent, des choses comme ça. Voilà, donc des sortes de théorèmes d'unicité et tout ça. Donc juste pour donner, alors pour ceux qui sont plus mathématiciens, disons-le, pour les autres, ça sera juste de la poésie. Donc ces équations-là, donc c'est des équations, ce sont 10 équations aux dérivées partielles qui sont non linéaires, couplées, et des équations de 10 variables, d'accord, qui agissent sur 10 fonctions de 4 variables, les 4 variables d'espace-temps, x, y, z, t. Donc vous voyez que un mathématicien, donc si vous savez pas ce que c'est, vous dites ok, on s'en fout, c'est des équations, les équations c'est compliqué. Si vous avez fait un peu d'études, vous savez résoudre peut-être des équations différentielles linéaires du premier ou du deuxième ordre, si vous avez fait une prépa. Concrètement, les mathématiciens savent rien faire en non linéaire, non ? Non. Et alors après, ils savent résoudre. On a quelques collègues qui connaissent les équations aux dérivées partielles linéaires, ça on sait les résoudre, on sait les résoudre parfois. Numériquement, on est obligé parce que c'est quand même les transports de la chaleur, les transports de fluide, ça se repose là-dessus. Dès qu'il y a des non-linéarités, ça commence à être très très compliqué. Et si vous en rajoutez beaucoup couplés, eh bien très rapidement, vous pouvez plus rien dire. Donc on se rend compte que... Couplées, ça veut dire qu'elles sont liées les unes aux autres, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en résoudre une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. C'est, elles sont complètement intriquées l'une dans l'autre, et donc il faut résoudre l'ensemble. Et donc ça veut dire que même si en principe on peut les résoudre, en pratique, eh bien, il va falloir s'y mettre. Donc donc le programme va être assez... ça va être encore... on va faire de la physique, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire est-ce que je peux trouver la géométrie de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'en gros, quelle est la géométrie de l'espace-temps, 4 heures, on va se dire, bah, dans une situation donnée, est-ce que je peux trouver une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de cet univers-là ? Et donc, on va travailler avec des solutions qui sont des solutions approchées, qui ont beaucoup de symétrie, et dont ces symétries vont permettre de simplifier suffisamment les équations pour trouver les solutions. Et la première solution qui va être trouvée, c'est la solution, bah, la première solution, c'est j'ai une particule massive qui est les champs de gravitation, la structure de l'espace-temps autour d'une particule massive. Et ça, c'est... Une particule massive, c'est un point. C'est un point avec une masse. Ouais, c'est une ça. Bille, c'est une bille d'une masse. Non, parce qu'on se moque souvent des matheux, j'aimerais qu'on se moque un peu des physiciens théoriciens aussi, au passage. Bah ouais, moquez-vous des physiciens. Une particule, c'est un point. Ouais, sauf que c'est un point qui a une petite taille quand même. Enfin, parce que... Hein, voilà, c'est simple, c'est une particule. Donc cette solution va être trouvée par Karl Schwarzschild, un physicien allemand, je crois que c'est en 1916. Et alors cette solution, elle va avoir, en fait, elle va être le, comment dire, elle va poser beaucoup de questions aux gens pendant 40 ans. Je garde ça en suspens pour un petit peu, parce qu'avant de faire ça, il faut peut-être avoir une parenthèse, je veux dire, plus sur le lien à l'expérience. Puisque donc il a sa théorie. Dans le système solaire où on est en champ assez faible, on peut là, plutôt que de résoudre exactement, faire des méthodes perturbatives, c'est-à-dire des développements de ces équations autour d'une solution, de type Newton, donc d'un espace-temps qui serait un espace-temps plat. Et là, perturbativement, on peut résoudre ces équations-là. Et quand on fait ça, Einstein va très vite comprendre en fait que ça explique un des problèmes qui était inexpliqué en astronomie, qui est l'avance du périhélie de Mercure. Donc il va falloir que j'explique ce que c'est que l'avance du périhélie de Mercure. Mercure, c'est une planète. Jusque là, tout va bien. Non, parce que chacun pense que c'est un élément chimique, c'est vrai aussi, mais Mercure est avant tout une planète. Donc c'est la planète qui est la plus proche du Soleil, et ce que l'on sait sur le mouvement des planètes depuis Kepler et qui a été confirmé par Newton, c'est que une planète qui est simplement sous l'influence du Soleil, eh bien, a une trajectoire qui est périodique et fermée, qui est ce qu'on appelle une ellipse, mais c'est une sorte de cercle un peu aplati. Voilà. Et le périhélie... C'est un cercle regardé de biais. Voilà. Et donc, comme c'est un cercle qui est un peu regardé de biais, il y a un endroit, le Soleil... Il y a un moment où on passe le plus proche du Soleil, ça c'est le périhélie, et l'endroit où on est le plus loin, c'est l'aphélie. Voilà. Hein, c'est l'apogée et le périgée si on est autour de la Terre. Oui, parce que quand on fait de l'astronomie, il faut aussi avoir des lettres et parler de... Voilà. Donc, le périhélie, donc cet endroit... Donc, normalement, la trajectoire est une ellipse. Elle est toujours la même. Elle tourne, elle ne change pas. Alors, ce qu'on a compris, c'est que c'était pas vrai parce que Mercure, bien sûr, il subit l'attraction gravitationnelle du Soleil, mais il subit aussi l'attraction gravitationnelle de la Terre, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de tous les corps qui sont dans le système solaire. Et ces forces gravitationnelles sont faibles, mais font des petites perturbations, ce qui fait qu'il y a des effets séculaires et que l'axe de cette ellipse, donc le point qui relie le périhélie et l'aphélie, eh ben, pas toujours le même, il va tourner lentement. D'accord. Et ça, on l'observe, ça, c'est, voilà, alors le chiffre, je ne sais pas si ça vous dit, moi ça ne me dit rien, c'est 5600 secondes d'arc par siècle, donc c'est tout petit, ça ne se voit pas, disons ça se mesure, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Et donc les gens ont essayé d'expliquer cette dérive de l'ellipse au cours du temps, et donc ils ont quantifié l'effet, voilà, de Vénus, de la Terre, de Mars, de Jupiter, de Saturne, des autres astres. Et donc quand ils calculent tout, ils devaient trouver 5600. Eh bien, ils ne trouvent pas 5600, ils trouvent 5599,7. D'accord ? Donc, ils devaient trouver, pour être précis, voilà, c'est ça. Donc, ils devaient, je vous ai dit 5600, en fait, c'est 5000, c'est ça. Oui, ils trouvent, quand ils additionnent tous les effets, ils trouvent, excusez-moi, 5557, alors que, observez, c'est 5599,7. Il y a donc une anomalie de 42,7. Donc, vous voyez, 42,7 sur 6000, c'est tout petit. Et donc, les gens vont essayer de comprendre ça. Et l'idée qu'il y avait, c'était de dire qu'il y a peut-être d'autres astres perturbateurs qu'on ne voit pas, des nuages de gaz, des machins, une planète, hein, bref, de l'autre côté du Soleil, tout ce qu'on veut. Mais personne n'a réussi à expliquer cette anomalie sans perturber les autres observations dans le système solaire. Parce que, alors, oui, juste pour interrompre, c'est comme ça qu'on avait trouvé d'autres planètes dans le système solaire. En particulier, Uranus avait été trouvé en mesurant des perturbations sur Neptune et qui, du coup, on avait déduit la position d'Uranus. Donc, les gens se sont dit que c'est la même chose pour Mercure. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'était naturel de faire ça. C'est-à-dire que ça a été commencé bien avant Einstein. Et donc, Einstein, lui, bah, il a sa nouvelle théorie de la gravitation. Il doit regarder ce que ça fait et il calcule l'effet dû à la relativité générale. C'est un effet qui va dépendre que d'autres choses. Ça va dépendre de la taille de l'orbite de Mercure, d'à quel point cette orbite est aplatie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'excentricité, et puis c'est tout, de la masse du Soleil, qui est connue, la masse du Soleil, grâce aux lois de Kepler. Et donc il met ces nombres qui sont connus, ploupch, il fait rien, il règle rien, et il trouve 42,7. Donc il trouve exactement ce qu'il faut trouver. Donc là... il doit être super content. Là, il est content. Il trouve 42. Et qui arrive 42. Donc vous, peut-être pour ceux qui, voilà, qui lisent... alors le virgule 7 n'est pas expliqué. Non, le virgule 7 est dommage, ouais, ouais. Bon, c'est partie entière de 42,7 ans. Et est-ce qu'il y a moyen... Ouais. Est-ce qu'il y a moyen, juste pour un... Enfin, après, ça, l'émission dure déjà depuis très longtemps, mais... concrètement, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a moyen de décrire ce que ça veut dire, ce que, cette influence de la relativité générale par rapport à... Non, c'est trop compliqué. Là, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire que comme le champ gravitationnel est plus fort proche du Soleil, c'est donc pour la planète qui est la plus proche, pour laquelle les effets relativistes sont les plus grands, d'accord ? Alors qu'ils sont négligeables, si je regarde la Terre, si je regarde les autres planètes, les effets relativistes sont complètement négligeables. Mais pour Mercure, par chance, ils ne sont pas négligeables à un facteur de 42 sur 6000, typiquement. Et donc, c'est parce que le champ gravitationnel est suffisamment fort. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que les effets relativistes vont se trouver dans des endroits où on est en champ gravitationnel fort. D'accord ? Et dans le système solaire, typiquement, on ne va pas aller plus qu'à des effets de 42 pour 6 millième. Donc, en gros, des effets de... Allez, une fraction de centième, disons du millième. Il n'y aura pas d'effet plus grand que ça. Et là, il faut être très proche du Soleil. Donc, probablement, si on étudie l'astronomie dans le système solaire, on n'aura pas d'effet à plus que quelques fractions de millième. Et donc, c'est pour ça que les astronomes vont complètement s'en désintéresser. D'accord ? Donc, ça marche. Si j'ai besoin, dans un régime, ben, je vais pouvoir ajouter un petit terme correctif en faisant un petit développement. Et je vais continuer à penser comme Newton, avec un espace absolu et un temps absolu. Par contre, si vous voulez expérimenter la relativité, il y a un jeu vidéo qui vous permet d'expérimenter la relativité, où on voit quelques effets relativistes, le changement des couleurs parce qu'on est proche, de la déformation autour de l'univers, etc. D'accord. Je sais plus le nom du jeu, j'ai sous les yeux la page qui en parle, mais je vois pas le nom, il s'appelle ce jeu. Donc. Je crois que c'est pas très drôle comme jeu, mais c'est pour expérimenter. A Slower Speed of Light. Ah oui, c'est ça, c'est un truc où ils font une vitesse de la lumière plus lente, du coup, mais ils font les mêmes effets que... C'est le principe d'un bouquin de vulgarisation, ça, Monsieur Tompkins. Tompkins, Speed Limit City. Voilà. Je me souviens avoir vu passer ça, où juste je trouvais des dessins rigolos, mais je ne l'ai jamais vraiment lu. Mais c'est sur la relativité restreinte, hein, ça, celui-là. Voilà, et il y a moyen d'expérimenter quelques effets de relativiste, quoi. Alors, donc, il explique Mercure, et puis il va essayer de trouver les autres conséquences, et il va se rendre compte aussi que la gravitation, et là, chez Einstein, elle est vraiment universelle, c'est-à-dire que la lumière aussi suit ses lignes de plus court chemin dans l'espace-temps, donc la lumière est affectée par le champ de gravitation. Et donc un rayon de lumière qui passerait proche du Soleil, qui frôlerait le Soleil, eh bien la lumière devait être un peu déviée, et donc on devrait pouvoir observer ça. C'est un effet qui est tout petit, mais si on a des rayons qui frôlent suffisamment proche le Soleil, alors on doit pouvoir les mesurer. Pour pouvoir les observer, il faut voir des étoiles alors que les rayons sont proches du Soleil, donc il ne faut pas qu'il fasse jour, mais quand il y a le Soleil, c'est embêtant. Donc l'idée, c'est quand même de faire ça pendant une éclipse. Pendant une éclipse, on peut faire ça. Et donc, c'est Eddington qui va lancer une expédition en 1919. Je crois que c'est à Sobral, au Brésil, et puis à l'île de Principe. Il va y avoir deux expéditions. Et ils vont regarder. Donc, les étoiles dont les rayons passent loin du Soleil, eux, ne sont pas déviés. Ceux qui passent proche du Soleil sont un petit peu déviés par les effets relativistes. Donc, en regardant les mouvements relatifs de ça entre le moment de l'éclipse et puis un moment de la nuit où il n'y a pas le Soleil, et donc on peut mesurer la différence. On regarde les distances apparentes des étoiles et on se rend compte que les étoiles qui sont proches du Soleil sont plus proches quand elles sont derrière le Soleil que quand elles sont sans le Soleil. Donc, il y a eu une déflexion de la lumière par le champ de gravitation du Soleil. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va faire la une. Là, j'ai un truc, c'est le cap du New York Times. Donc, on dit, voilà, Einstein Theory Triumphs, donc la théorie triomphe. Book for 12 wise men. Ils disent, no more in all the world could comprehend it, said Einstein, when his daring publishers accepted. Donc, un livre pour 12 personnes sages ou intelligentes. Einstein aurait dit qu'il n'y a pas plus d'une douzaine de personnes capables de comprendre sa théorie au moment où son livre a été accepté par l'éditeur. Et donc, ça va marquer, parce que c'est quelque chose qui va être dans la presse. Et ça va donner l'image d'une théorie qui est incompréhensible. Eddington va en rajouter, parce qu'il ne va pas dire qu'il y a 12 personnes. Il aurait dit qu'il ne connaissait que 3 personnes qui comprenaient la théorie. Donc, étant donné qu'il devait se compter dedans et qu'Einstein était encore vivant, on s'est toujours posé la question de savoir quel était le troisième. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais en tous les cas, elle est truculente. Et donc, c'est une théorie qui est difficile à comprendre. Et donc, et là, on comprend ce qui va se passer. C'est-à-dire que la théorie va rentrer dans le domaine public parce qu'elle semble incompréhensible. Elle parle de l'espace et du temps. Elle a prédit des choses. Elle a été faite par un seul homme qui travaillait quasiment tout seul. Les collègues qui a introduit son jeu de notation, en plus. Qui a introduit ses notations, quoi, ils existaient pour les mathématiques. Elle est basée sur des mathématiques qui sont des mathématiques relativement récentes. La géométrie différentielle n'est pas quelque chose de très développé. Et donc, ça veut dire des mathématiques qui sont très peu enseignées. Et donc, il y a très peu de gens qui vont comprendre ces mathématiques. Et puis, les autres scientifiques font de la mécanique quantique, tout ça. Mais Einstein aussi, il a son activité sur la mécanique quantique. Il s'engueule avec tout le monde. Mais tout le monde le respecte pour sa pensée. Beaucoup de gens sont capables de dire que c'est un monument qui est incompris. Donc, vous voyez, c'est vraiment le fantasme et ça va cristalliser tout ça. Et la théorie va rester là comme une théorie brillante qui n'a pas de domaine d'application parce que les effets dans le système solaire ne sont tout petits. Et puis qu'à cette époque-là, bah, l'astronomie, c'est en gros, on regarde les étoiles de notre galaxie, hein. Je vous rappelle qu'en 1915, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies. Donc voilà, hein, c'est 1924 et Edwin Hubble. Donc avant 1924, on a des conjectures, mais on n'a pas de... Il y a un débat entre les groupes d'astronomes s'il existe ou pas des objets en dehors de notre galaxie, mais on ne le sait pas. Donc on travaille sur les étoiles. On vous invite à aller écouter notre épisode sur l'histoire des télescopes, parce que c'est aussi une époque où on n'a pas encore mis des télescopes en orbite, si je ne dis pas de conneries. Ah oui, bon, on est même avec des grandes, on est avec des grandes lunettes et ce genre de choses. C'est que par rapport à ce que racontait Johan à l'époque, tu me couperas Johan, on regarde quasiment rien parce qu'on regarde que le visible derrière la couche d'atmosphère où du coup on voit rien du tout, quoi. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas d'astrophysique, on va dire. D'accord, il y a de l'astronomie de position, on s'intéresse beaucoup au système solaire. Des grands astronomes en théorie, bah c'est encore des gens comme Poincaré, c'est la stabilité du système solaire, c'est ce genre de choses. Donc finalement, ces effets relativistes, personne n'a besoin de les utiliser. Il n'y a pas de champ de gravitation suffisamment fort pour avoir ces effets. Donc on a une théorie qui n'a pas de champ d'application, Il n'y a pas de communauté scientifique. Il y a très peu de gens qui sont capables de connaître les maths, qui a été fait par un seul type. Et les gens qui vont utiliser des petits termes correctifs relativistes, eh bien, ils vont adopter une vision néo-newtonienne dans laquelle ils vont rester avec leur espace et leur temps. Donc, personne ne va faire sa révolution. Et les seules personnes qui vont commencer à travailler là-dessus, ça va être quelques personnes qui vont être des mathématiciens, qui vont chercher des solutions, parce que les mathématiciens, vous leur dites « Oh, il y a un nouveau jeu d'équations différentielles, machin, il faut le résoudre. » Alors là, vous en trouvez qui vont aller s'y jeter. Ouais, quoi. Puis si ça sert à rien, c'est encore plus motivant. Il y a de la géométrie. Il y a de la géométrie, et c'est court. Et tout ça, non, mais bon, il faut dire aussi que à l'époque où Einstein, juste avant de formuler en 1915, il en avait quand même parlé à d'autres personnes, et il y avait des gens comme David Hilbert qui avaient commencé à s'intéresser au problème. D'ailleurs, il avait dit quelque chose de très beau, Hilbert, parce que on a souvent dit lequel de Hilbert ou d'Einstein a été le premier, tout ça, et Hilbert a jamais remis en cause le fait que c'était la théorie d'Einstein. Il avait même fait une plaisanterie, il disait, vous savez, ici à Göttingen, vous prenez n'importe quel type dans la rue, il connaît mieux la géométrie différentielle que Monsieur Einstein. Et pourtant, c'est Monsieur Einstein qui a découvert la relativité générale. Donc ça, bon, c'est parce que je suis physicien et pas mathématicien, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire que les mathématiciens, ils s'intéressent à résoudre des problèmes qui sont bien posés. Et le physicien, si vous avez suivi ce que je voulais raconter, ce qui l'intéresse surtout, c'est de savoir pourquoi je peux utiliser ce type d'équation pour décrire tel type de phénomène, pourquoi c'est le bon concept. Donc quelque part, il s'intéresse de l'adéquation entre une description mathématique et le réel. Et ce qui est intéressant avec Hilbert quand même, c'est que mine de rien, indépendamment, il était arrivé à peu près sur les mêmes théories. Oui, mais ils avaient échangé ensemble, ils avaient une correspondance, et donc Hilbert avait trouvé une façon en fait différente d'arriver aux équations qui vont être données par Einstein, qui sont utilisées en fait sur les méthodes de Lagrange, donc des principes variationnels. Donc il y a eu toute une histoire en fait de comment les idées ont émergé, mais n'empêche que c'est Einstein qui a eu l'idée, c'est Einstein qui a eu cette idée en 1908, c'est lui qui a trouvé le bon outil. Donc à partir du moment où il est arrivé voir Hilbert, il était quand même un type assez brillant. Si on lui dit il faut de la géométrie différentielle, il va regarder les types d'invariants qu'il peut avoir, et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé les invariants qu'on peut faire avec une géométrie, donc c'est quoi ? C'est les tenseurs de courbure, ce genre de choses. Et puis il va se dire, je vais faire un principe de moindre action à la Lagrange, puisqu'on s'était rendu compte que cette formulation de la mécanique permettait, à partir de concepts assez simples, de retrouver des équations de façon assez efficace. Et en appliquant simplement cette technologie, il va trouver les équations qui ont les équations d'Einstein. Le fait de dire qu'il faut une géométrie, que c'est ça qui... Ça, c'est Einstein, 100%. Donc, il n'y a même pas de controverse entre eux, ni rien du tout. Et elle a été faite par l'extérieur parce que les gens aiment bien les rivalités entre les héros des mythologies, parce que sinon, il n'y a pas de baston, quoi. C'est comme dans Superman, quoi. Les polytechniciens disent que c'est Poincaré, non ? Ouais, mais là aussi, il y a un grand débat. Je ne vais pas me fâcher avec les polytechniciens ni avec personne, d'ailleurs. Parce que je crois que... En tant que directeur adjoint de l'IHP, Institut Henri Poincaré, tu pourrais quand même défendre Poincaré, quoi. Non, mais je défends Poincaré. Je pense qu'il ne faut pas... Donc, le débat avec Poincaré était sur la genèse de la relativité restreinte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les équations qui vont être les équations de la relativité restreinte, il y en avait certaines qui avaient été déjà trouvées par Poincaré et par Lorentz. Poincaré avait compris beaucoup de choses sur la structure mathématique en fait, de ce groupe et les transformations, ça c'est sûr, mais il l'a dit lui-même, il a dit les équations, c'est pas ça qui manque, ce qui manque c'est le fond. Et celui qui a amené le fond, c'est Einstein, c'est-à-dire que... Voilà. Et donc je pense qu'à chaque fois, la personne qui a eu la vision de la notion de cohérence et de comment les choses doivent changer, ça a toujours été Einstein. Et donc ça n'enlève rien à Poincaré. Je pense que c'est idiot, en fait, c'est idiot, quoi. Moi je dis ça... Il faut... Bon, bref. On a fait aussi un épisode sur Hilbert que ceux qui n'ont pas écouté peuvent écouter, parce que justement, on voit, dans l'historique de ce qu'a pu faire Hilbert et compagnie, en effet, ça n'a aucun sens d'aller se dire qu'il y avait de la bataille ou quoi que ce soit. On a des milliers de kilomètres de ce genre de préoccupation, ouais, et effectivement, c'est pas quelqu'un qui va se batailler. Et il s'est intéressé à la physique, et en effet, il a reconnu que justement, l'approche d'Einstein était plus pertinente que la sienne, même s'ils arrivaient un peu aux mêmes conclusions. Tout à fait. Donc, tous ces éléments font que la relativité générale après 1920 va tomber dans un état de latence. Il y a quelques matheux qui vont trouver des solutions. Il y a des gens, en particulier les gens qui font de la cosmologie, donc c'est Lemaître principalement qui va s'y intéresser. On en profite, tiens, cosmologie, parce que moi je dis toujours l'un comme l'autre indifféremment, je dis n'importe quoi, je sais pas ce que ça veut dire cosmologie en fait. Oui, justement, je voulais dire ça, parce que pour moi, comment tu passes de la relativité à la cosmologie, c'est que tu nous as décrit pour le moment, c'est très local finalement. C'est très local, non mais je vais y venir, hein, vous en faites pas. Là, je suis juste dans une. Là, ça s'appelle une. On est encore dans l'introduction. Je vous fais une transition. Non, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Donc là, on est dans une transition, d'accord. Donc juste de vous faire comprendre qu'il y a une gloire médiatique. Il y a une théorie qui est là, qui marche avec tous les tests expérimentaux possibles à l'époque, c'est-à-dire deux tests. Hein, qu'il y a des effets petits, que personne ne travaille dessus, à part quelques mathématiciens. Et puis comme c'était dans tous les journaux, ça devient un sujet de discussion de salon. D'accord. Donc en fait, les gens dans les salons philosophiaient autour de la relativité générale, de l'espace, du temps. Bref, mais il n'y avait personne qui comprenait ce que c'était. Et là, j'ai une courbe, vous ne la verrez pas, mais en gros, tu peux la décrire si tu veux, Robin. Ça, c'est le nombre de publications où on parle de relativité générale en fonction du temps. Il y a trois gros pics. Je ne sais pas, je ne vois pas trop l'échelle. Bon, tu as un gros pic ici, ouais, c'est par année. Donc ça, c'est un gros pic. Donc il y a un gros tripic là, oui, trois pics. Quoi. Et après, autour de 1920, et après, ça s'écroule vraiment. Il y a une activité résiduel. Ah, c'est le nombre. Non, c'est pourcentage. C'est de publications. Pourcentage de publications qui en parlent. Et le pic, en plus, oui, il n'est pas si gros que ça. Ça monte. Oui, c'est quand même de 2,5% des publications de physique dessus. Donc, c'est quand même pas trop mal. Et après ça s'effondre en dessous de 0,5%. Voilà, 1930 et 1955, on est à moins de 0,5% des publications dans le monde qui parlent de relativité générale. Et puis voilà, donc on n'en parle pas. Et ça végète. Et la relativité générale ne va pas beaucoup évoluer et elle va être coincée par deux problèmes. Donc d'un côté, il va y avoir la cosmologie et l'autre côté, il va y avoir les trous noirs. Ça va être les deux objets qui finalement vont se révéler être importants pour l'histoire de la relativité générale. Vous voulez commencer par quoi ? Les trous noirs ou la cosmologie ? Les trous noirs, on peut peut-être aller rapidement parce qu'on a ouais, déjà eu Jean-Pierre Luminet. Les trous noirs, on a eu une émission quasiment dessus avec Jean-Pierre Luminet. Et puis on a parlé d'Interstellar aussi, donc on a parlé pas mal des trous noirs de en fait ici. D'accord, ok. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un trou noir parce que ça serait long et puis rébarbatif. Je veux juste vous expliquer pourquoi il est important pour la compréhension de la relativité générale. Donc, premièrement, c'est très massif. Mais donc, je vous ai dit, Schwarzschild, il trouve cette solution. C'est une solution mathématique, d'accord. Cette solution mathématique, il a pris une étoile sphérique de masse m. Il a trouvé la solution en dehors de cet objet-là. Et puis, il peut faire comme Robin qui dit, c'est une particule ponctuelle, de faire la masse qui va vers zéro. Et puis, au centre, eh bien, le champ de gravitation devient infini. Il y a une singularité au centre. Donc, l'espace-temps n'existe plus. Il n'y a plus d'espace et de temps. C'est plus défini. Et puis, surtout, ce qu'il va trouver, c'est que cette solution, elle a une propriété assez bizarre. C'est qu'entoure ce point matériel une sorte de surface, alors virtuelle, qu'on va appeler un horizon, qui a la propriété d'être une sorte de surface hémiperméable. C'est-à-dire qu'en gros, on peut passer de l'extérieur de sa surface vers l'intérieur où il y a la singularité, mais on ne peut pas en ressortir. La structure de l'espace-temps est telle que rien ne peut permettre de passer dans ce sens-là. Et ni les particules matérielles, ni la lumière. Donc la question, c'est de savoir quelle est la taille de cet horizon. Et en particulier, si l'astre est très compact, cet horizon peut être plus grand que la taille de l'astre. D'accord ? Donc, parce que la solution est valide en dehors de l'astre. Donc si l'horizon est plus petit que l'astre, on dit on va raccorder avec une solution intérieure qui va lisser les choses, et donc il n'y a pas de problème, c'est le champ de gravitation autour de mon étoile. Mais si j'ai un champ très massif, très compacte, la taille de l'horizon va être plus grand que la taille de l'objet. Et donc la lumière de cet objet ne peut pas s'évader, et donc on aurait des astres qui ne rayonnent pas de lumière vers l'extérieur. Et comment on se met à aller chercher des solutions de ce type-là ? Non, mais en fait, on n'a pas été chercher. Il a simplement résolu ce que Schwarzschild a fait. Il s'est dit, je prends la solution asymétrie sphérique avec une masse au centre. C'est tout. Il a résolu les équations. Et lui, il ne pensait même pas en termes d'astres. Il disait, c'est la solution la plus simple que je peux chercher. D'accord ? Donc, il a fait un exercice de maths. Et cet exercice, donc après, on a réalisé que ça donnait une solution exacte, que si on est loin de l'objet, le champ de gravitation, on tombe en champ faible, on retrouve exactement la force de Newton. Ah bah donc, c'est bien la masse qui agit. On peut regarder une particule. Et on retrouve tout ce qu'on connaît depuis Newton. Et puis, si on se rapproche, on trouve des effets relativistes. Et l'effet relativiste qui là est vraiment un effet inattendu, c'est pas un truc perturbatif de petits trucs qui croient, c'est quelque chose de non linéaire, il apparaît l'existence d'une telle surface. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on traverse cette surface ? Si je suis loin du trou noir et que je me rapproche du trou noir, est-ce que, parce que dans la façon dont c'était écrite, Schwarzschild avait utilisé des coordonnées, Et ce qu'on avait l'impression, c'est que l'espace lui-même devenait singulier sur cette surface. Donc en gros, quelque part, ça marchait plus. L'espace et le temps n'existent. Singulier, je fais un petit point aussi. Ouais. Mais en gros, que l'espace et le temps n'étaient plus définis sur cette surface. Ouais, c'est un point où ça va pas. C'est un point où on divise par zéro pour faire plaisir à Pouillot. C'est un point où, ça n'a plus trop de sens de parler de. Voilà, c'est quand on, quand, pour donner un exemple extrêmement simple, si on prend une fonction, ça les gens ont généralement vu. Bah, il y a des endroits où ça part à l'infini dans un sens, ça revient de l'infini de l'autre côté, et à cet endroit-là, bah, on sait rien dire, il se passe rien en fait, ça n'existe pas quoi. Pour rappeler ce qu'on a pu dire avec Luminé et voir qu'on touche à peine le hors-sujet, c'est que en fait c'est tellement une division par zéro que la relativité est plus tellement applicable. Non mais alors il y a ça, après il y a un domaine de validité, mais non pas au niveau de l'horizon. Mais je parle pas de la singularité initiale, ouais. Ça c'est vraiment. Mais au niveau de l'horizon, ce qu'il faut se rendre compte, donc la question c'est qu'on avait singularité, donc on avait deux, on avait celle qui est au centre et on avait celle-là. Est-ce qu'elles sont de même nature ou pas? Mais en fait, ce qu'on va comprendre, et ça va prendre 50 ans, c'est que cette singularité apparente sur l'horizon n'est pas une singularité. C'est simplement une singularité des coordonnées qu'on avait mis pour résoudre le problème. D'accord? Il ne se passe rien. L'espace lui-même, l'espace-temps, le champ de gravitation sont bien continus. C'est qu'on a utilisé des mauvaises coordonnées. Un exemple, si vous... Oui, c'est quand même fou. Alors, un exemple simple pour ceux qui peut-être ont moins utilisé de maths. Imaginez que je suis sur un plan, donc je veux trouver repérer un point. D'accord ? Je peux prendre deux systèmes d'axes X et Y. Donc, dans ce cas-là, pour tout X et Y, je vais avoir des valeurs et dire que c'est un point du plan. Mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle des coordonnées polaires, c'est-à-dire de prendre une direction et la distance par rapport à moi. En système de coordonnées polaires, il y a une singularité en R égale 0 au centre de mon système. L'espace, lui, l'espace à deux dimensions euclidien, continue à être bien défini. Donc cette singularité n'est pas une singularité vraie, c'est une singularité... Parce que j'ai mal décrit l'espace dans lequel je me place. Quoi, les en fait. Coordonnées qui couvrent cet espace. Donc juste, oui, il y a une singularité. Donc on se donne, parce que ça, quand on connaît les coordonnées polaires, c'était limpide ce que tu as dit, mais je pense que pour les gens qui ne connaissent pas, il faut peut-être le redire doucement. En gros, l'idée, c'est qu'on peut dire sur un plan, je me situe en disant, je regarde l'angle... qu'il faut prendre pour aller dans la direction de mon point, et après je regarde la distance qu'il faut parcourir pour, en partant de zéro de l'axe, enfin du croisement des deux axes qu'on a pris au début, la distance il faut que je parcours dans cette direction là pour y arriver, et c'est clair qu'en zéro j'ai pas d'angle quoi, ouais. Par exemple t'as pas d'angle, et donc c'est... Donc là, ça veut dire que je me rapproche, si je me rapproche de tous les côtés de ce point-là, eh ben, l'angle va s'affoler complètement, parce que ça n'a plus de sens de parler d'angle à cet endroit-là. Exactement. Donc ça, donc là, savoir si les deux singularités sont de même nature et légitimes, il a fallu longtemps pour comprendre, parce que les gens avaient l'habitude de travailler avec des coordonnées, que c'est le système de coordonnées lui-même qui peut avoir des problèmes. Alors, il a fallu, donc je vais faire c'est une longue histoire très très courte, mais savoir quelles ont été les étapes. Donc les gens se sont posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe quand je tombe dans un trou noir. Et on s'est rendu compte que quand je suis dans un champ gravitationnel de plus en plus intense, par exemple quand je vais tomber vers mon trou noir, là le champ de gravitation va augmenter, et bien que si je prends une horloge, on a aussi un effet de dilatation du temps. C'est-à-dire que le temps va se ralentir. D'accord ? Et donc les gens avaient l'impression que l'objet n'allait jamais arriver parce qu'il prenait un observateur qui était à l'infini par rapport au trou noir avec sa montre, et décrit avec le temps de cet observateur à l'infini, on avait l'impression que celui qui tombait dans le trou noir n'arrivait jamais jusqu'à l'horizon. Donc comme quoi il y avait une barrière, on appelait ça la sphère magique. Donc quelque part on traçait des trajectoires où les trajectoires s'arrêtaient sur l'horizon. Et en fait il y a un moment, il y a des gens qui se sont dit mais c'est pas comme ça qu'il faut décrire les choses, il faut décrire ça avec l'horloge de la personne qui est en train de tomber. Ce qu'on appelle le temps propre. C'est le temps mesuré par l'horloge qui se déplace avec vous. Et en fait, si on réécrit les équations en fonction de ce temps propre, on voit qu'on passe à travers l'horizon et il se passe sans s'en rendre compte. Donc on arrive à ce concept qui est encore un truc complètement relativiste, un peu comme en relativité restreinte, c'est que ce qui est décrit par la personne qui tombe et par celui qui l'observe tomber depuis l'infini, ce sont deux histoires différentes. Le phénomène est le même, et il faut décrire comment est-ce qu'on relie ce qui se passe à ce qui est observé très très loin. Donc ça a été le premier point. Il a fallu comprendre ça, ça a pris presque 50 ans. Et puis, on peut dire aussi que pendant longtemps, on s'est dit, ces objets, c'est peut-être qu'une solution mathématique, c'est pas des objets de la nature. Donc, existe-t-il des astres vraiment dans la nature? Le rayon est plus petit que du rayon de ce rayon, de cet horizon qu'on va aussi appeler rayon de Schwarzschild en l'honneur de M. Schwarzschild qui a trouvé la solution. Et là, ça va être finalement des développements à la fois théoriques et observationnels. On va commencer à découvrir dans les années 50, je crois que c'est 55, des astres compacts, des quasars. Donc, on va être des objets dont on va être capable de se rendre compte qu'ils sont de masse suffisamment importante pour que les effets relativistes ne puissent pas être négligés. D'accord. On va découvrir qu'il existe plus tard des étoiles de type étoile à neutrons, naines blanches, dans lesquelles l'état de la matière est sous forme très très dense. Et il y a quelqu'un d'assez connu, puisqu'il a eu le prix Nobel pour ça et pour d'autres choses d'ailleurs, qui s'appelle Chandrasekhar, qui va étudier la stabilité de ces étoiles et qui va se rendre compte que, eh bien, une étoile, c'est quoi ? C'est de la matière qui est tenue qui veut s'effondrer sous l'effet de la gravitation, mais cet effondrement est maintenu par les forces de pression de la matière. Et en fait, la taille des étoiles, elle est déterminée par le type de pression qui empêche l'effondrement gravitationnel. Si c'est les forces électrostatiques, on a des objets comme les planètes. Si ça va être les forces nucléaires, ça va être des types d'étoiles. Et puis quand on va avoir des étoiles de plus en plus massives, ça va être d'autres formes de pression, et ça va être en particulier des formes d'origine quantique qui sont liées au principe d'exclusion de Fermi. Donc le fait qu'on ne puisse pas compacter la matière dans un tout petit volume. Et il va se poser la question de savoir, est-ce que cette pression, eh bien, je peux toujours, elle va toujours résister à la gravitation. Et il va montrer que non, il existe une limite de masse au-dessus d'une certaine masse. La gravitation bat toujours cette pression, et donc on va former un trou noir. Donc il y a un résultat théorique de Chandrasekhar de dire qu'on doit former des trous noirs, et un résultat observationnel qui nous dit, eh bien, on voit des astres dont la taille est un peu plus que le rayon du trou noir. D'accord. Et donc les gens commencent à imaginer que probablement il en existe. Et donc ils vont se mettre à les rechercher. Et ça va être l'ouverture d'un champ de l'astrophysique qu'on appelle l'astrophysique relativiste. C'est la compréhension des astres compacts et la recherche observationnelle, la mise en évidence de trous noirs dans différents systèmes. Et comme on ne voit pas le trou noir de façon par la lumière, puisqu'il n'émet pas de lumière par la lumière, ce qu'on va voir, c'est arriver à le mettre en évidence par la matière qui soit tombe sur le trou noir, soit qui orbite autour du trou noir. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. On a besoin de la relativité. Donc ça c'est l'aspect observationnel. Donc là, on voit qu'avec cette histoire-là, la relativité générale trouve un champ d'application. Donc ça va intéresser des gens, des jeunes qui veulent faire de l'astrophysique moderne, et vont se dire « Ah, astrophysique relativiste, et on va découvrir des pulsars, et on va rencontrer que les pulsars, eh bien, ce sont des montres ultra précises. Donc quand on a des montres dans des champs gravitationnels intenses, on peut faire des tests de la relativité générale en regardant les pulsars, par exemple. » Hein, donc Jocelyn Bells qui va découvrir les premiers pulsars, je crois que c'est en 1967, elle racontait que peu après la publication de son article sur la découverte des pulsars, que je vous rappelle qu'au départ on les avait appelés des LGM, hein, des Little Green Men, parce qu'on ne pensait pas que c'était des objets. La pulsation de ces objets était tellement précise qu'on pensait que c'était des montres ou des signaux envoyés par des extraterrestres. Et elle aurait reçu une lettre de Stephen Hawking lui demandant si elle pensait qu'il existait certains de ces astres qui pourraient avoir des rayons plus petits que le rayon de Schwarzschild. Donc il y avait quelque part un intérêt de la communauté des théoriciens pour voir si des objets tels que ceux-là existaient. Donc on voit que là, il y a une ébullition qui commence à naître, on est dans les années 60, et puis la compréhension de ce que c'est que l'horizon, de ce que c'est que la singularité, ça va être complètement révolutionné par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Roger Penrose, qui était mathématicien. Alors, il m'a raconté l'histoire, et il la raconte aussi dans plusieurs de ses ouvrages, mais il était à Cambridge, et il suivait en plus, donc il faisait sa thèse en mathématiques, et il suivait des cours pour s'intéresser. Et à cette époque, il y avait Hermann Bondy qui donnait un cours de cosmologie, qu'il a été suivre, il s'est intéressé au sujet. Il a sympathisé avec Denis Sciamma, qui un jour l'amène à un séminaire de David Finkelstein, qui parle du problème, et ça commence à trotter dans la tête de Penrose, et en fait, il va trouver, avec les mathématiques qu'il connaît, une façon de décrire les espaces-temps avec des nouveaux outils mathématiques, et de comprendre, de donner une définition à ce que c'est qu'une singularité, à ce que c'est qu'un horizon, et d'ouvrir tous ces outils. Et ça va donner un nouveau champ de la relativité générale dans lequel on utilise des méthodes plus globales, on essaie de décrire les propriétés globales des espaces-temps. Et ça va donner la voie donc à toute cette école qui s'est développée autour de Cambridge dans les années fin des années 60-70, avec Stephen Hawking, George Ellis et des gens comme ça, et qui va donner aussi une sorte de renaissance théorique de la relativité. Donc vous voyez qu'il se passe déjà deux choses. le deuxième fil, en fait, la deuxième voie qui va permettre vraiment à la relativité générale d'émerger en tant que théorie acceptée et utilisée par une communauté, c'est la cosmologie. Et en fait, Einstein comprend très bien que les solutions, chaque solution de la théorie de la relativité générale est un univers, puisque c'est un espace-temps. Et donc, une des questions naturelles, c'est peut-on trouver une solution qui décrit notre univers, l'espace, la métrique, l'espace-temps décrivant notre univers. Et là, il va se rendre compte que c'est une solution très difficile à trouver, parce que pour la trouver, il faudrait être capable de connaître la disposition de toutes les étoiles. On est juste après 1915. Il fait ça en 1917. Donc, je vous l'ai dit, en 1917, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies. Donc, il est légitime de penser que tout l'univers, c'est notre galaxie. Bref, il faut faire quelque chose. Et donc, il va avoir une idée à la fois géniale et simple. C'est de se dire, je ne sais pas quelle est la distribution de matière, mais si je veux décrire la structure de l'espace-temps sur des échelles qui sont plus grandes, en gros, que la distance entre les étoiles, je vais remplacer toutes mes étoiles ponctuelles par une sorte de gaz d'étoiles. Et puis, donc, je vais avoir un fluide de densité et je vais supposer que la densité de ce fluide est constante. Donc voilà, première chose. Il avait cette idée que l'univers devait contenir une quantité de matière finie, parce qu'il ne voulait pas que ça aille jusqu'à l'infini. Et donc, il fallait qu'il trouve un espace à trois dimensions de volume fini. Et donc, une solution, c'est de prendre une sphère de dimension 3, parce que là, c'est un volume fini. Je te laisse expliquer la trois sphères. Donc, juste... Mais je crois qu'on en avait déjà parlé plein de fois, mais quand même, c'est un peu violent pour les gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir en dimension 4, si je peux me permettre. Les surfaces, si on n'est plus sur un plan, on est obligé d'être au moins en dimension 3 pour les voir. C'est-à-dire qu'une sphère, c'est un espace de dimension 2, mais qui est tordu dans la troisième dimension. Et la sphère, il se trouve que pour quelqu'un qui vivrait en dimension 2, c'est quelque chose qui est fini, parce que voilà, c'est une surface finie, mais qui n'a pas de bord, qui n'a pas de limite, qui est fermée. Et donc là, la 3 sphères, c'est l'équivalent, mais en dimension supérieure. C'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer, il faut pas mal d'imagination, mais d'une manière générale, pour faire des sciences, il faut pas mal d'imagination, qu'on prend un espace de dimension 3 et qu'on le tord dans une quatrième dimension, ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes, on vit dans un truc de dimension 4, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus de place que ça pour le tordre et qu'on se retrouve avec l'équivalent d'une sphère en dimension 3 et que donc, ça veut dire qu'on est dans un volume fini et pourtant, on rencontrera jamais de bord, ça va ? Voilà, donc vous pouvez marcher toujours droit devant vous. Et on finira par arriver dans notre dos, on finira par se gratter le dos. Mais le volume d'espace à l'intérieur est fini. Et puis surtout, donc ça c'est un espace fini et sans bord, il y en a plein. Et c'est une sphère, ça veut dire que la géométrie, si je calcule les distances entre des points, c'est plus donné par la géométrie euclidienne, mais par la géométrie sphérique. C'est-à-dire que la somme des angles d'un triangle est plus grande que 180 degrés. Donc on sait définir ce genre d'espace. Et c'est vraiment, comme tu disais, la généralisation avec une dimension de plus d'une sphère. Mais la sphère à deux dimensions, donc la surface d'un ballon, vue en oubliant qu'il existe un espace extérieur. Là, vous pouvez tourner autour. Il vous faut, si vous voulez la peindre, il vous faut une quantité de peinture finie. Donc l'espace est bien fini. Et si vous faites des triangles dessus, vous allez vous voir que vous n'avez pas la somme des triangles qui fait 180 degrés et ainsi de suite. Donc ça, c'est la sphère. Et c'est surtout un espace qui est homogène et isotrope. C'est-à-dire qu'il est partout pareil. Vous pouvez le tourner, il est toujours identique à lui-même quand vous le tournez et qu'il n'y a pas de point particulier dans cet espace-là. Contrairement à un cube, contrairement à une bouée ou des choses comme ça, où tous les points ne sont pas exactement la même chose, n'ont pas la même forme, quoi, disons. On peut se rendre compte en regardant attentivement à quel endroit on se trouve. Exactement. Donc là, il peut y avoir des courbures différentes dans différentes directions. Quand on est à l'intérieur de la bouée ou à l'extérieur de la bouée, on n'est pas du tout... Il y a un endroit où ça descend dans tous les sens et quand on est à l'intérieur de la bouée, non, ça remonte dans une des directions, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il va supposer que l'espace est une 3 sphères, parce que c'est un espace simple. Et puis, il va aussi supposer que l'espace, il est statique, il n'a pas raison de changer, puisque jamais personne n'avait imaginé un espace qui change. Hein. L'espace de Newton est statique. Einstein, aussi révolutionnaire soit-il, il y a un moment, il faut qu'il trouve l'espace, les propriétés de l'espace, il va prendre un espace statique. Donc, il met ses ingrédients dans ses équations et il se rend compte que ça, ce n'est pas possible parce que... il y a une incompatibilité si on met ces trois hypothèses et que pour lever cette hypothèse, donc pour avoir un espace qui est fini, rempli par un fluide homogène et qui est statique, il faut rajouter une nouvelle constante dans sa théorie. Et il se rend compte que cette constante, elle est tout à fait légitime. C'est un terme qu'il n'avait pas pris en compte, mais qu'on pouvait rajouter. Et ça changeait rien du tout de la construction et ça changeait rien du tout aux prédictions dans le système solaire. C'est ce qu'on va appeler la constante cosmologique. Et au prix de l'introduction de cette constante cosmologique, il trouve une solution. Très bien. Il publie son papier en 1917. Et puis, il y a personne d'autre qui fait de la cosmologie. Et on arrive dans les années 24-26. Cosmologie. Cosmologie. Donc, du mot cosmos. Ouais. Et du mot logos. Ouais. Cosmos. Donc, vous connaissez le mot cosmos ? Étude J'adore le mot cosmos. D'accord, vas-y, fais-le. J'adore le mot cosmos. Alors, le mot cosmos, c'est un mot grec, d'accord ? Cosmos. C'est un des plus beaux mots de la langue française, en fait, même s'il est grec. Parce que cosmos, ça a une histoire fondamentale. Donc, le premier qui a utilisé le mot cosmos pour décrire l'univers, c'est Pythagore. À l'époque, on pensait que le système solaire, que la Terre était au centre de l'univers, que l'univers était en gros le système solaire, et que tout ça, c'était dans une sphère sur laquelle il y avait les étoiles, ce qu'on appelle la voûte céleste. Et il a choisi le mot cosmos pour parler de la voûte céleste. Et le mot cosmos, en grec, c'est aussi le mot qui voulait dire ordre, donc qui s'oppose au chaos. Le chaos, c'est le cosmos. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a choisi le nom de la voûte céleste? Est-ce qu'il lui a donné ce mot-là? C'est en fait, la raison, c'est que ça a un autre sens que ordre. En grec, ça a le sens de parure, de bijou. C'est le mot qui décrivait les bijoux des femmes grecques. Et donc, en choisissant ce mot-là, il voulait vous montrer que quand vous exprimez le sentiment, que quand on regarde le ciel étoilé, on ressent le même sentiment que quand on regarde une belle femme avec ses bijoux et tout ça. Bon. Ça, c'est le deuxième sens de ce mot. J'en avais parlé avec une de mes amies qui est prof de grec à la Sorbonne. Donc, je parle, même si moi, je n'ai jamais pu eu la chance d'apprendre le grec. Et bon, maintenant, on sait que c'est normal de plus pouvoir apprendre le grec, puisqu'on n'a plus le droit. Mais à l'époque, on avait le droit, et moi, je ne l'ai pas fait, je suis bête. Je le regrette, d'ailleurs. Et elle m'a expliqué qu'il y avait un troisième sens au mot cosmos, que c'était la plus haute qualité d'une femme dans le monde grec. Je dis, non, c'est bon, ça aurait été le silence. Bon, ça en dit beaucoup sur les Grecs. Voilà, donc, bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a cette idée de beauté. Et c'est une boutade, c'est une histoire vraie, en plus, que j'ai racontée dans plein de conférences. C'est que on utilisait le mot cosmologie de ça depuis longtemps. Je n'avais pas réalisé la connexion entre les deux, ce qui est bien idiot. Mais un jour, j'allais à une conférence en Afrique du Sud, et puis je suis passé à la douane. On me demande pourquoi je viens. Je dis, je viens à une conférence de cosmologie. Et le douanier me dit, vous avez des échantillons. Et là, je me suis dit, de quoi il parle? Je dis, non, pas spécialement de ça. Puis après, dans le taxi, je me dis, cosmétique. Donc en fait, on comprend bien que la notion de beauté et la notion d'ordre, en fait, viennent du même mot, c'est la cosmologie et la cosmétique. D'accord ? Donc il ne faut pas confondre les cosmétologues et les cosmologues, comme il ne faut pas confondre les astrophysiciens et les astrologues ou les astronomes. Donc ça, c'est le mot cosmos. Donc la cosmologie, ça va être la science. Donc après, de cosmos, il y a plein de choses qui viennent. Il y a la cosmographie. C'est les gens qui s'intéressent à savoir où se trouvent les planètes, les étoiles, les galaxies, font la cosmographie. Il y a la cosmologie qui, en gros, veut savoir quelle est l'histoire de notre univers, construire l'histoire de l'univers. Il y aurait la cosmogénèse, donc quelle est l'origine de l'univers. Il y aurait la cosmo-thanatos, peut-être, je ne sais pas si ça existe là. Les gens aiment bien ça, par exemple, ils me disent, à la fin de l'univers, c'est quoi? Donc on fait de la cosmo-thanatologie. Bref, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc la cosmologie, c'est la science qui va s'intéresser à l'univers dans son ensemble et de donner une représentation scientifique de l'univers. Et en fait, on peut se rendre compte que même si c'est une science, quoi, si c'est une activité millénaire, elle ne devient une véritable activité scientifique qu'avec Einstein. Parce qu'avant Einstein, on ne pouvait pas parler de l'évolution de l'espace-temps lui-même, donc de l'univers lui-même. On parlait de l'évolution d'objets dans l'univers. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'évolution. Hein, parce que tout était statique. Les planètes, on les a fait bouger parce qu'on était bien obligés, mais on les a fait bouger sur des cercles ou sur des ellipses, c'est-à-dire qu'en gros, sur des trucs qui ne bougent pas. Donc on a triché, on a fait des choses qui bougent sans bouger, et rien ne devait changer. Donc il n'y avait pas d'histoire. Mais avec la relativité, là, on a la possibilité de savoir la structure, et Einstein, il décide que l'univers doit être statique, qu'il n'y a pas d'histoire, c'est toujours la même chose, et la galaxie, elle sera toujours la même chose, et que c'est fini, et voilà. Et il trouve une solution, et il est très content. Et en parallèle, il y a d'autres personnes qui vont se poser ce genre de questions. C'est un savant russe qui s'appelle Alexandre Friedman et un savant belge, le chanoine Georges Lemaître, qui vont essayer de trouver des solutions. Et eux, ils vont pas faire la même hypothèse qu'Einstein, parce qu'ils vont pas mettre cette fameuse constante cosmologique au départ. Et ils vont trouver que, il y a une solution, mais au prix que l'espace se dilate avec le temps. Alors, qui est complètement contre-intuitif. Alors, il y a toute une histoire que probablement Jean-Pierre Luminet vous a raconté mieux que moi, parce qu'il a beaucoup étudié les biographies de cette période. C'est que Ces articles ont été envoyés à Einstein. Einstein a dit que c'était faux. Ils ont convaincu Einstein que c'était correct. Et Einstein aurait dit, par soi disant, que peut-être les mathématiques sont que vos mathématiques sont bonnes, mais votre physique est hideuse. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne convient pas à mes principes, donc c'est faux. Donc vous voyez à quel point les principes, c'est bien, ça peut vous faire des percées, mais ça peut aussi vous bloquer. Et il est quand même assez intéressant de voir que le père de la relativité générale lui-même, le révolutionnaire en personne, est arrêté par une des solutions de sa théorie qui ne correspond pas à ses principes. D'accord. Et d'ailleurs, Einstein disait un truc sur les principes. Il disait que les principes, c'est ce qu'on utilise, qu'on n'a pas d'idées. Donc, les gens qui ont des principes, c'est des gens qui n'ont pas d'idées. Donc, ça vous expliquait bien, en fait, que son utilité du principe. Donc, voilà la situation. Et puis, il y a un petit groupe de gens qui vont commencer à faire de la cosmologie. Et le plus grand, en fait, dans cette création, ça va être Georges Lemaître. Il va étudier l'évolution de ces espaces qui sont homogènes et isotropes. Il va rajouter même la constante cosmologique d'Einstein. Il va montrer que ça, il y a plein de propriétés, de solutions dynamiques pour l'évolution de l'univers. Et puis, dans un de ses articles, il va même donner une conséquence observationnelle de l'expansion de l'univers. Il va dire, si vous regardez des objets lointains qui s'éloignent, qui sont au repos par rapport à nous dans un espace qui se dilate, eh bien, on va les voir s'éloigner de nous. Il va y avoir une sorte d'effet Doppler. Et donc, on doit voir qu'ils s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont loin de nous. Et ça, c'est un effet qui va être mesuré par Edwin Hubble. Il va découvrir l'existence d'autres galaxies dans les années en 24. En 27, il va être capable de mesurer leur distance, de mesurer leur vitesse. Et il va vérifier expérimentalement le fait que les galaxies s'éloignent de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié aujourd'hui avec une grande précision. Et donc, on voit qu'on a une prédiction, mais théorique, de la relativité générale qui est vérifiée expérimentalement. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va être révolutionnaire. Einstein lui-même va travailler avec De Sitter pour retrouver une des solutions de Lemaître, une des plus simples, qu'on va appeler l'espace d'Einstein-De Sitter. Mais quelque part, il va écrire cet article et ensuite, lui, il va se désintéresser de la cosmologie. Et donc, c'est d'autres personnes qui vont faire de la cosmologie. Et ça va être un champ assez particulier. Je vais reprendre les mots de mon collègue Jean Eisenstein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a dit, dans un de ses articles, la cosmologie, ça a été un espace de liberté pour penser la relativité générale. Parce qu'on parlait de l'univers dans son ensemble, on avait très peu d'observations, et donc on pouvait se permettre de trouver des solutions, d'explorer ces solutions, sans qu'on vous dise que ce n'est pas réaliste. Mais quelque part, sans faire que des mathématiques, en essayant de les relier à quelque chose, et donc finalement de venir avec des solutions possibles, des effets possibles, et peut-être des observations possibles à faire qui pourraient confirmer des prédictions de la relativité générale. Donc voilà, ça c'est un petit peu le rôle que va jouer la cosmologie dans l'évolution. D'accord, donc c'est bien plutôt que les trous noirs et... Alors c'est plutôt oui et non, c'est-à-dire que ça va être latent, mais pour l'instant... Là pour le coup, Einstein il en a vraiment connaissance, il a... Oui, mais là dans les années 20, Einstein il s'occupe plutôt de la mécanique quantique. D'accord. Il est dans sa théorie du champ unitaire où lui maintenant il veut essayer d'unifier relativité générale et électromagnétisme en une seule équation. Oui, il veut tout unifier. Ça, c'est la théorie du champ unitaire. Il va travailler des années là-dessus. Il y a toute l'interprétation de la mécanique quantique. Il est en désaccord avec l'école de Copenhague. Et donc, c'est une période où finalement, il se désintéresse un peu de ce qu'il fait, de ce qui se passe autour de la relativité générale. Et surtout, il se désintéresse de la cosmologie. Et donc, on va arriver avec ces idées. Et jusque dans les années 40, je vais dire, la cosmologie, c'est une activité de relativiste. Et il va se passer quand même encore sous l'impulsion de Georges Lemaître, en fait, cette idée que il va arriver à comprendre que si l'espace se dilate et qu'on revoit en arrière, ça veut dire que l'espace est de plus en plus dense, en fait, quand on revient dans le passé. Et il arrive à cette idée de l'atome primordial, parce qu'il avait entendu les théories sur la mécanique quantique. Et c'est-à-dire, finalement, tout l'univers pourrait devenir d'une sorte d'explosion d'un atome primordial. Donc, il essaye un petit peu de conceptualiser ça. Et là, ça va avoir une conséquence très, très belle. Donc, ça va donner naissance à ce qu'on va appeler aujourd'hui les théories du Big Bang. Il faut rappeler que ça, c'est un mot qui n'a pas été choisi par lui, qui a été choisi par Fred Hoyle, je crois que c'est en 57 peut-être, j'avais la date quelque part. Bref, dans une émission de la BBC où il y avait un débat entre Hoyle et Lemaître, et Hoyle, pour se moquer des théories d'univers en évolution de Lemaître, lui a dit « votre théorie du Big Bang », et puis c'est un mot qui a fait fureur. Et donc, il va comprendre ça, et le pape lui-même, c'est Pie XII je crois, va entendre parler de ça, il va dire que il va faire une allocution en disant que la théorie de la cosmologie, les théories scientifiques de la cosmologie confirment le récit de la Genèse. Et là, c'est là où je vous parlais tout à l'heure un peu du rôle du scientifique. C'est extraordinaire ce que le maître va faire, parce que le maître va, donc qui est, je vous rappelle, il est chanoine, donc c'est aussi un ecclésiastique, c'est un scientifique, un ecclésiastiste. Il va prendre contact avec les conseillers du pape. Il va aller voir le pape, il va le convaincre que c'est une très mauvaise idée de faire cette affirmation, parce que il lui explique, il dit bah ça c'est mon extrapolation, peut-être que ça va être autre chose, peut-être que on va voir l'origine de l'univers va être, cette idée va être infirmée par des théories scientifiques, et vous seriez dans une bien mauvaise position si vous aviez affirmé que c'était la même chose que la Genèse. Et il dit je vous suggère de ne plus jamais voilà, de ne pas parler de ça. Et en fait le pape ne va plus jamais parler en fait de Big Bang et de cosmologie après le maître. Donc le maître a réussi à convaincre le pape, et donc c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'il convainc à la fois Einstein qu'il a tort, et il convainc le pape qu'il a tort. Vous voyez, c'est quand même un truc, il faut le faire, mais il a tort, et l'argument de le maître est très fort, parce qu'il convainc le pape, il dit, il lui explique que les deux champs ne parlent pas de la même chose. D'accord, la théorie scientifique n'est pas là pour valider une croyance, elle est là pour dire ce que la nature est, et donc la théorie scientifique, si elle est validée par l'expérience, va donner des contraintes en fait sur toute métaphysique, philosophie, croyance que l'on peut avoir, d'accord, des sortes de contraintes passives. Si c'est en accord avec les croyances, tant mieux, ça peut être un hasard. Si ça l'est pas, bah en fait peut-être que les croyances, ben c'est pas ça. Et donc ça, il a très bien compris le rôle du scientifique par rapport au rôle des gens qui ont des dogmes ou des philosophies. Et donc de ce rôle finalement de neutralité, je peux arriver à m'intéresser à des idées théoriques parce que moi-même j'ai des principes philosophiques comme le faisait Einstein, mais à la fin le produit que j'en sors est une théorie scientifique qui n'a pas de contenu scientifique, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait parti avec une autre intuition mais qui aurait suivi la bonne voie expérimentale, méthodologique, serait arrivé à la même conclusion. Et d'ailleurs les articles que l'on publie, des articles scientifiques, on ne dit pas ce qu'on pense, on dit ce qu'on a, les hypothèses qu'on a faites, on dit ce si ces hypothèses sont fécondes ou pas, si elles sont en accord avec des expériences ou pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, ce qu'on en extrapole en termes métaphysiques, c'est une autre histoire. Et donc, il a bien compris le rôle du scientifique dans la société. C'est assez fabuleux. Et c'est pour ça que c'est un... Donc là, il y a des photos sur Internet, vous trouvez Einstein et le maître, on imagine, parce que quand même, Einstein a aussi beaucoup écrit sur le rôle du scientifique dans la société, de son implication, surtout avec autour de l'histoire du nucléaire et de la bombe atomique. Donc on imagine que c'est quand même deux gens qui ont une intense compréhension du rôle du scientifique dans leur monde, du monde de leur temps. Et ça, je pense que c'est des débats qui auraient dû être assez intéressants d'assister à ça. Donc voilà, la cosmologie jusque dans la fin des années 40, ça va être une activité théorique de géomètres qui vont trouver des solutions. Il y a juste la loi de Hubble. Et alors là, ça va être une sorte d'effet avalanche, parce qu'il va y avoir plusieurs révolutions. Alors c'est des petites révolutions, c'est pas des grandes révolutions conceptuelles, mais façon de penser la cosmologie. La première, c'est qu'on va se rendre compte, et c'est principalement Georges Gamow, dont on parlait tout à l'heure, qui a écrit Monsieur Tompkins, qui était avant tout un physicien. C'est moi qui dis ça ? Ouais. Putain, je dis des conneries. Alors... Donc une façon de penser le modèle cosmologique. Georges Lemaître, c'est un spécialiste de physique nucléaire. Il va se rendre compte que l'univers se dilate. Si vous êtes dans un univers qui se dilate, la densité de la matière va diminuer. Si vous avez de la radiation, cette radiation va se refroidir. Et donc il comprend que si on revient en arrière, l'univers devait être chaud, devait être dense. Et il se dit, il se refroidit. Et comme quelque chose qui se refroidit, il peut y avoir des changements de phase, il peut y avoir une histoire thermique de l'univers. Et donc, il peut y avoir des phénomènes qui sont à l'œuvre à haute énergie, qui ne sont plus à basse énergie. Et donc, il a cette idée que l'univers a une histoire, ce qu'on appelle l'histoire thermique. Et puis, il va en donner deux manifestations. La première, c'est de se dire, quand je suis à des énergies qui sont très, très hautes, l'énergie de la radiation dans notre univers, donc de la lumière dans notre univers, est suffisamment forte pour casser les noyaux atomiques eux-mêmes. Donc, en fait, si je remonte avant ça, il n'y a pas de noyaux atomiques. Il existe peut-être que des neutrons et des protons. Et donc, il faut comprendre comment les noyaux légers, le deutérium, l'hélium, le lithium, le béryllium, se forment à partir de ces neutrons et protons dans un univers qui se refroidit. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et on a été capable, en écrivant les équations de la physique nucléaire qui, elles, sont testées en accélérateur et donc qui sont finalement très bien connues d'un point de vue de la microphysique, dans cet environnement-là, et on arrive à prédire l'amplitude de la quantité de deutérium, d'hélium qui sont produits dans l'univers, et de façon très très robuste. Donc ça, c'est une prédiction, on peut les mesurer, on voit que ça marche. La deuxième chose, il va se dire, mais en fait, l'univers, il était, donc on avait ces noyaux, l'univers était encore trop chaud pour que ces noyaux puissent s'apparier avec des électrons, donc la matière était sous une forme ionisée, donc des noyaux chargés positivement et des électrons. Et ce qu'on savait, c'est que la lumière interagit fortement avec de la matière ionisée, mais dit, ça se dilate, ça se refroidit. Il y a un moment où les noyaux, qui sont principalement de l'hydrogène et l'hélium, vont s'apparier avec les électrons. Donc je vais avoir un gaz neutre. Et on sait que la lumière n'interagit que très peu avec la matière neutre. Et donc, au moment où ça se passe, l'univers devient de plasma à neutre et il passe d'opaque à transparent pour la lumière. Donc si je regarde, il y a un moment, je dois voir ce moment où l'univers devient transparent. Et donc il doit y avoir une image électromagnétique la plus vieille observable. Et ça, donc les gens l'ont recherché. Il a essayé de la caractériser, il s'est rendu compte. Alors lui, il avait estimé que c'était un rayonnement qui devait être un rayonnement de corps noir, donc c'est-à-dire un rayonnement thermique à l'équilibre avec une température de 5 Kelvin. Donc je ne sais pas combien de degrés ça fait, moins 268 degrés Celsius. C'est ça ? Je fais pas de bêtises là. Si je fais, c'est parce qu'il est tard et que je suis fatigué. Et que même si on connaît la géométrie différentielle, on peut se tromper dans les soustractions. Alors, bref, c'est très froid, 5 degrés. C'est presque le zéro absolu. Hein. C'est 5 degrés au-dessus du zéro absolu. Et donc, il prédit l'existence avec Alfern et comment il s'appelle c'est ABC. Bon, bref. Excusez-moi. On va retrouver ça. Bref, ils prédisent, ils arrivent à estimer la température, et donc il y a des gens qui vont découvrir ce rayonnement. C'est en 1967, c'est un peu une découverte fortuite, hein, c'est Penzias et Wilson, qui le trouvent dans les 3 degrés Kelvin, et aujourd'hui, donc ensuite, suite à ça, il va y avoir une entreprise, une aventure scientifique extraordinaire, où on va commencer à déjà le détecter de façon plus précise, vérifier que c'est bien un corps noir, mesurer sa température, essayer d'en faire des cartes du ciel, se rendre compte qu'il n'est pas exactement homogène, qu'il y a des petites fluctuations de température de 10-5, donc 1 cent millionième par rapport à la température moyenne. Et ça, c'est des expériences dont vous avez sûrement entendu parler. Le satellite Planck récemment, le satellite américain WMAP il y a quelques années, c'était en 2003, et puis avant lui, le satellite Kobe. Donc on a une aventure qui a été de cartographier ce fond diffus, donc il existe. Donc la prédiction de Gamow était correcte, la température, elle est tout à fait en accord avec ce qu'avait prévu Gamow. Donc on voit qu'on a un deuxième pilier, et donc ça prouve que l'univers, il émerge d'un état qui est dense, chaud, à l'équilibre thermodynamique, et qui va se structurer sous l'effet au cours d'un refroidissement dans un espace-temps qui est en expansion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ces petites fluctuations de température. Et en fait, vous savez, s'il y a une relation entre la température et la densité d'un gaz, donc plus un gaz est chaud, plus il est dense, en fait. Et donc, les petites fluctuations de température qu'on voyait, en fait, caractérisent des petites fluctuations de la densité du plasma au moment où cette lumière est émise. Et donc là, la gravité va être à l'œuvre. Si j'ai des zones un peu surdenses et des zones un peu sous-denses, les zones un peu surdenses, elles vont tendance à attirer un peu plus la matière qui est autour. Donc les zones surdenses vont se densifier, les zones sous-denses vont se vider. Et on comprend que ce qui va se passer, c'est que ces petites fluctuations de densité qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 5, donc 1 cent millième, vont croître avec le temps et qu'elles vont réussir à agglomérer suffisamment de matière pour former des galaxies et pour former des grandes structures dans l'univers. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que là, des répartitions des galaxies en filaments avec des grands vides en amas de galaxies, tout ça vient de la structuration de la matière au cours de son évolution. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à calculer d'un point de vue théorique dans certains régimes. On fait aussi des simulations numériques. Vous avez vu des très belles images. Et donc, on voit, et tout ça, c'est relativiste, c'est-à-dire que c'est les équations de la relativité générale qui décrivent à la fois l'évolution de l'espace-temps et l'évolution des inhomogénéités de matière dans l'espace-temps. Donc en moyenne, sur des grandes distances, l'univers est homogène, et c'est l'univers de Friedmann et Lemaître. Et puis on a ces petites fluctuations de matière qui vont former des structures, et ça c'est la théorie des perturbations. Donc on arrive à comprendre qu'il n'est homogène et isotrope que en moyenne. Et donc, vous voyez, on arrive à une image cohérente, un peu perturbative. On part d'une image qui est très simple, très symétrique, et on arrive à la complexifier en faisant cette théorie des perturbations. C'est un peu comme si on voulait décrire la forme de la Terre. Eh bien, en première approximation, on dit la Terre est une sphère. Après, on comprend qu'elle est aplatie au pôle. On dit c'est un ellipsoïde. Et puis après, on comprend qu'il y a plein de choses et on dit c'est un géoïde. Mais ce sont des déformations qui restent petites par rapport à la forme générale de la sphère. Donc, la géométrie générale, c'est cette forme d'espace-temps de Friedmann et Lemaître trouvée dans les années 20, sur lequel il faut rajouter plein de petites structures qui décrivent les inhomogénéités de la distribution de matière. Je croyais qu'on connaissait toujours pas la forme de l'univers, moi. Alors, la forme. Donc, quand je dis la forme, je parle de la géométrie locale. Et donc, tu réfères à la géométrie globale. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans. Non. Voilà. Le but, c'était la relativité générale. Voilà. Je crois que là, ça fait combien de temps que tu parles sans t'arrêter, là ? Je ne sais pas. Je pense que... C'est ça, voilà. Donc, vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Moi, c'est le milieu de l'après-midi, hein, donc je vais peut-être aller prendre un café c'est un moment. Toi, c'est le milieu de l'après-midi, donc c'est 11h. Je pense que la chatroom doit commencer à se vider, parce que même si les gens doivent trouver ça passionnant, ils doivent trouver que ça commence à être un peu long. Bon, mais je pense qu'on peut presque s'arrêter là si vous voulez, parce qu'après, on a vu comment les choses se sont mises en œuvre. Maintenant, si vous voulez, on peut dire quelques mots sur la vitalité de ce domaine et puis là où on en est en termes de vérification expérimentale. Et je pense que, et puis peut-être laisser en question pour quelqu'un d'autre que vous inviterez plus tard de savoir, et après la gravitation. Parce que finalement, je pense que c'est ça la question, c'est comment, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin et pourquoi ? Et ça, tu veux pas revenir, toi ? Bon, on verra. Attends, on finit déjà ce soir. On prend des vacances, okay. Et puis après, on en discute. Ouais, et puis on voit ce que les gens disent. S'ils disent, oh, il est chiant. Putain. Ouais, c'est vrai. On revient pas. Je pense que ça va être évidemment la réaction. Il est sympa. Général. On verra. Attends, écoute, donc, je t'écoute depuis 2h30 parler de physique. Donc, je crois quand même qu'il y a un truc. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. Bon, merci. Parce que Johan, c'est pas une preuve. Lui, c'est son domaine. Donc, lui, il était convaincu avant, quoi. Alors, moi, du coup, j'avais des questions. Parce que j'avoue que j'ai un peu cherché aussi sur ce que tu faisais. Et du coup, j'ai vu que tu bossais donc sur la remise en cause. Donc, ce que tu voulais avant de venir, tu avais parlé de la remise en cause au niveau, enfin de la preuve des principes de base, des preuves expérimentales. On a déjà parlé de microscope, donc pour tester l'équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Est-ce que les autres axiomes peuvent être remis en cause aussi ? Donc tu disais que le principe d'équivalence entre masse gravitationnelle et masse inertielle serait peut-être remis en cause à des échelles de 10-15. Est-ce qu'il y en est de même pour le principe copernicien, c'est-à-dire celui où tu regardes d'homogénéité de l'espace à grande échelle ? Alors déjà, il faut voir que c'est des hypothèses qui ne sont pas sur le même plan. Le principe d'équivalence, c'est une hypothèse qui va nous permettre d'arriver à la théorie de la relativité générale. Le principe copernicien, c'est un principe qui nous permet de trouver une solution particulière des équations de la relativité générale. Donc même s'il n'est pas valide, ça ne dit rien sur la relativité générale, ça peut dire à la rigueur quelque chose sur notre modèle cosmologique. Parce que le grand problème, les gens se sont rendus compte, c'est une hypothèse de dire que la matière est distribuée de façon homogène et isotrope en moyenne. Le problème, c'est comment on fait pour prouver ça ? Parce que nous n'observons l'univers que depuis un point de l'espace et du temps. Donc il a fallu se poser les questions de savoir est-ce que c'était testable. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que sur lequel j'avais réfléchi. Et en fait, avec mes amis là de l'Université du Cap, là, de George Ellis et Chris Clarkson, on a été les premiers à proposer un test possible pour voir si on pouvait tester, du moins sur la taille de l'univers observable, cette hypothèse d'homogénéité et d'isotropie. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut tester. Et puis on peut aussi, surtout, je pense qu'il est plus intéressant encore, c'est de se dire, est-ce que maintenant, on peut utiliser les observations astrophysiques des grandes structures pour tester la relativité générale elle-même, donc les fameuses équations d'Einstein. Et ça, il y a deux façons de faire. La première, c'est de se dire, en fait, la matière est structurée par la gravitation. La distribution des galaxies, c'est la structuration sous l'effet de la gravitation. Et donc, on peut se dire, est-ce que ça nous dit quelque chose sur une déviation possible par rapport à la relativité générale ? Et ça encore, c'est un test dont j'avais eu l'idée avec mon collègue Francis Bernardo, qui était à l'époque au commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA à Saclay. C'était de dire, on pourrait généraliser ce qu'a fait Eddington. C'est que quand on voit les galaxies, on voit les galaxies, donc on a une idée de la distribution de matière, mais on voit aussi... cette lumière, elle se propage dans un espace-temps qui est un petit peu perturbé, et donc il y a des effets des inhomogénéités du champ de gravitation qui vont affecter leur forme. Donc on pourrait généraliser ce qu'avait fait Eddington, et on avait proposé l'idée d'un test en utilisant les effets de l'antigravitationnel. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est un test qui va être mis en œuvre probablement d'ici 5 ou 6 ans, parce qu'on a un satellite qui s'appelle le satellite Euclide, qui va être lancé en 2019 ou 2020, et qui doit tester ces effets de l'antigravitationnel, donc la distorsion des formes des galaxies. Et avec ces observations-là, normalement, on va pouvoir tester si, aux très grandes échelles et dans des régimes de champs très faibles, et à très grande distance, la relativité générale est encore valide. Donc on va étendre le domaine de validité de la relativité générale, et on a d'autres raisons pour faire ça, et que je vous en parlerai juste à la fin pour vous dire quelles sont les questions ouvertes et qui nous posent souci. Donc ça, on voit que la cosmologie nous a offert des façons de tester la relativité générale encore plus. Et je peux dire un mot, parce que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé 15 ans aussi, c'est de se dire, tester le principe d'équivalence, c'est regarder comment des objets tombent de la même façon dans un champ de gravitation. C'est facile à faire sur Terre ou dans le système solaire, mais si je veux savoir si c'était le cas il y a 10 milliards d'années, c'est plus difficile. Et alors là, je vous explique pas, je vous le dis, et si vous êtes intéressé, j'ai des conférences sur internet où je reviens. C'est, on peut se poser la question de savoir est-ce que les constantes de la nature changent avec le temps, et on peut prouver donc que le fait que les constantes de la nature restent constantes au cours du temps est une façon de tester le principe d'équivalence d'Einstein. Donc bien sûr, vous me croyez sur parole et je ne l'explique pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est faisable, et que ça aussi, ça a été une voie de recherche qui a explosé depuis 10 ans, pour une raison un peu idiote, c'est qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'il y avait certaines constantes qui étaient plus faibles dans le passé qu'aujourd'hui, mais en fait, ça a motivé pas mal de gens à se poser la question de savoir si on pouvait tester le principe d'équivalence, donc l'universalité de la chute libre, dans l'univers très primordial. En fait, aujourd'hui, on a des contraintes, et on montre que ce n'est pas simplement dans le système solaire, on a des contraintes très très bonnes sur toute l'histoire de l'univers. Donc, ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis les 15 dernières années, si ça vous intéresse. Mais ça veut, c'est un truc sur les constantes, il faut savoir ce que c'est qu'une constante. Et tout ça. Bon, bref, c'est un truc très beau. Donc la cosmologie nous a offert beaucoup de voies, et on voit que les deux champs d'application de la relativité générale, c'est finalement c'est l'astrophysique relativiste, l'étude des astres compacts, et c'est la cosmologie. Et qu'aujourd'hui, ça, c'est des champs où il y a beaucoup d'observations, il y a des investigations. Et du côté des expériences, dans le système solaire, bah, tout va bien. Il n'y a aucune raison de douter de la relativité générale. Et donc maintenant, à quoi est-ce que les gens s'attellent ? Eh bien, c'est de tester une des prédictions de la relativité générale qui est... suivant la façon dont on la pose, elle est testée déjà ou pas testée. Mais c'est savoir si les ondes gravitationnelles existent. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a le champ électromagnétique et les ondes de champ électromagnétique, c'est la lumière. Donc si j'ai un champ, les ondes de gravitation vont être un type d'onde, et ce sont des ondes gravitationnelles, et on devrait savoir si elles existent. Et donc ça, c'est des choses qui sortent de la théorie elle-même, et il faut savoir est-ce qu'on peut les mettre en évidence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce qu'on produit des ondes gravitationnelles. Et en fait, les ondes gravitationnelles... Alors déjà... Les ondes lumineuses, pour ceux qui ont étudié l'électromagnétisme, peut-être, disons, au moins en classe de prépa, ils vont savoir que des ondes électromagnétiques sont rayonnées par un dipôle oscillant. Un dipôle qui oscille, une petite antenne qui oscille, ça produit des ondes électromagnétiques. Et donc un dipôle, c'est une anisotropie en fait, de distribution. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un dipôle ? Un monopôle, c'est comme ça, et puis un dipôle, c'est comme ça. Non, bah ouais, voilà, bah c'est comme ça, c'est donc comme c'est, ça. Donc je connais pas les harmoniques sphériques. Top. Oh là là, c'est les maths. Bon bref, c'est anisotrope. Non, là, t'as énormément de gros mots à la suite là. Je, quoi qu'il en soit. Avec la chaleur et tout et 2h30 de physique, attends déjà. C'est compliqué. C'est énorme. Bon quoi qu'il en soit, on s'est posé la question de savoir. Un dipôle, c'est un aimant. Un aimant, c'est un di... c'est un, c'est un... Ouais, alors. C'est... Non, on va bon, oublier bref, l'idée. On va pas rentrer. C'est pas. Bon bref, non. Oui et non. Je ne vais pas rentrer dans... Parce qu'on va dire des choses fausses, après ça va être répété. Quoi qu'il en soit, c'est une forme de déformation du mouvement. Et là, pour la matière, on peut se poser quel type de changement de la forme d'un objet crée des ondes gravitationnelles. Et on voit que ce n'est pas un dipôle, c'est un quadrupôle, donc ça a deux directions finalement. Et une forme de quadrupôle, bah, en fait, quand c'est deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, donc deux étoiles... Par exemple, deux étoiles de même masse qui orbitent l'une autour de l'autre, donc qui ont un mouvement comme ça, circulaire, eh bien, elles vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc, elles vont rayonner de l'énergie. Donc, si elles rayonnent de l'énergie, elles perdent de l'énergie. Si elles perdent de l'énergie, ça veut dire qu'elles vont se mettre à se rapprocher l'une de l'autre. Et d'après Kepler, elles vont se mettre à tourner de plus en plus vite l'une de l'autre. Et plus elles tournent vite, plus elles émettent d'ondes gravitationnelles. Donc on voit que dans les systèmes binaires d'étoiles, leur fin de vie, en fait, c'est de se rapprocher l'une de l'autre et d'émettre des champs de, des ondes gravitationnelles. Donc ça veut dire qu'on doit voir la période orbitale augmenter avec le temps. C'est la période, donc la période orbitale. Diminue avec le temps. Et ça, c'est des choses qu'on a vues. Donc, on a trouvé des systèmes de pulsars binaires. Donc, des pulsars, c'est ces fameuses étoiles à neutrons qui tournent très, très vite sur eux-mêmes et qui sont comme des horloges ultra précises, qui sont dans des systèmes binaires. Donc, comme on a des horloges ultra précises, on peut arriver avec à mesurer la variation de la période sur des grandes échelles de temps. Et ça a été mesuré. Et ça a été fait en particulier par deux Américains, Taylor et Hulse. Ils ont une courbe. Donc là, je te montre la courbe. Quand tu dis aux gens que c'est vrai. Ça, c'est la prédiction théorique. Et ça, c'est les points d'observation. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ça marche super bien. Voilà. Donc, vous tapez Taylor et Hulse. Bon, en gros, c'est super pas impressionnant. Donc, c'est une courbe avec plein de points dessus. De 75 à 2005, il y a des points. Ce qui est impressionnant, c'est de savoir que la courbe est théorique et que les points, c'est pratique. Voilà. C'est pas et un ça marche fit, super bien. C'est pas un fit, c'est vraiment voilà, la courbe théorique. La seule chose qu'il fallait connaître, c'est la masse des deux objets. Une fois qu'on a la masse des objets, on a l'excentricité du système, on a toute la courbe. Et en fait, bon, ces gens-là ont eu le prix Nobel, je crois que c'est en 1990. Est-ce que je ne dis pas de bêtises ? 1993 peut-être, ou 94 pour cette observation-là. Et donc, le fait qu'on voit cette période orbitale comme ça évoluer, et qui est compatible avec le rayonnement gravitationnel, ça prouve qu'il y a du rayonnement gravitationnel. Donc ça prouve que cet objet-là perd de l'énergie, et il n'y a pas de frottement, hein, dans l'espace, il n'y a rien sur quoi frotter, donc la seule façon de perdre de l'énergie, c'est la perte d'énergie gravitationnelle. Donc il rayonne des ondes gravitationnelles, et la question c'est, est-ce qu'on peut détecter ces ondes gravitationnelles sur Terre aujourd'hui ? Et là, pour l'instant, on n'a toujours pas détecté ces ondes gravitationnelles, on a plusieurs détecteurs, donc il y a des détecteurs sur Terre qui sont des grands interféromètres, on a Virgo en Italie, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aujourd'hui lancer un tel satellite, alors c'est un ensemble de 3 satellites qui sont reliés par des faisceaux laser, et on veut voir comment la distance entre les 3 satellites change, et est-ce qu'elle serait affectée par le passage d'une onde gravitationnelle. C'est ce qu'on appelle le projet LISA, et on va lancer un premier projet, un pré-projet sur LISA qui s'appelle LISA Pathfinder, et ça va être lancé, je crois, à l'automne 2015, donc c'est cette année. Et les détecteurs Virgo et LIGO, qui sont les détecteurs terrestres, c'est aussi des détecteurs qui fonctionnent déjà depuis plusieurs années, mais là ils sont en train d'abaisser leur niveau de sensibilité et ils vont être remis en marche, donc pour une nouvelle série d'expériences, là aussi, fin 2015, début 2016. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des découvertes d'ondes gravitationnelles dans l'année qui vienne. Donc on voit que c'est une prédiction et qu'on a tout mis en œuvre pour aller voir ces observations, pour les mettre en évidence. Et ça va nous faire rallonger, mais bon, est-ce que c'est possible que ça n'existe pas, les ondes gravitationnelles ? Ah, alors si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, c'est toujours possible que ça n'existe pas. Mais si ça n'existe pas, ça veut dire vraiment de revoir de fond en comble la théorie, parce que la théorie, pour l'instant, elle est tout à fait cohérente. Et dans cette théorie, elle prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Donc si vraiment on arrive à prouver qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment de fondamental à revoir sur la structure de la théorie, mais d'une façon telle que la nouvelle théorie doive expliquer le reste tout en n'ayant pas d'ondes gravitationnelles. Donc ça veut dire que là, pour moi, c'est pas une option. C'est pas une option. Donc moi, je prends pas souvent de paris, mais je pense que les ondes gravitationnelles, c'est un truc qu'on détectera. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que ça, mais les ondes gravitationnelles, c'est des choses qui, à mon avis, vont être détectées. La question, c'est il faut savoir, on a des détecteurs, il faut qu'ils aient une sensitivité suffisante. Et il faut aussi que le nombre d'événements soit suffisant. Et aujourd'hui, les estimations, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a un événement tous les 10 ans ou 10 événements par an. Donc en fait, parce que ça vient de l'astrophysique, du nombre de systèmes binaires, de leur distribution en masse et ainsi de suite, de leur distribution dans la galaxie, de leur distance, parce que plus c'est loin, plus le signal va être faible. Et donc en fait, toutes les incertitudes sur le nombre de signaux, sur le nombre d'événements et l'amplitude du signal, ce sont principalement des incertitudes astrophysiques. Donc si on n'en voit pas maintenant, on ne va pas dire qu'elles n'existent pas. On va dire que, bon ben voilà, on ne connaît pas suffisamment la répartition des systèmes binaires et tout ça. Donc, non, mais c'était pour ça que je posais la question. Non, mais on avait l'impression que c'était quasiment impossible qu'elles n'existent pas. Quoi. Tout à fait, mais c'est une question légitime. Bien sûr, il faut garder ça en point de mire. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, je pense qu'il faudra vraiment avoir énormément compris l'astrophysique pour être sûr que ce n'est pas le taux d'événement qui est trop trop faible, la sensibilité de nos instruments qui n'est pas suffisamment bonne. Donc voilà, on en est là. Oui, vas-y. Pardon, oui, donc parce que là, tu disais que c'était quelque chose d'assez peu probable selon toi. Est-ce qu'il y a des vrais problèmes de là ? Est-ce qu'il y a des avances du périhélie de la relativité générale ? Des avances du périhélie. L'équivalent qu'était l'avance du périhélie Mercure pour la mécanique newtonienne, est-ce qu'il y a la même chose pour la relativité générale? Voilà, des choses qu'on ne s'explique pas. Donc on a des problèmes. Des limites, donc, des problèmes. On a des problèmes. D'accord. Donc le premier problème, donc, c'est l'existence de singularité, parce que là, on prenait ce trou noir. Donc on dit, si j'arrive à une distance de plus en plus petite, j'arrive à une singularité, donc un endroit où l'espace-temps n'existe plus. D'accord. Mais. Le problème, c'est que quand on descend à ces petites échelles, on se rend compte qu'il va y avoir à l'œuvre d'autres phénomènes qui sont des théories de la nature que l'on connaît dans le monde microscopique, qui sont les théories de la mécanique quantique. Sans rentrer dans la mécanique quantique, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas localiser un objet à une position infiniment précise de façon complètement certaine. D'accord, il y a le principe d'incertitude qui vous dit qu'on peut localiser, déterminer la position d'un objet à une certaine précision et qu'il s'en déduit une certaine précision sur son état de mouvement. Et on ne peut pas descendre dans toute cette évolution, c'est la nature quantique, il y a une sorte de flou qui apparaît. Si je dis qu'il y a une singularité à un endroit, déjà on voit qu'il y a un problème. D'accord ? Parce qu'elle est où cette singularité ? Donc on se rend compte aussi qu'il y a un moment où on va calculer les effets quantiques et on va calculer les effets gravitationnels. On va se rendre compte que c'est des effets qui vont devenir du même ordre de grandeur. Et on caractérise ça, on a deux phénomènes physiques, on dit qu'ils sont du même ordre de grandeur. Ça définit une échelle d'énergie ou une échelle de distance, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. C'est l'échelle à laquelle les phénomènes quantiques deviennent du même ordre de grandeur que les effets de la relativité générale. Et le problème, c'est que comme c'est la matière qui est la source du champ gravitationnel, donc vous avez des équations qui sont quelque chose à gauche égale quelque chose à droite. Si le quelque chose à droite est de nature quantique et que vous avez mis un signe égal entre les deux, ça veut dire que le quelque chose à gauche qui est la géométrie doit aussi être quelque chose de quantique. Quelque part, c'est très grossier ce que je dis, mais il doit y avoir une cohérence entre les outils mathématiques qu'on utilise à droite et à gauche de mon équation. On ne peut pas dire torchon égale serviette et c'est un peu le cas. Et donc on voit que d'un point de vue strictement théorique, donc à la Einstein des années 1900 et quelques, eh bien rendre cohérent la mécanique quantique et la description de la relativité générale qui n'est qu'une théorie classique, ça c'est quelque chose qu'il y a à faire. Donc ça c'est des choses que les gens ont compris très très tôt. Dans les années 70, on a commencé à s'intéresser à ces phénomènes-là. Donc ça c'est la première chose, c'est une cohérence théorique. Et puis après, il y a des observations qui nous embêtent. Et l'observation qui nous embête le plus aujourd'hui en astrophysique et en cosmologie, c'est le fait que si on regarde le taux d'expansion de l'univers, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'expansion de l'univers est en train d'accélérer. Et donc, on peut se poser, et si les équations de la relativité générale sont correctes, quelle est la nature de la matière qui fait que c'est accéléré ? Et on se rend compte que c'est une matière qui doit être une sorte de fluide avec une pression négative. D'accord ? Bon, faut l'admettre, c'est juste ça, c'est un résultat théorique. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'il existe de la matière avec une pression négative, et donc on n'en trouve pas. Et les gens qui ont étudié ces effets quantiques... Attends, concrètement, une pression négative, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire que oui, c'est en expansion. Ouais, donc après, il ne faut pas essayer d'avoir d'intuition newtonienne non, de la chose. Surtout c'est pas. Mauvais, ça. D'accord, ça, j'aime pas. Il y a pas des gens qui essayent, mais moi, j'aime pas. D'accord. Oui, j'ai entendu souvent décrire ce truc-là par des masses négatives ou ce genre de choses. Non, pas de masse. C'est la pression. Ouais. L'énergie est positive et c'est la pression qui est négative. Bon, donc on ne cherche pas à comprendre. C'est juste un truc. On ne cherche pas à comprendre, d'accord. Mais de façon effective, un fluide qui aurait une équation d'état qui est la pression égale moins la densité d'énergie, simplement ça, cette équation d'état-là, eh bien, ne serait pas dilué, donc ça resterait constant cette densité d'énergie, d'accord, d'après les équations de la relativité, donc ça serait une constante. Et en fait, c'est exactement la constante que Einstein avait mis dans sa théorie, la fameuse constante cosmologique, au départ en 1917. Donc elle réapparaît comme ça, c'est la première étape. Et le point qui embête tout le monde, c'est que les gens se sont dit, mais attendez, la mécanique quantique, on a travaillé dessus, on se rend compte que le vide quantique, c'est pas rien du tout, il y a les fluctuations quantiques, le vide quantique a une énergie. Alors qu'en mécanique classique, on ne mesure que des différences d'énergie, comme en relativité générale, toute matière, toute énergie courbe l'espace-temps, le point zéro de l'énergie est important. D'accord ? Puisque toute énergie va agir sur l'espace-temps. Et on se rend compte, dans les années 30, je crois que c'est Paoli qui se rend compte de ça, que s'il prend la théorie quantique telle qu'on la connaît en 1930, eh bien ce terme-là est tellement important que l'univers, en fait, il doit... si on a supposé un univers à l'Einstein statique, il ne peut pas dépasser la trois sphères de rayon 30 km, ce qui est un peu dommage parce que la Lune est plus loin que ça. Et si c'est un univers, si c'est un univers dynamique à la Friedman, c'est un univers qui est déjà rentré en accélération depuis très très longtemps. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dans un univers en accélération, la dilatation est trop rapide pour que la matière ait le temps de former des structures et des galaxies. Donc, il ne pourrait pas y avoir de galaxies, et donc on ne pourrait pas être là pour observer un tel univers. Donc, on se rend compte que si on croit la mécanique quantique avec cette source d'énergie qui vient d'énergie du vide, cette source d'énergie-là est beaucoup trop grande. Et donc, tout le débat actuel, c'est de savoir, mais alors comment est-ce qu'on rend compatible ce que l'on sait de la mécanique quantique avec la relativité générale ? Alors, il y a différentes voies. Il y a une voie qui est de dire, ben, finalement, le vide quantique ne va pas peser comme les autres pour certaines raisons. Une autre solution, c'est de se dire, on va changer les équations de la relativité générale, alors sur des très grandes échelles, donc à très très grandes distances, c'est-à-dire quand on va parler de l'univers. Et puis, il y a des gens qui vous disent, on ne change rien du tout. Ah bon, alors dans ce cas-là, pourquoi ça marche, on ne change rien du tout ? Eh bien, vous dire, ben, c'est simple. Ils vont imaginer des univers, ce qu'on va appeler des univers multiples, par exemple, dans lequel le vide quantique va pouvoir prendre différentes valeurs. Et nous serions dans un univers dans lequel, alors, il y a tout un mécanisme dynamique, mais dans lequel il y aurait une annulation avec cette constante, de telle façon que l'énergie résultante serait suffisamment petite pour que l'univers ne rentre pas en accélération tôt, suffisamment tôt, pour qu'on ait le temps de développer des structures. Donc ça, c'est toute l'origine de la théorie des multivers, qui est très controversée, bien sûr, parce que là, on est dans la science-fiction la plus totale. Mais vous voyez que la compréhension, en cosmologie, de son accélération et la compatibilité de la théorie avec la mécanique quantique, c'est vraiment ça qui va dominer le domaine pendant la décennie à venir. Et on a parlé des expériences comme Euclide. Donc si jamais Euclide voit une violation de la relativité générale aux échelles, disons, des centaines de mégaparsecs, donc les échelles plus grandes que les distances entre les galaxies, eh bien, on pourrait peut-être se dire, bah, la relativité générale, elle est bien à petite distance, mais à grande distance, il va falloir la modifier. Si microscope trouve des violations du principe d'équivalence, on a peut-être un signe de théorie de gravité quantique, mais en tous les cas, on sait que ce n'est pas la relativité générale, il y aura autre chose à faire rentrer. Et donc, on voit qu'on a quelques fils, et si on a un petit peu de chance, ça nous donnera peut-être une ouverture vers ces théories-là. Le dernier espoir, mais ça, il est beaucoup plus lointain, c'est la physique des trous noirs, parce que, alors ça, c'est une autre longue histoire que je ne veux pas raconter, je suis sûr que Jean-Pierre vous en a parlé. Les trous noirs ne sont pas si noirs parce qu'il y a des effets quantiques, donc ces trous noirs, en fait, vont rayonner de la matière de façon quantique, c'est ce qu'on appelle l'effet Hawking. Et en fait, que peut-être la compréhension de la physique des trous noirs au niveau quantique est aussi un fil qui va nous ouvrir vers la gravitation quantique. Du coup, là, histoire de te faire souffler et boire. Ouais, je te remercie. Si je résume, donc il y a non seulement un problème avec la relativité générale qui a besoin d'apprendre à papoter avec le tout petit, avec tout ce qui est effet quantique et à l'échelle de Planck, mais en fait, il y a aussi la mécanique quantique qui a à apprendre à qu'est-ce que deviennent ces effets à très grande échelle avec l'énergie du vide, etc. quoi. Oui, il y a les deux aspects. Donc, il y a l'effet d'avoir une description quantique de la gravitation et il y a aussi les effets de la gravitation sur l'évolution des systèmes quantiques. Et en fait, les deux ont été mis en œuvre. Il y a des gens qui ont des idées très, très, très, très fortes sur les effets de la gravitation sur la mécanique quantique. Par exemple, Penrose, il a des idées fondamentales. Il explique que ça peut être lié à des phénomènes de décohérence dans le cerveau, des machins. Il a toute une... Donc, on peut essayer de construire des expériences pour montrer des effets de gravitation sur des systèmes quantiques. Ça, il y a des expériences qui ont été faites. Je pense que je ne peux pas vous les décrire maintenant parce que vraiment, ça va nous amener très très loin. Et l'autre part, c'est la description d'une gravitation quantique. Et ça, aujourd'hui, c'est les chercheurs en physique théorique en gravitation, c'est ça qui les motive. Et alors, on a plein de théories alternatives. On a la théorie des cordes d'un côté. On a les théories de quantique à boucle. Et puis, on a plein d'autres théories alternatives qui foisonnent. Mais c'est les deux grandes branches, en fait, qui polarisent la communauté. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de savoir... quel est le principe qu'on va utiliser. Vous avez vu, on avait dit... il a fallu introduire la notion de champ, il a fallu trouver les bonnes équations, la bonne géométrie. Quel est l'objet qu'on va pouvoir utiliser pour généraliser les choses? Quel est l'objet qui est commun à la mécanique quantique qui, elle, utilise des notions d'opérateurs, des notions de fonctions d'ondes, par exemple, et la relativité générale qui utilise de la géométrie différentielle. Donc on est en train de chercher le langage commun. Alors il y a des gens qui ont des idées, par exemple Alain Cohn, il s'est dit la géométrie commutative, elle prend un petit peu des deux, c'est de la géométrie, mais les aspects non commutatifs, il y a des aspects de non-commutativité qui sont fondamentaux au niveau de la gravité quantique. Donc là, on est encore dans une époque de tâtonnement, et on est dans une situation qui est un peu la situation dans laquelle on était en 1915, c'est-à-dire que on a une nécessité d'étendre pour des raisons théoriques la théorie, de rendre deux théories compatibles, mais on n'a aucune prise expérimentale sur cela. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'expérience qui vont nous montrer la voie, qui vont nous dire c'est dans cette direction qu'il faut aller. Voilà, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on est simplement dans une construction mathématique? Est-ce qu'on va réussir à faire le lien au réel comme on l'a fait en découvrant les astres compacts, en étudiant la cosmologie qui ont ouvert deux champs? Ou alors est-ce qu'on va être dans une situation qui... possible que finalement il n'y ait pas de phénomène dans notre univers observable qui révèle la nature quantique de la gravitation, auquel cas on pourra peut-être pas trancher entre deux théories qui seraient mathématiquement cohérentes mais qui n'auraient pas de signature observationnelle ou expérimentale. Donc là c'est une question en point d'interrogation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça montre aussi comment les idées évoluent en science et comment on a à la fois besoin des développements théoriques et à un moment d'une relation à une expérience ou de relation à une observation, et ça pour l'instant on ne l'a pas. On n'a pas de domaine d'application de la gravitation quantique. Voilà. Ok. Johan ? Pardon. Merci bien, oui. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, ça me paraît bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on est pas mal. Je crois qu'on va, on va peut-être battre le record de l'évolution. Bon, très bien. Oui, il y en avait si vous ne vous êtes pas endormi... Voilà, donc si vous ne vous êtes pas endormi, je vous rappelle, vous venez à Florence du 8 au 15 mai, c'est dans le Gers, pour parler de science... J'ai dit du 8 au 15 août, je suis fatigué. Du 8 au 15 août à Florence, dans le Gers, pour le Festival d'astronomie de Florence. Vous avez à la Bibliothèque nationale la série de 6 conférences entre octobre et décembre. Et nous parlions de l'Institut Henri Poincaré, donc sur cet événement autour de la relativité générale. Quentin Lazzarotto, qui est notre chef du service audiovisuel et aussi réalisateur, est en train de réaliser un film qui va raconter, un documentaire qui va raconter un petit peu cet événement-là. Et ça devrait sortir à la fin de l'année et probablement sur une chaîne de télévision en début 2016. Donc voilà, donc ça fait de l'actualité à suivre si vous êtes intéressé par ces aspects historiques et scientifiques sur la relativité générale. Peut-être deux mots justement sur l'IHP. L'IHP, ça se visite, on peut venir le visiter ou c'est un lieu de travail? Alors, c'est d'avant tout un lieu de travail, mais ça peut se visiter. Je sais qu'il nous écoute et que c'est un ami très proche. Il faut demander à Roger Mansuy savoir s'il peut organiser une visite. Il ne nous écoute pas, il était pris ce soir. Non, parce que Roger était pris. Hein. Et d'ailleurs, on lui souhaite un bon anniversaire parce que c'est son anniversaire de mariage. Donc, bon anniversaire Roger et bon anniversaire Alice. Mais là, il est revenu, il m'a dit « Je sais, je t'écoute, je suis là ». Et donc, il est là, il est 23h28, donc on remercie beaucoup Roger. Et Roger, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'occupe... du comité de culture de l'Institut Henri Poincaré, et donc il coordonne beaucoup toutes nos activités autour du grand public. Il est plongé aussi dans la réflexion sur l'extension de l'Institut et la création d'un musée des mathématiques dont vous avez peut-être entendu Cédric parler sur les chaînes de radio et de télévision. Et donc il travaille beaucoup avec nous, en particulier pour rendre accessibles les mathématiques aux jeunes étudiants avec son cycle de conférences MathPark, et aussi régulièrement quand des classes visiter l'Institut, essayer d'organiser une visite. Mais donc l'Institut est ouvert, c'est un institut ouvert au public, on peut venir. Sur le fond, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur des tableaux et dans des amphithéâtres. Il y a une bibliothèque, une très belle bibliothèque où on peut aller, où il y a une collection de modèles mathématiques, donc des surfaces et des beaux objets que l'on peut aller voir si on ne parle pas trop fort, en demandant gentiment à la bibliothécaire Alexandra, qui est très sympathique. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à visiter. Donc, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas un laboratoire. Mais il y a des gens et il y a des activités grand public. Et en fait, je pense que c'est une bonne opportunité de venir aux journées grand public. Et la prochaine, donc, ça sera la fête de la science. Donc, si vous avez un calepin, ça sera le 10 octobre. Toute la journée, on aura des visites donc de la bibliothèque, du campus. On aura des des exposés et on aura aussi des manips. On a, eh bien, on parlait de Michael Launay, il viendra aussi faire des choses avec nous comme il vient chaque année. On aura les gens de Playmat, Jean-Jacques Dupin et tous ses copains qui viendront faire des polyèdes. Bon, on aura plein d'activités. Et donc c'est une façon aussi. François. Science ouverte sera là. Tout à fait. Donc en fait, voilà, c'est, y a un réseau d'amis, de gens qui aiment les maths et les sciences et qui s'impliquent de différentes façons et qui gravitent autour de l'Institut Henri Poincaré. Nous, on est heureux si on peut continuer à faire vivre ça. Et donc, oui, s'il y a des gens qui ont des idées, ils peuvent nous contacter, et soit Roger Mansuy, soit moi-même. Je suis sûr que vous trouvez nos contacts sur Internet. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Faire une visite guidée spéciale podcast science. C'est ça, mais il faudrait qu'on fasse une émission pour parler de l'IHP, je pense qu'il y aurait voilà. À dire quoi. On peut se faire une émission, on peut essayer d'organiser, alors je sais pas comment on fait ça parce que c'est très compliqué, il va falloir l'attacher, mais on peut imaginer qu'on arrive à bloquer Cédric quelques heures et puis disons une heure et puis qu'on fasse une émission à l'IHP ou qu'on parle un petit peu de l'histoire de l'Institut parce que c'est une histoire très intéressante et lui la connaît très bien, qu'on parle un petit peu aussi de l'histoire de cette collection de modèles qui est quand même quelque chose de très important et puis aussi du projet d'extension de l'Institut et de la création de ce musée des mathématiques, parce que là aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. C'est quelque chose qui va se faire, on espère, à l'horizon 2019. Donc, c'est bientôt. Donc, à la rigueur, bah, si ça vous dit de venir à l'Institut Henri Poincaré, vous êtes les bienvenus. Il faut qu'on organise ça, ouais, tout à fait. Voilà. Johan, tu prends la suite ou je prends la suite? On passe à la côte? On peut finir, ouais. Alors, donc on avait plusieurs côtes pour ce soir. On a même eu une côte d'Albert Einstein auquel je ne crois pas trop. Et notre invité en a amené une, un peu grand. Et notre invité en a sans doute amené une aussi, donc je lui laisse la priorité. Non, alors, des coachs, on m'avait pas dit qu'il fallait que j'amène une citation. Alors, bon, mais j'en ai une là dans un truc. Bon, elle est en anglais, je sais pas si. Ça va être traduit en direct. C'est dans l'album The Big Note de Frank Zappa, d'accord? Alors. C'est comme toujours, c'est des longues histoires. Mais bon, moi, je me suis beaucoup intéressé entre les relations entre science et musique, et en particulier sur les. Il y a plein de choses, il y a l'acoustique, il y a les gammes de musique, des trucs, mais il y a surtout les aspects de la mystique en fait, parce qu'il y a une grande mystique, on se rappelle de l'harmonie des sphères de Kepler, et en fait il y a plein de gens qui ont été des grands mystiques, moi je suis fasciné par ces histoires de mystique, et en fait Frank Zappa avait entendu qu'on avait dit que l'univers était baigné de ce bain de radiation à 3 Kelvin, donc après la découverte de Penzias et Wilson, et donc il a calculé la longueur d'onde à laquelle ça correspondrait, et donc ça c'est une fréquence fondamentale dans laquelle tout l'univers baigne, et donc il a appelé ça The Big Note. Et donc, il a fait tout un album qui est extraordinaire autour de cette notion-là. Et donc, une des citations dans The Big Note, il dit, c'est ça. Il dit « Everything in the universe is made of one element, which is a note, a single note. Atoms are really vibrations, you know, which are extensions of the big note. Everything's one note. Everything's even the ponies, the note. However, is the ultimate power. But see, the pigs don't know that, the ponies don't know that. » 3 petits points, et bien sûr, sous-entendu, nous, on sait ça. C'est-à-dire que il faut écouter cet album. Et donc, si vous avez suivi tout ce que j'ai raconté sur la cosmologie, vous allez beaucoup rigoler. Et je trouve qu'il avait beaucoup d'humour. Il y a après un petit dialogue où il dit, entre Spider et John, qui disent « We are actually the same note, but different octave. Right, we are, je le dis en français, 4928 octaves below the big note. » Donc voilà, il s'amuse à essayer de savoir. Et donc, d'après Frank Zappa, la fréquence fondamentale, c'est un si bémol qui est 4928 octaves au-dessus du si bémol 4. Voilà, donc vous pouvez calculer. Je ne sais pas comment il a fait calculer. Et c'est donc voilà, je vous ai amené ça parce que je trouve que c'est une bonne façon de finir autour de la cosmologie. Alors, et puis de faire un petit peu pour faire de musique la traduction, mais grosso modo, je peux faire c'était... la traduction si tu veux. Ah, je l'ai trouvé. Donc trouvé tout dans... je l'ai trouvé sur internet. Enfin, ah, bah, j'ai pas trouvé une traduction. J'ai trouvé une. Je peux chercher une traduction aussi. Oui, ça peut. Être... Bon, sinon, je la fais en direct. Donc tout dans l'univers est fait d'un seul élément qui est une note, une seule note. Les atomes sont en fait des vibrations, tu sais. Qui sont en fait des extensions de cette grande note. Tout est une seule note. Tout, même les poneys. Ponies, c'est poneys ? Oui. Cette note, cependant, est un pouvoir ultime. Mais tu vois, les cochons ne le savent pas, les poneys ne le savent pas. Bonne nuit à tous. Parfait. On avait d'autres citations d'Aline, ça ? Oui. Comme d'habitude, il y en a beaucoup. Peut-être rapidement, une ou deux, parce qu'après, tu as une conclusion un peu longue. Ah, j'aime bien celle-là, oui, pas mal, pourquoi pas. Une théorie qui vient de Hawking. La découverte d'une théorie complètement unifiée, donc, peut ne pas venir en aide à la survie de notre espèce. Elle peut même ne pas affecter du tout notre mode de vie. Mais jamais depuis l'aube de la civilisation, les hommes ne se sont accommodés d'événements hors cadre et inexplicables. Ils ont toujours eu soif de comprendre l'ordre sous-jacent dans le monde. Ce désir de savoir, chevillé à notre humanité, est une justification suffisante pour notre quête continue. Et c'est donc dans une brève histoire de temps de Hawking. Et sinon, il y en a une d'Albert Einstein, enfin je ne me prononcerai pas, elle fait catégorie dans la catégorie des codes d'Albert Einstein. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Oui, je pense que c'est pas d'Einstein, mais il y a marqué Albert Einstein. Moi, je vote contre. Je vote personnellement contre que ce soit d'Einstein. Faut qu'on fasse une rubrique la prochaine saison, les codes d'Albert Einstein, une par semaine. Donc ensuite, vous avez un petit plug sur les dons. Ah oui, on en a parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines. On a mis en place un nouveau système de dons parce qu'on avait plusieurs problèmes avec PayPal. Donc on est passé sur Patreon. Pour l'instant, la page est assez vide. C'est Pascal qui rapidement la remplit. Patreon, le principe, c'est grosso modo que vous vous abonnez. Je crois qu'on est obligé de s'abonner à mensuellement faire un don. Et voilà, donc ça change pas beaucoup du système de PayPal, sinon qu'il y a une page, que ce sera aussi un moyen pour nous de communiquer avec vous. On va essayer de cet été mettre ça un peu au propre, le développer, de voir un peu ce qu'on peut faire dessus. Donc voilà, c'était juste pour... Vous pouvez y accéder sur le site via la page de dons. De toute façon, on va contacter les personnes qui ont des dons récurrents chez nous, parce que progressivement, on va fermer le PayPal pour passer sur ce système-là. Donc voilà. Ok, je crois qu'on peut conclure du coup sur cette longue émission qui... Ok, donc c'est tout pour cette année. On vous laisse méditer donc sur les dernières émissions qui ont été d'un très haut niveau et on espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que nous à les faire. Comme c'est un peu des bisuteurs à Podcast Science, ils ont laissé au dernier arrivé la tâche difficile de faire la conclusion de la saison. Donc l'année dernière, Alan nous annonçait qu'il partait. Et il faut bien avouer qu'on n'a pas fait les malins. On a essayé entre deux sentiments, d'une part l'incrédulité, partira jamais, c'est juste pour faire pleurer sur la musique du Roi Lion. Puis la peur aussi de se dire que le podcast ne survive pas sans l'incroyable et omniprésent Alan. Puis il est tout de même plus ou moins parti, on a réussi à couper le cordon. Bon, pas totalement, hein. Il revient souvent faire toutou. Coucou. Il s'est d'ailleurs encore énormément investi avec l'aide précieuse de Xavier Durussel pour l'organisation des trois soirées exceptionnelles de l'année. Entre l'émission en direct du CERN pour commencer l'année en beauté et l'émission Podcast Science sort du placard pour la clôturer, il y a aussi eu la spéciale 200e. Mais il est tout de même parti suffisamment pour qu'on apprenne à se débrouiller tout seul et on n'a pas disparu. Au contraire, on a eu beaucoup d'invités chercheurs très renommés cette saison 5, signe que le podcast prend confiance en lui et qu'on commence à remplir un de ses objectif fondateur qui était de rendre les chercheurs visibles, montrer qu'ils sont accessibles, sympas, ravis de partager de leur passion. Casser un peu l'image du chercheur inaccessible, incompréhensible dans sa tour d'ivoire. Cette année, par exemple, on a eu donc le professeur Sellos, son interview très remarquée sur les chimères, Nicolas Grandjean, qui est désormais notre spécialiste de ce qui brille et qui tient dans la poche, Franck Ramu, spécialiste du cerveau, et bien sûr, non pas un, mais deux prix le maître, dont un aujourd'hui pour la saison 5. Bon, et bien sûr, les nouveaux ont pris la relève avec Irène qui nous a pondu 6 dossiers avec un enthousiasme toujours présent. Moi, je retiens toujours ce qu'elle nous avait dit pour le dossier Interstellar. Irène, tu nous fais un petit topo sur Interstellar? Oui, j'ai 2 dossiers d'une heure et demie sur le sang, ça va? Oui, donc ça n'a pas trop de rapport, mais ok. Billy et Topo, qui ont maintenant pris leur quartier chez Podcast Science, ils ont aussi participé activement cette année en ramenant des intervenants passionnants, en particulier sur CRISPR et les pingouins. Cham, qui vient souvent maintenant et qui s'est spécialisé dans les polémiques scientifiques qui en fait n'en sont pas. Moi, de mon côté, je suis resté très orienté astro cette année. En même temps, c'était les 25 ans de Hubble. Promis, l'année prochaine, j'essaierai de sortir de ma zone de confort pour faire des dossiers plus terre à terre. Alors que Robin vient de devenir papa et que nous accueillons Beson comme nouveau membre du podcast, il a tout de même trouvé le temps de nous parler de maths. Et pas tant que ça en fait, pour une fois, toujours là où on l'attend pas, il a aussi fait un dossier de cristallo, il nous a ramené des invités chimistes et astrophysiciens. Et il y a tous ceux qu'on n'entend pas, mais qui sont là chaque semaine pour avoir une émission de qualité, Pascal pour l'informatique, vous verriez les mails qu'il envoie à l'hébergeur, ça rigole pas, Notre nouveau community manager Samuel, qui cherche déjà à se faire un nom de dictateur attentif aux deadlines. Il vient tout juste d'être accepté en première année de physique à l'Université de Genève. On lui souhaite plein de réussite. Il y a aussi les dessinateurs qui nous aident à rendre l'émission plus jolie, parmi les habitués Puyo et Enti qui nous font rire chaque semaine. Enfin, Julie, sans qui la transition sans Alan n'aurait pas pu se faire, prêtresse des coulisses de l'ombre, elle assure chaque semaine les émissions aient lieu, même quand tout le monde est à la ramasse. Enfin, Nico, quant à lui, a pris sa tâche de dictateur multitasker très au sérieux pour accueillir chaque vendredi les intervenants extérieurs chez lui et faire les montages chaque week-end, qu'il pleuve ou qu'il vente, et revenir en plus nous faire des dossiers passionnants la semaine d'après. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent financièrement ou en faisant des retranscriptions de dossiers terriblement chronophages. Merci à nos auditeurs adorés. On se retrouve l'année prochaine, le 1er septembre, pour la saison 6. Écoute, merci Johan. Je voulais juste rajouter deux mots. Moi, j'ai pas préparé, mais parce qu'on a aussi fêté à la 225 les 5 ans du podcast. Donc, c'est pas rien, 5 ans, ça commence à faire. Et bah, comme l'a bien résumé Johan, il y a pas mal de choses qui ont changé cette année. On a encore grossi la communauté de gens qui participent autour du podcast. Et en fait, le départ d'Alan s'est vraiment fait. C'est-à-dire qu'Alan, il est venu faire coucou, mais maintenant, il a vraiment il est vraiment en mode quand il passe sans avoir tout sur le dos, etc. Je pense que ça lui fait du bien, ça lui a fait plaisir du coup de pouvoir s'investir dans typiquement l'émission 225 qui lui tenait à cœur. Et voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que cet été, nous, on va sans doute pas mal réfléchir parce qu'on est tous un peu fatigués de la formule actuelle, du fonctionnement, etc. Donc on va se réunir, on va faire un point fixe, un peu comme tous les ans, pour essayer de construire le podcast Science Nouveau pour l'an prochain. On a déjà un programme qui est chargé. Tout ça pour dire que, je pense qu'on partage tous, même sans avoir consulté mes camarades, le fait qu'on est super heureux d'avoir vos retours, de partager avec vous quand on se rencontre, etc., d'avoir des interventions incroyables à chaque fois. Donc, cet été, c'est peut-être l'occasion aussi pour vous de nous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir dans la suite, comment vous voulez interagir avec nous, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, changer, pas changer, etc. Voilà. Donc, d'ici là, comme a dit Johan, à l'année prochaine, pour le 1er septembre, c'est ça, pour la saison 6. Et merci donc à notre cher invité, c'était passionnant. Merci beaucoup à tous qui ont réussi à ne pas s'endormir. Et merci à mes hôtes aussi, parce que c'était bien. Je remercie pour la pizza qu'on a mangée en même temps qu'on vous parlait. Et c'était un bon moment. Et j'ai vu aussi, il y a eu des très beaux dessins, et je remercie la personne qui les a fait. Si jamais ça l'intéresse de faire un dessin de pour le mécano de la générale en foutant la tête d'Einstein à la tête de Buster, à la place de la tête de Buster Keaton sur l'affiche du film, donc le mécano de la générale, on le retrouve partout. Je suis assez preneur parce que je voulais le faire, mais je suis nul en dessin, donc j'ai fait ce que je t'ai montré, c'était assez. J'ai pris la photo d'Einstein qui tirait la langue, et j'ai mis à la place de la tête d'Albert Einstein. Mais pour le de Buster Keaton, pardon, et pour le voilà. Si jamais ce dessin sort par quelqu'un, je serais heureux parce que je trouve que ça serait un bon dessin à faire. Voilà. Bah écoute, il est dans la chatroom, donc il a entendu le message. Prends les commandes. Voilà. Sur ce, nous, on vous souhaite finalement des bonnes vacances. On va aussi prendre nos vacances à nous. Et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie. Bonnes vacances.